toujours disponible. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 € toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Eh oh, tu m'entends de l'autre côté du poste? Fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Concert. Skyrock. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien. Je te parle de mes refs. Le phénomène Nekfeu. C'est Nekfeu sur Skyrock. Choisis encore Skyrock pour son prochain concert à Paris. Nekfeu. C'est ce bon vieux feu. Le beau gosse du rap français. Le 1er décembre en concert Skyrock à l'Accor Hotel Arena de Paris. On verra bien. Merci. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Eh ouais, Nekfeu, concert Skyrock et des places de concert avec Jules tout à l'heure avant minuit. Jules a écouté tout de suite sur le son de Ghetto Phénomène. C'est parti, c'est sur Sky, c'est Maria Maria. C'est la plus grande radio libre de France. Tous les soirs, full radio libre, radio libre en direct. T'inquiète pas, toi tu verras pire. Je sais même plus ce que je dois faire, mais je sais que tant demain je peux partir. Je sortais de la zone, je cabrais dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. Je connais la galère, frapper des templates tout le temps pour ti. Espèce d'abruti, prends pas mal de la bouche, on va sortir l'outil. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai pas les données. Il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Je reste fidèle au Paris, oh. Ghetto Phénomène, les potes de Jules et Jules sur ce morceau. C'était Maria Maria pour démarrer la radio libre. Il est pile 21h. Skyrock, Romano. Non, mais attends, j'ai l'oreille bouchée, j'entends pas. Attends, je me tourne. Difool. Ça reste Difool, le leader. Le leader. Bah. Cédric. Bah, c'est Marc. Moi, je m'appelle Marc. Du trou. Hein? Je voulais venir te voir. Ah non. Allô? Marie. Je sais pas, moi, j'ai eu plein de mecs qui étaient fermés là-dessus. Une fois qu'ils avaient essayé, ils étaient fous du truc. Hein. Ah bah, après, ils étaient bien ouverts. Oui, ah, Samy. Et quand ils partent, tu dis, mais elle suce bien quand même. Là, et Karim. Vite, une bière avant que ça recommence. Difool Radio Libre. 1h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Salut les filles. Eh bien, salut tout le monde. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous toutes. Bicou les boys and girls. Oui, ok, merci. Voilà, ça va être compliqué ce soir, dites-donc. Hein. Si ça démarre comme ça, c'est compliqué. Bienvenue à vous, donc, sur Skyrock. C'est parti, Radio Libre jusqu'à minuit. Jeudi soir, on aura du problème du mois. Jeudi soir, on vous attend en direct. Ça, c'est comme tous les soirs. À n'importe quel moment de l'émission, vous pouvez débarquer ici au 01 53 40 30 20. Ils vous attendent, ils sont au standard et ils sont déjà avec vous. La Marie. Ouais, salut tout le monde. Karim, qui m'envoie Mao, qui va démarrer l'émission avec nous. Mao, c'est ça. C'est ça. Mao. Et Samy, qui est là aussi au 01 53 40 30 20. Si vous voulez les appeler, ça arrive directement dans le studio. Et on se retrouve juste après en direct à l'antenne sur Skyrock, bien sûr. Les réseaux sociaux sont ouverts. Romain des réseaux sociaux est branché dessus. Ouais. Bonjour Romain des réseaux sociaux. Je suis à 100% les mecs. Ah, oula. Oula là. Je suis à 200 même. Tu t'es drogué, non? Non, pas du tout. Tout va bien. Ouais, arrête la coke. Très bien. Arrête tout même. Arrête la vie même. Tout va bien, je suis là. Et je vous parlais du problème du mois et Romano est là aussi avec ses écrans, ses sites internet, ses forums et ses dingues du problème du mois qu'on va retrouver tout à l'heure en direct sur Skyrock. Bonjour, bonsoir Romano. Bonsoir. Bonsoir, mets ton micro. Voilà. Bonsoir, c'est bien. Je la refais. Qu'on puisse profiter de ta douce et si belle voix. Ah oui. Oui. Dit-il en tout sens, c'est bien. Alors, ça commence bien. Vous allez avoir LMAO téléphone. Non. Non, c'est Mao tout court au téléphone qu'on va prendre en direct avec nous. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous jusqu'à minuit, c'est ouvert, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez tout dire. Ici, c'est la plus grande radio libre de France et on vous attend en direct. Le 41759 et l'appli Skyrock, j'ai pas dit, mais ça marche. Bonjour à Hichem Futur. Bonjour Hichem Futur, qui ne fait absolument oui. Bonjour à Cédric pour Charlotte, c'est gentil Charlotte, on lui transmet, on va lui passer un coup de fil. Bonjour à Zacharia, bonjour Zacharia, Juju qui vient d'arriver. Salut Ectolino, bonjour Ectolino qui est là aussi. Bonjour à Sando, salut Sando et tous les autres. Allez-y, vous laissez vos messages, ça arrive directement dans le studio et on se retrouve en direct. Ou alors on lit vos messages en direct. Si vous avez un conseil à laisser, n'hésitez pas avec l'appli, avec le 41759 et avec le skyrock.fm, ça marche. Alors, on va passer une belle soirée, ça j'en suis sûr. Ça va être magnifique. Tu penses aussi que ça va être magnifique? Est-ce que tu as la surprise de Cédric? Bah, il faut que je l'appelle vite fait, mais ouais, c'est bon, hein, normalement. Alors, tu dois appeler une surprise, donc c'est donc un humain, ce n'est pas un objet. Hein. Parce qu'on va offrir un cadeau à Cédric ce soir pour lui faire plaisir, parce que ça fait tellement longtemps qu'il souffre à cause de sa clavicule cassée. Ça fait un mois aujourd'hui, hein, c'est cassé la clavicule. Ça fait un mois, là? Ah ouais, ça y est. Un mois. Ah bon anniversaire, il en fait du cinéma quand même. Ah, pépère la life, hein. Oh, le pauvre. Un mois, donc en un mois, une clavicule cassée, quatre côtes cassées, plus une chiasse carabinée. Carabinée, ouais. Toute la semaine dernière. Il méritait qu'on pense à lui ce soir. Qu'est-ce que vous offririez comme cadeau à Cédric? Pour lui faire plaisir, on va vous poser une petite question dès le début de l'émission. Qu'est-ce que vous offririez comme cadeau à Cédric? Salut les filles. Salut les filles. Un Mathieu Delormeau, peut-être. Ah, bah, sympa. Voilà, trop gentil. Bon, une nouvelle clavicule. Toute belle, toute neuve. C'est une clavicule toute belle. Toute neuve, c'est bien. Un bouchon pour lui mettre dans son cul, nous disons. C'est pas bête. Jules nous dit. Ouais, éventuellement, ça peut servir. Un bouchon, d'accord. Si vous avez des bouchons, vous pouvez les envoyer. Il y a des opérations avec des bouchons que tu mets dans des boîtes. Je sais plus pourquoi c'est tout ça. Hein? Des bouchons. Vous avez pas vu ça? Tu mettais des. Si, c'est. Ah, je suis pas complètement fou, hein. C'est une association, ça s'appelle, je crois, les petits bouchons. Ah, les petits bouchons. Quoi, des bouchons? Et en fait, non, tu récupères, tu sais, les bouchons, par exemple, de tes bouteilles d'eau. Ah, ouais. Et il y a des endroits où tu les poses. Ah, des collègues. Et en fait, ils revendent ça. Des trucs de plastique et ça paye des fauteuils roulants pour des handicapés. Très bien, ben, prenez-en au moins un et laissez-le pour Cédric, c'est une bonne idée. Blue, merci pour ton message de bouchon d'entre nous. Non, mais prenez un bouchon de bouteille de vin, comme ça, ceux-là ils peuvent aller recycler, je crois. Bah, il y a Charlotte qui est une bonne idée, merci Charlotte de ton message, qui nous dit faudrait lui offrir un god, ça fait bouchon et en plus ça lui ferait plaisir, il aime tellement ça. Ah ouais, bon gros god, que ça te fait plaisir, Cédric. Oh, que ça lui ferait plaisir. Une liposuction pour Hugo. Une liposuction, ça coûte trop cher. Non, mais on va arrêter les opérations pour l'instant. Oui, c'est vrai. Non, mais de toute façon, dans les hôpitaux, ils ne veulent plus de lui. Donc, il a du mal à lui trouver une clinique vétérinaire. Ouais, ouais, donc là, il commence à en avoir marre. Sur l'île de France, ça se complique. On va peut-être vous l'envoyer vers chez vous, tiens. Ou à l'étranger, si vous êtes en province, une bonne clinique vétérinaire vers chez vous, prends les adresses ou comment c'est en galère, là. N'hésitez pas, de la France entière, en effet. Ouais. Ah ouais, peut-être même du monde entier bientôt. Alors, offrez-lui du savon pour Idriss, 16 ans. Il faudrait lui offrir. J'en ai jamais eu. Un kebab. Oh, Cédric, il a jamais eu du savon. Le pauvre. C'est quoi ça? Du savon. On va t'expliquer. C'est un truc qui mousse. C'est sympa. Ça sent bon, ça mousse. Un kebab pour Antipari OM. C'est bien noté. Une douche pour Coco. Des chiottes pour Jalais. C'est vrai que les chiottes de Cédric s'usent 10 fois plus vite que des chiottes normales. Ouais, ouais. Ah bah, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Mais ils sont quoi? Ouais, ils doivent être flingués. Moi, j'aimerais pas. T'aimerais être les chiottes de Cédric? Oh. Tiens, par exemple, pour te réincarner, Romano. Abracadabra. Je te transforme en chiottes. Tu te transformes en chiottes de Cédric. Tu fais quoi? Ah, déjà en chiottes. Mais de Cédric. Ça me ferait chier, mais alors en chiottes de Cédric. Il n'y a pas autre chose? Non. Tu seras réincarné quand, si tu meurs, Romano, tu seras réincarné en chiottes. Ah ouais, les claquettes, il n'y a pas moyen d'arrêter le réincarnement. Ah non. Du PQ, ça tourne beaucoup ouais, du PQ. Ouais, ah, Aliane qui nous dit un bain avec Jérim Star, comme ça il sera peut-être propre. Pas mal comme idée, dis donc. Pas mal, pas mal. Une nouvelle gueule, une prostituée, une serviette pour s'essuyer, des masques de beauté. Avec Jérim Star, c'est qu'il peut prendre le bain et se faire boucher le trou du cul en même temps. Ah ouais. Il y a double emploi sur le. Jérém Star, c'est le gars qui interviewe les stars, enfin les stars de la télé-réalité dans des bains. C'est ça. Bah, dans son bain, lui. Dans son bain, dans sa baignoire. Tous les deux dans son bain, c'est magnifique. Et l'autre pisse dans son bain en plus, il a déclaré. Ah, et les gens continuent d'y aller. Ils sont contents. C'est quand même fou. C'est gentil. Hein. Vous pensez à Cédric. Il y a plein de messages. Hein. Ça fait plaisir. Merci à Fibra. Merci à Charles. Merci à Nico. Merci à Bléro. Bonjour Bléro. Merci au routier. C'est vrai que ça ferait chaud au cœur. À la roue du camion aussi. C'est vrai. Ça fait chaud au cœur de voir tous ces messages. Ah ouais, ça fait plaisir. J'avais compris que tu avais dit ça fait chier au cœur. Non, ça fait chier. Non, j'ai foiré ma phrase. Ah ouais, mais... ah oui, c'est ça. En fait. C'est ça que je voulais dire. Tu penses à Cédric, tu penses à chier. Il faut l'a bien traduit. Ça fait chaud au cœur de voir tous ces messages pour lui. Exactement, je te comprends, Romano, tu sais. Mohamed Ali lui offrirait une poupée gonflable. C'est la seule qui soit prête à faire l'amour avec lui gratuitement. Pas faux. C'est vrai, il faut l'acheter une fois, puis après, elle est réutilisable. Non, mais Cédric, qui monte dessus, il l'éclate, non? Oh là, elle a explosé. Oh, elle a explosé. Elle a explosé. Oh ouais, Fab. Merde. Oh bah alors. Bon, Cédric, on prendra des nouvelles. Vous l'appelez d'ici la fin de la soirée. Hein. Et puis on s'occupera de lui. Alors on va prendre Mao, comme je vous le disais. Le double appel, j'en ai pas parlé, mais on en fera au moins un petit avant minuit. Hein. Le double appel à retrouver. Et pour ton problème du mois, Romano, est-ce que tu peux nous faire un petit signe? Parce qu'il faut que je vous parle de plein de choses ce soir, et notamment. Un petit signe? Un petit sommaire, pardon. Ah oui. Je viens te dire coucou, mais coucou, ça me ferait plaisir aussi. Ça fait un grand intérêt. Et nous parlerons du complot Kardashian. Ah ouais, alors moi j'ai entendu des choses. Mais tu as bien fait d'avoir entendu des choses. Mettez-moi à niveau, les gars, j'ai pas suivi moi. Le complot Kardashian. T'es au courant, Kardashian, oui, s'est fait voler. Ça va, j'ai pas suivi, mais pas depuis une semaine. J'ai pas suivi, genre là cet après-midi, tu vois. C'est qui Kim Kardashian? Alors Kim Kardashian, c'est une dame qui a un gros cul, qui est la femme de Kanye West. Ouais, voilà. C'est qui Kanye West? Oh. Ah ouais, putain, Cédric, il nous a quitté pendant un mois, il a oublié plein de trucs. Faudra qu'on lui fasse une remise à niveau quand il va revenir. Ah ouais. Le complot Kardashian. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Moi, j'ai entendu une nouvelle thèse aujourd'hui. Oui, c'est la même que moi, Romano. Je sais pas. Les Jeux Olympiques, tout ça. Les Jeux Olympiques. Non. Moi, j'ai entendu un autre truc. Alors, et la mienne paraît fortement crédible. La mienne vas-y, aussi. Vas-y, moi, j'aime bien raconter. Elle est fortement crédible. Chaud. Bon, Kardashian. Elle s'est fait taper. Bon, alors entre 4 et 10 millions d'euros parce que. À la louche. D'après tous les médias, il y a pas deux chaînes qui ont donné le même chiffre. Et puis des fois, ils disent le même chiffre, mais il y en a un, c'est dollars, l'autre c'est euros, tu vois. Ça dépend des chaînes de télé. Ouais, oui. C'est ça. Ouais. Bah, c'est le travail journalistique qui est fait à son maximum. Ouais, parfaitement. Ouais, c'est alors, ça. Ta thèse, Romano, voici la thèse. De le complot Kim Kardashian. Alors, Kim Kardashian donc était chez elle, elle s'est fait ligoter machin, ouais, saucissonné. Ouais. Bon, elle avait un garde du corps, c'est un Français d'ailleurs. Oui. Qui est censé la surveiller, mais et qui est parti en boîte avec sa sœur ou ses deux sœurs. Ouais, un truc comme en ça. Boîte. Ouais. Et il se trouve que ce mec-là, la police a mené une enquête sur lui. Mmh. Et le mec est endetté d'1 million d'euros. Pas mal. Comment tu le vivrais toi si t'étais endetté d'1 million d'euros? Mal. T'aurais quelle tête ce soir? Tu vois, t'as appris. Non, mais peut-être que si on t'apprend 21h09. Romano, tu es endetté d'1 million d'euros. Mais comment tu fais pour être endetté? Déjà, moi, je pense que je tombe dans les pommes, quoi. Tu pleures après. Ouais, c'est ça déjà. Après être tombé. J'ai déjà rien que d'en parler. Tu sais, j'ai des des palpitations. Voilà, c'est ça. C'est ça le mot que tu cherches. J'ai une cœur qui s'emballe. Tu palpites. Ouais, déjà, il est louche. C'est vrai, il est devenu tout vert. Je parle de ça, il est tout vert. Ouais, c'est dingue. Bon, c'est pas moi, heureusement. Bon, ce mec-là, donc en fait, il avait monté une société de surveillance pour les célébrités. Bon, a priori, il y a eu des problèmes financiers. Ça a foiré. Et la police a des doutes quant à ce mec. Ils sont en train d'enquêter sur lui parce que, étant donné que, bizarrement, ce soir-là, pile le soir, il était pas là. Il était comme par hasard. Ouais, ça pourrait être. Lui qui aurait vendu la mèche, en fait. Ouais, possible. Mais c'est crédible, hein. Le mec est endetté d'un million, il est dans la merde. Il se dit, ouais, le tech, son gros cul, elle est blindée. Bah, du coup, maintenant, il a plus suite. Elle a un gros cul, mais un gros portefeuille aussi. Le mec, il savait tout. Tu pouvais très bien indiquer ça à des mecs. Vous imaginez s'il y est pour rien, le pauvre. Non, mais en tout cas, la police enquête sur lui. Bon, après, pour le moment, il y a présomption d'innocence. C'est quoi le rapport avec les Jeux Olympiques? Alors, ça, c'est mon. Moi, je ne connais pas cette thèse. C'est mon histoire, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, vous savez que Paris est en concurrence avec Los Angeles pour l'organisation des Jeux Olympiques en 2022, je crois, ou 2024, je sais plus. Et donc, Et donc, cette semaine, il y a les mecs du CIO, c'est le comité 24. D'organisation des Jeux Olympiques, qui va décider de quelle ville quelle est la ville qui va accueillir les Jeux Olympiques, qui devait faire une enquête, décider de tout ça. Non, mais il y a un mec qui est venu à Paris, là. En fait, ils sont en train. En ce moment, ils sont en train d'étudier le dossier, mais ils vont pas donner la réponse tout de suite, hein. C'est genre dans un an qu'ils donnent la réponse. Ouais, mais cette semaine, il y avait. Ils étudient le dossier. Ouais, voilà. Et il y avait un mec du CIO qui est venu voir les infrastructures et tout ça. Alors là, il a testé, on l'a vu à la télé, il essayait des trucs, bon, il avait l'air malin. Vous vous dites, mais quel est le rapport entre les Jeux Olympiques et Kim Kardashian? Le rapport est Kanye West. Kanye West qui serait censé faire l'ouverture des Jeux Olympiques s'ils se déroulent à Los Angeles. LA, ok. Et les Américains auraient organisé ça. Ah ouais. Le cambriolage de Kim Kardashian serait coupable. Pour faire perdre des points à Paris. Genre la sécurité à Paris, c'est pas bon, c'est dangereux, etc., etc. Et donc, pour que Los Angeles ait les Jeux Olympiques et pour que Kanye West puisse chanter à Los Angeles. Je trouve ça un peu gros quand même. C'est la thème, c'est la thèse, le thème du complot. Le complot olympique. Mais où sont passés les Illuminati? Ouais, c'est clair. Hein, où sont-ils? Mais c'est eux qui complètent, gros. C'est tiré par les cheveux. C'est eux, mec. C'est tiré par les cheveux, il y a ça devant Romano, hein. Ça m'énerve. Excuse-moi. Déjà qu'il y a deux minutes, il a cru qu'il avait un million d'euros de dette. Et là, en plus, tu lui parles de cheveux. Non, mais attends, tu veux lui bousiller sa soirée. Je pense pas que ce soit organisé. Kanye West était en concert. Il a arrêté son concert en plein milieu pour aller là. Et ouais, mais tu sais, les Illuminati, tout ça. Non, mais attends, mais Kanye West en 2024, il sera has-been, non? Pas. Oh non. Je crois qu'il va chanter encore dans 10 ans, le mec. Dans 8 ans. Vous êtes en quelle année, vous? En 2016. Moi, j'étais en 2023. Ah ouais, donc peut-être. Tiens, c'est pas l'année prochaine. Mais non. Donc, il serait censé faire l'ouverture des Jeux Olympiques. Et pour que les États-Unis et les Jeux Olympiques à Los Angeles, pour que Kanye West puisse chanter, il faut nuire à l'image de Paris, la sécurité, tout ça. Voici donc la thèse du complot. Alors, il aurait pu se mettre d'accord avec l'agent de sécu directement. Non, moi, je mise plus sur ma thèse. Ta thèse de. Quoi, c'est ma thèse qui est pas du tout la mienne au final, mec. J'ai vu, mais. Ça paraît plus crédible. Ouais, tu vois, ouais, c'est vrai. Ça s'est déjà vu, hein. Ouais. Des mecs qui étaient dans la merde, ils ont tenté le tout pour le tout. C'est ça. Et en tout cas, ils sont sur les côtes du mec, là. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse du complot, tout ça, le bodyguard et tout le reste, les Jeux Olympiques? Regarde, selon certaines sources, l'agression aurait été programmée pour survenir en plein milieu d'un concert de Kanye West, de sorte qu'il puisse simplement annuler la performance sans rembourser ses fans. Ah ouais, donc ça c'est pour gratter quelques tickets qu'il aurait fait ça. Non, c'est jamais, hein. Moi, j'adore les complotistes avec leur thèse et tout ça. Bon, on suivra l'affaire, on se tiendra au courant, on vous dira pour le complot Kim Kardashian, la théorie du complot. Pas mal. Et après, on parle d'une fraude à l'assurance. Romano, tu vas étudier l'enquête, je te donne immédiatement nouvelle théorie. Le nouveau dossier, la thèse. Non, mais moi, je vais creuser la mienne parce que franchement, celle-là, louche. Comme dirait Chédric, c'est luche. C'est Chédric, ouais. Eh ben, vas-y, creuse, man. C'est piluche. Eh bien, Chédric est avec nous. C'est bien louche. Bonjour Cédric, bonjour, c'est bien on a entendu ton mec derrière. Oui, il y a encore ton mec qui est là, tu sais, celui qui était dans les toilettes avec toi hier. Retire-toi le belge. Casse-toi, je suis tout seul. Ouais. Toi, t'es aussi, t'es louche. Tu sais que moi, je suis tout seul aussi, il n'y a personne dans l'émission ce soir. Ouais. Non, il n'y a personne. Il y a personne. C'est très crédible. Je sais pas où est passé Romano, la Marie, je sais pas où elle est. Je sais pas si t'as vu la Marie, elle est pas venue te voir aujourd'hui. Pas la Marie, Cédric. Je suis pas là. Ah, c'est bizarre. Bah oui, c'est bizarre. Je les entends derrière. Je sais pas où est Karim, je comprends rien. Et puis Samy, Samy non plus. Bon, alors, Cédric, tu sais qu'on a un cadeau pour toi ce soir. Comment ça va, au fait? Ça va un peu mieux, là. Je commence à retourner aux toilettes normalement. très bien. Mais au niveau de la clavicule, on a oublié, tu la laisses. Voilà, c'est en fait son seul problème, c'est son trou de balle maintenant. Il a une clavicule cassée, quatre côtes cassées. Voilà, tout va bien, je vais aux toilettes. C'est super, hein. J'ai fait caca mi-dur. Oh, voilà, c'était mi-dur, c'était plutôt mou, c'était mi-dur, mi-mou. C'était mi-dur, mi-mu. Mi-mu. Mi-dur, mi-mu. Pas facile à dire, ton bordel, c'est vrai. Mi-dur, mi-mu, là. T'as raison, Cédric, amuse-toi avec ton ami, nous dit Jules du 02. Salut Jules du 02. Mais genre, ouais, t'es content Jules. Quand tu chines à peu près normalement? Ouais, ah ça ouais, applaudit. T'entends pas comme il est heureux? Il crie de joie. Bah, regarde, il est heureux. Mais, sa vie, elle tourne autour de ce trou du cul et de la merde. Ouais, c'est ça. Ah, en ce moment, ouais. J'ai envie de te dire oui. Non, mais, attends, je te rappelle quand même, t'as une clavicule cassée et quatre coups. Non, mais ça, c'est quand même plus grave. C'est Cédric, quand t'as entendu, t'as pété. Ça tombe petit à petit. T'as pété, hein. Ça, ouais, ouais. Non, j'ai roté. Ah, t'as roté par le cul. Ah, bah d'accord. T'es complètement monté à l'envers, mon pauvre Cédric. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait à l'hosto, mais c'est encore pire qu'avant. Ah ouais. Tiens, tu sais, quand t'as entendu les auditeurs, ils ont plein de cadeaux pour toi. Ils veulent t'offrir des douches, des bouchons pour te mettre dans les fesses, des gouttes qui peuvent servir de bouchons. Ouais. Il y a Juju qui peut te préparer une crêpe au sperme. Il en a déjà fait à des potes. Donc, ça va aller. Si tu en veux une, vous avez déjà fait une crêpe au sperme à des potes? Non, jamais, non. Eh bien, écoute, c'est pour leur faire plaisir. Ça peut être super sympa, Cédric. Un super cadeau. Et donc, nous, on a un cadeau pour toi, Cédric. Ouais, c'est quoi? Eh bien, on va te le présenter d'ici quelques instants. Ah, t'es content? Regarde bien par la fenêtre. Attends, ça dépend parce que c'est encore une connerie, ça. Regarde bien à la fenêtre en bas chez toi. Il va y avoir un truc qui va arriver. Ouais, il y a un truc qui arrive. Je te préviens, il y a un truc chelou qui arrive, vous allez. Il y a un truc. Vous allez entendre parler de moi, je vous le dis. Non, moi. Mais Cédric, tu regardes. Un petit attends, la fenêtre là, ouais. Camion camionnette. Je te jure, je ferme les rideaux, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Mais c'est un cadeau. Non, mais tu fermes tes rideaux, de toute façon. Le cadeau. Je vous préviens direct, hein. Non, le cadeau, il va sonner, de toute façon. Le cadeau arrive quand même, hein. Je la sonner, je m'en bats les couilles. Non, mais Cédric, il faut que tu. Bah ouais, mais calme-toi, tu sais même pas ce que c'est, gros. Bah oui. Non, mais Cédric, de toute façon, il faudrait que tu descendes, hein. Bah oui, il faudrait que tu descendes. Ou alors, on le fait monter, hein, c'est comme tu veux, hein. Mais casse-toi de là, j'ai mais attention, il a les codes, donc. Oui. Ah, on lui a déjà donné, gros. Sûr, ouais. Alors oui, on va lui passer un coup de fil. Tu l'appelles, Romano, on voit si on peut. Karim s'en charge, que du coup. J'appelle, man. D'accord, très bien, appelle. Donc on appelle ton cadeau, Cédric, et on te retrouve dans un instant, ok? Vas-y. À tout de suite. Ah, il a l'air content. Voilà. Ça me fait plaisir qu'il aille mieux déjà, puis ça me fait plaisir que son cadeau lui fasse plaisir, même quand il sait pas ce que c'est. Il a l'air content, hein. Pas du tout angoissé, pas du tout parado. Qu'est-ce que vous les avez? Non, mais tiens, ce qui est terrible, c'est que t'es plus content pour ton trou du cul qu'à chier normalement, ouais, que pour un cadeau qu'on t'offre. Ça, c'est vraiment. C'est limite venant de ta part. Ouais. Venant de ta part, ouais. Je vois bien le cadeau. Ouais. Bon, ben, Cédric, reste avec nous. Tout à l'heure, on te. Tiens, un petit message de Jerem Star qui nous dit: Cédric, you, je t'attends dans mon bas. Ah ouais. Préparons son cul. Il a un bas roulant. Ouais, Cédric. Un bas roulant. Ce soir, il a un bas roulant. Un bas mobile. Il arrive avec sa baignoire. Voilà, beau cadeau pour Cédric. Si vous étiez à l'écoute hier, vous avez peut-être une petite idée du cadeau qu'on va lui offrir. Dans un état de nerf, ce soir. Cédric, on ne t'entend plus. C'est sans doute l'émotion. Il est parti se masturber. Je crois qu'il y a trop d'émotion, ouais. Tu vas voir, je vais te montrer mon émotion. Eh gros, je te jure, t'as fait ça sur la tête de ma mère. On a fait quoi suite, hein. De quoi parles-tu, Cédric? Explique aux auditeurs qui comprennent, parce qu'on ne comprend pas ce que tu dis. T'as fait ça, t'as fait quoi? Ça, ouais. Si tu m'as envoyé l'autre chez moi. De qui tu parles? La tête de ma mère. De qui parles-tu? Mais calme-toi déjà, Cédric. Il va pas la donner ton adresse, t'inquiète. Non, mais t'inquiète pas, Cédric. Il la garde. Tout va bien se passer. De qui parles-tu? Tu dis l'autre, c'est. Non, mais on a bien géré. Ça ne sera pas pile à ton adresse. Ça sera dans une rue derrière. Ouais. Dans une rue derrière, tapis dans l'ombre. Vous allez vous faire ça. Dans une impasse sombre. Alors, on est en train de remplir la baignoire. Tout va bien se passer, Cédric. Prépare ton petit maillot de bain, moi que tu veuilles te baigner nu. Ouais, ce sera pas mal. Allez. Tiens, parce qu'il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce que vous allez lui offrir? Il va recevoir un camion de Smecta, mort de rire. Message d'Adams. Non, ce sera pas un camion de Smecta. Smecta, ah non, c'est beaucoup mieux. C'est un truc qui plante. Bah, c'est quand t'as la chiasse, quoi. Ça plâtre le cul, en ouais, gros. C'est ça, ouais. Ouais, estomac. T'as la chiasse. C'est un ciment à cul, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Le cadeau, c'est une prostituée, nous dit Camaro 78. Ah non, mais il est pas en état, hein. Non, Nas nous fait, mais vous allez lui envoyer qui? Je crois que t'as une petite idée, Cédric, de qui on va t'envoyer, hein. Ouais, j'ai une petite idée, ouais. Une petite idée. On en a parlé hier soir dans l'émission. Exactement, si vous étiez à l'écoute hier. L'autre avec sa baignoire, là. Et l'autre avec sa baignoire, bien vu. Oh, bah, il y en a plein qui écoutaient hier soir, parce qu'il y a plein de messages, mais il va recevoir Jerem Star, nous dit Try Loaf. Et ouais. Rien du tout, Cédric. Cédric, il va le recevoir dans son bain chez lui. Et oui. T'inquiète, je vais l'accueillir. Et sans doute dans son cul. Jerem Star qui sympa comme tout en plus, hein, vraiment gentil comme tout pour. Moi en plus il est gentil. Non, mais attends, pour vouloir se baigner avec Cédric. Non mais il est sympa. Ouais, ouais. C'est clair. Jerem Star arrive mort de rire. C'est Jerem Star. Cédric va passer sur Jerem Star, nous dit Sofiane. Mais oui. Hey, Cédric, je crois que tu vas faire le bouse. Attends, parce qu'il y a une voiture devant chez moi. Mais c'est lui. Cédric, je t'ai dit, c'est. T'inquiète, si tu vois passer une camionnette. Une camionnette, ouais. On peut dire que. Très bien, Romano. Avec des rideaux. Tête de ma mère. Romano, moi j'y suis pour rien. C'est un cadeau collectif. Chez moi, tu vas voir. Cadeau collectif. Attends, bah, tu peux pas débarquer, t'es avec ta clavicule. Oui. Ouais, je m'en fous, j'appelle un pote, tu vas me chercher, je vais en train, je vais n'importe comment, t'inquiète pas, je me démerde, je vais venir. Tu vas venir où? À la radio. Ah, bah, ça sera pas trop tôt, c'est vraiment quand on a trouvé le moyen pour le faire venir. Très bien. Bon, bah, de toute façon, Cédric, le cadeau arrive. Non, mais t'inquiète, c'est géré. On prend des nouvelles, on va attends voir tout ça. Attends quelques minutes, ça sera bon. Mort de rire, Cédric, dans la baignoire avec Jerem Star pour Jess Loulou. Salut, Jess Loulou. Bon, bah, voilà, il va te remettre la clavicule, peut-être, Jerem Star. Ouais, c'est ça, ouais. Et éventuellement te démettre le cul. Ouais, c'est ça. Au passage. Il y a Bébichou qui dit mort de rire, Cédric, il est en panique. Mais non, pas du tout, il est content comme tout. Il est heureux, mais il cache son émotion. Voilà, il cache sa joie. Il fait un mal mec énervé, mais il est heureux. Voilà. L'équipe, vous êtes vraiment une famille, on ne laisse pas un gars en galère. Ah bah ouais, la famille, voilà. Gros. Vous me tuez de rire, message de Taz du 75. Mais oui, mais on est comme ça. Dans non, mais Cédric, hein. Tu vas kiffer, il faut vivre des nouveaux trucs dans la vie. Ouais. Non, mais tu vois, regarde, t'as eu un accident de moto, ça aurait pu être plus grave. Mm. Profite de la life, mais bah ouais, gros. Gros, ce qui va t'arriver, ça va être très grave, je te préviens de dire. Baigne-toi. Ouais. Ça rejoint plusieurs messages qu'on a eu depuis tout à l'heure des auditeurs qui voulaient absolument te faire prendre une douche ou un bain. Donc ça, vous serez satisfait, vous tous qui nous avez laissé le message pour les cadeaux de Cédric. Et puis ah mais il va te masser un peu. Oui, et puis tu vas rentrer dans le grand monde des stars. Tu sais que toute l'équipe a refusé de rentrer dans le bain de Jerem Star. Romano a refusé, Samy pourtant qui a été dragué hier. J'ai même pas été invité moi non plus. Et merci Jerem Star de ne pas m'avoir invité, je viendrai pas. Épargné quoi. Karim, non, tu viendrais toi? Moi si Cédric il y va, je vais avec lui. Waouh, et Marie t'as pas été invité toi? Non. Bizarre. Ouais, c'est étrange. Bon, on prend des nouvelles d'ici quelques instants, Cédric. On est content que ça te fasse plaisir, vraiment. Hein. Ça fait toujours plaisir de faire plaisir à un ami. Bon, après le complot. C'est bon, j'ai eu un SMS. Ils sont en route. D'accord, très bien. Sur la tête de ma mère, bon, ça fait pas, tu vas t'en souvenir toute ta vie, c'est sûr. Ah, dites-nous quel est le plus beau cadeau que vous avez fait à un pote, hein. Un cadeau du style de ce. Ils approchent, Cédric, ils s'approchent. Cadeau original, si vous avez des beaux cadeaux, ça peut nous donner d'autres idées pour Cédric. Si tu as mal à ton bras, en plus, Féfé nous dit que Jerem Star peut te torcher le cul tranquillement. Si ça te branche. Tu sais, parce que le jour, tu nous as expliqué que t'avais du mal pour te torcher, tout ça. Bah ouais. Ah, bah c'est bon, j'y arrive maintenant. Avec la clavicule cassée, oui. Bon, alors, on va, dans un instant, vous retrouver en direct. On a qui au téléphone? Ah oui, je vous parlais de Mao, là, qui est en ligne avec nous. Fais-toi beau, Cédric, quand même. Mais non, à poil. Je te préviens. Bon, tu veux qu'il se fasse beau à poil? Non, mais Cédric, il va y avoir des caméras et tout. Bon, fous-nous pas la honte. Jerem Star vient nous laisser un message. Je présente Skyrock quand même. Cédric, j'arrive, mon chéri. Tu vois, c'est pas mal ça. Il est sur la route, ouais. Prépare tes petites fesses, Cédric, nous dit Karim, 21 ans. Grosse, tu vas te faire fouetter. Ah bah comme l'autre dont on parlait hier soir. Mojito, ouais. Comme Mojito, tu vas te faire fouetter comme Mojito. Mmh. Moi, je vais le fouetter, ouais. Non, mais dans 20 minutes, une demi-heure. Sauf s'il y a des bouchons. Et après, bon, il faut mettre en place le truc, mais bon, dans la soirée, Cédric, t'inquiète, la surprise arrive. Très bien. Ça sera réglé, man. Bon, alors, il y a Mao qu'on va retrouver dans un instant en direct de Paris. Salut Mao. Oui, je suis là. Ouais, hey. Salut Mao. Salut Mao. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Très bien, très bien. T'as entendu comment on est gentil avec Cédric? Enfin, ça dépend ce qu'on appelle gentil. De faire des cadeaux à un ami, alors de penser à lui. Ah bah attends, c'est bien de lui faire rencontrer une star. Alors que ça fait un mois qu'il nous a lâché quand même, le salaud, et de lui faire rencontrer une star en plus par la même occasion. Jerem Star qui a star dans son nom. Ah, c'est pas beau ça, dis donc. Ah ouais, ça va être ta fête, mon chéri, nous dit Jerem Star de Lyon. Mais on a plein de Jerem Star qui nous laissent des messages pour toi, Cédric. C'est ouf ça. Ouais, je vois ça, ouais. Bah oui. Ils le font exprès. Mais ouais, moi je vais te faire une petite blague, Mao, que je vole d'ailleurs à Speedy Gonz qui nous l'a envoyé sur SMS. Speedy Gonz, 26 ans. Donc on a Mao au téléphone. Alors, Cool Mao. Oui. C'est pas le Col Mao. Col Mao. Ah oui, le Col Mao aussi, si, bien sûr. Non, moi je connais Mao Tse-Tung. Ouais, aussi. Ah, c'est le Col Mao, ça veut dire. Quand on fait référence à mon prénom, c'est toujours Mao Tse-Tung. Bah oui, mais pourquoi tu t'appelles Mao? Enfin, toi, bon, tu pour rien, c'est tes parents, j'imagine. Mais pourquoi? Oui, non, mais parce que ils trouvaient ça original et puis à la base, c'est un prénom médiéval. C'est original. Ah, c'est médiéval, moi je crois que c'est chinois, moi, Mao. Ouais, c'est pas chinois. Ah, non, c'est médiéval, c'est médiéval, c'est français, mais c'est médiéval. Ah, j'allais te demander, moi, si t'étais pas chinoise ou, tu sais, t'avais des origines asiates, quoi. Moi aussi, j'allais demander, t'es de quelle origine? Non, moi je suis pure française. Pure française, pur. Mais Mao, pur c'est porc. Pas viral, gros. Hein? Oh, porc. C'est pur porc. Pur souche, pur porc. Pur saucisson. Et tu nous appelles pourquoi, Mao? Explique-nous alors. Bah juste parce que à cause de mon prénom en fait, c'est ça, parce qu'il était original du coup, et pour par la réaction des auditeurs tu sais, par rapport ça à mon prénom et puis ce qu'ils ont pensé. Alors donc, est-ce que vous trouvez ça joli? Est-ce que vous trouvez ça sympa? Mao Tse-tung. Ah, alors il y en a plein des messages depuis tout à l'heure. Merci à Kenny, 29 ans. Bisous à toi, Kenny. En tant que Mao Tse-tung. Il y a Jérém Star et il y a le tsar de la Chine. Nous dit Aliane. Donc, juste déjà un tsar, c'est en Russie. Exactement, ça c'est bien vu. Ouais, c'était bon. Et oui. Non. C'est bien vu. C'est des grands timoniers en Chine. Non, mais c'est vrai que, comme dirait Baby Chou, c'est mignon comme prénom. Ah, tu trouves ça mignon, ouais, moi j'aime bien, moi, Mao. Tu vois, les messages arrivent. Merci. Mais je t'en prie. Alors, Mao, pour une fille, comment vous trouvez? Romano, t'aimes bien Mao? Ça va. Mao. Ouais, c'est vrai. Marie, t'aimes bien Mao? Ouais, moi je trouve ça joli, ouais. Mao, il y a Turc qui trouve ça bizarre. Turc, 42, 26 ans. C'est quoi ce blaze, Mao? Bah, c'est le blaze de Mao. C'est le blaze de Mao. Ah ouais. Elle s'appelle comme son ça. Prénom. Samy, t'aimes bien? Bah, moi je trouve ça mignon, mais après, c'est vrai que les anciens noms de dictateurs, c'est un peu. Moi je préfère Oma, parce que Oma ça commence comme OMA. Je préfère Adolphe. Cédric, tu préfères? Moi c'est mignon. Voilà, Adolphe. Bah, au final, c'est pareil, tu vois. Mon fils va s'appeler Adolphe. Ah bah, écoute, fais une fille. Mais c'est pas moi qui choisis mon prénom, en plus ça s'écrit même pas M-A-O. Ça s'écrit comment? M-A-H-A-U-T. Ah oui. Ça fait français là du coup. Ah ouais. Ah, Ma-O. Ma-O. Bon, dites-nous comment vous trouvez le blaze de Mao, si vous avez vous, c'est une question que vous posez, vous n'hésitez pas, vous nous dites. Mao, tu bouges pas, tu restes avec nous? Ok, mais par contre, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, d'accord, alors vous faites vite. On m'a dit 9h30, ouais. Vous avez compris, vous avez intérêt à vous bouger, il est 9h25, donc jusqu'à 9h30, Mao, on en reparle dans un instant, on donne au moins les résultats du sondage. Trouvez ça bien, pas beau. Comment vous trouvez? Mao, c'est l'ancien nom de Manon. Ah, Manon, c'était Mao avant, nous dit Coxy. Ah ouais? Ah bon? Cookie, pardon. Et c'est le nom du chat de El Famoso aussi. Ah ben voilà. Ah, Mao, c'est le nom de mon chat. Je trouve ça moche, nous dit Otine. Elle est cache au moins, mais vous donnez votre avis, vous avez raison. Sofiane nous dit, c'est bien beau, Mao. Bien beau, Mao. Bon, bah dites-nous, et puis dans un instant, on y revient. Si vous avez un prénom aussi original ou un nom original, dites-nous. Et puis on en reparlera d'ici quelques instants. Bon, plein de choses à faire ce soir. Du PNL à écouter tout de suite. Qu'est-ce qu'on se met de PNL? Ah bah hier, on a mis QLF. Aujourd'hui, on va se mettre là. Allez. PNL pour démarrer, enfin pour continuer cette soirée. On a eu du Joule, du Ghetto Phénomène. Tout à l'heure, on aura d'ailleurs des places de concert à vous filer. Et tout de suite, du PNL. C'est parti, PNL là sur Sky. 1500, c'est le chèque que tu chopes toutes les demi-heures sur Skyrock. C'est bon ça. 769, c'est le prix de l'iPhone 7 que Difool t'offre toutes les heures. Un iPhone 7 pour toi qu'on va t'envoyer à la maison. Ah, ça fait plaisir les gars. 300, c'est le prix de la PS4 Slim. Ouais, c'est du lourd ça. 17, c'est la dernière version de FIFA. 0, c'est le nombre de cheveux qu'il y a sur le crâne de Romano. Oh, j'adore les choses. 10, c'est la longueur en centimètres du nez. Des millions, c'est le nombre d'auditeurs qui se réveillent avec Skyrock. Toi aussi, viens démarrer ta journée avec le Morning de Difool. Morning Show. 6h-9h sur Skyrock. So est un étudiant brillant. Son frère, un caïd de Marseille. Moi je ramène les sous, toi tu ramènes ton diplôme. Quand son frère se fait descendre, So est prêt à tout pour le venger et découvrir la vérité. Maintenant qu'on a commencé, on peut plus reculer. Chouf, un film de Karim Dridi. C'est nous ici, tu as compris? Chouf, ouvrez les yeux, en ce moment au cinéma. Chouf. Avec Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax. Et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Niska. Après le tube Mustapha Jefferson, découvrez le nouveau single de Niska, Elle avait son Joe, featuring Maître Gims. Niska, son premier album, Zifukoro, toujours disponible. L'année n'est pas finie. Non, moment au 71777. Des conseils, des idées pour bien aborder l'avenir. Envoyez moment, M-O-M-E-N-T, au 71777 et nos astrologues sauront vous guider vers la sérénité. Le meilleur des futurs, des réponses à vos questions. Moment au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Travis Scott, le prodige du rap US. Découvrez son nouvel album featuring Kendrick Lamar, Kid Cudi, The Weeknd. Inclus Pick Up The Phone featuring Young Thug. Album déjà disponible. Au plus profond de l'obscurité, Quand vous mourrez de peur, ne criez pas. Qui est là ? Ne respirez même pas. Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Maintenant, vous voyez ce que je vois. Numéro 1 au box-office américain, Don't Breathe, la maison des ténèbres, actuellement au cinéma, avec Skyrock. Et c'est parti sur Skyrock Radio Libre jusqu'à minuit. Les PNL, PNL à écouter tout de suite, c'est Nara sur Sky. Nara, ah merde. Ah t'as mis quoi ? Ah bah je me suis trompé. Ah bah, non mais ça y est, c'est bon. Ah c'est bon. 21h minuit, T-Fool, Radio Libre, tous les soirs sur Skyrock. Et ouais, PNL, écoutez tout de suite. Et Radio Libre au 01 53 40 30 20 si vous voulez débarquer ici. Hein. On fera un petit point sur le problème du mois, on avait promis, on va le faire là. Et puis les doubles appels, d'ailleurs, si vous avez des numéros à nous laisser pour qu'on les appelle. Envoyez, on prend tout. Et dans un instant, on retrouve Mao. Mao, juste après PNL. Et Nara, il y a Nara, il y a Mao. Et il y a Skyrock et vous toute la soirée jusqu'à minuit. De sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse. Pas con, pardon, je recompte. Mes rêves se ravis, money. Leur offrir tous ces rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rues sont devenues vertes. Non. Ok, je vois. Balai. Je crame une clope. Dans la. Cette passion. Voir ma. Je fais pas. Vraiment. Le Yankee veut ça. En menant. Dans la. Au Paris. Je crame une gaze au milieu des tochas. Je fais le tour de la plaine avec Ebona. Tu l'attends rêver, j'ai pas fini clochard. Nanané. Grosse de pute, tu me jalouses. En regardant YouTube, tu me jettes l'œil. Je fais plus de E à chaque lettre sur ma feuille. Nique ta mère. Un cœur de ice, tu connais. Olé, olé, je suis parisien, enculé. Volé. Aux riches, mais pas aux pauvres, salope. Une légende comme Aïe sur le terrain. Aïe, tu sais ma bitch, on aime la maïs. Avec cette merde que la mif braille à taille. On pourra pas dire qu'on est condamné. La lumière, on la voit que depuis cette année. Sur 70 degrés, je dois pédaler. Laisse les parler. Des schlags, je peux plus les compter. Et l'hôtesse de l'air, elle me sert à bonté. Je suis pas là, mais VR continue de voter. Dans l'escalier. Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Résident, ta grand-mère, rigolo. Prononce mon blanc, j'aimerais bien rigoler. Soleil sur la tête, ça lève les compètes. Mon hall, tu manques et tu sais, je m'empête. Ok, je m'en balai. Je crame une clope dans la. C'est ta seule. Vois ma. Je suis pas. Le Yankee veut ça. En menant dans la. Au palais, je sens la. Je rappe que pour la. La street, ça pue là. Je vois le monde, je vois ça. En poster. J'ai là. Tu crois, je fais le. Et tout ce qu'il y a de. Sa mère là, AMD. Je suis totalement paix. We'll be right back. PNL. PNL, un extrait de l'album de PNL sur Skyrock. On écoutait Naha. Difool, Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Eh bien, on va voir si l'originalité paye ce soir avec Mao qui est en ligne avec nous. T'es toujours là, Mao? Ouais, je suis là. Bon, tu prends du rab, Mao. 3 minutes de rab, il est 21h33, t'avais jusqu'à 21h30 tout court. J'ai les résultats du sondage express, puis des témoignages qui arrivent avec les prénoms chelous à porter. On nous dit, Romano, c'est chelou pour un prénom français. Oui, c'est vrai, c'est italien, vrai. C'est italien. Ah oui, à propos de Romano. Oui, vas-y, oui. Vas-y, tu crois. J'ai une petite anecdote. Vas-y, parce vas-y. Que Romano, en fait, moi, ça m'a fait toujours bizarre d'entendre dans la radio libre Romano, parce que, en fait, mon premier doudou que j'avais depuis ma naissance, il s'appelait Romano. T'imagines, Romano? Ton premier quoi? Mon premier doudou. Ah, ton doudou, il s'appelait Romano. Ah, c'est doudou. Mignon. C'est le nom d'un doudou. Alors, c'était attends. Quoi comme ouais, doudou? C'était un, c'était un doudou chauve. C'était quoi comme doudou, ouais? C'était un petit ours. Un bon, petit tout. Ah, c'est avec plein de poils. Ouais. On peut faire ça avec un cochon, tu vois. Oui. Bon, non, c'est Cédric qui s'appelle. C'est sûr, c'est mieux. Le doudou Cédric, c'est le doudou cochon. Il est tout sale. Voilà, il fait. Quand on appuie dessus. Ouais, c'est ça. Alors, Mao, t'as demandé aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock. Là, on en a qui arrivent avec des noms difficiles à porter ou des prénoms difficiles à porter. Ou originaux, ouais. Adrien, c'est pas original, mais il voulait donner son avis. Tiens, Adrien, t'es là? Ouais, salut tout le monde. Salut Adrien. Salut les filles. Kikou les boys and girls. Kikou Adrien. Alors. Kikou les boys and girls. Oui. Ouais, ben franchement, moi écoutez, je trouvais ben son prénom Mao, comme quoi c'était tout simplement. Enfin voilà, j'ai trouvé ça génial quoi. C'est original, ça te plaît toi? Bah clairement, ouais. Et Difool, c'est pas bizarre comme prénom, on nous dit là sur SMS? Non, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Merci. J'allais le dire. D'ailleurs, tu me l'enlèves de la bouche, ma modestie m'en a empêché. Mais merci à toi Adrien, tu es très bien Adrien. Adrien, c'est magnifique comme prénom. Ouais, c'est clair. Attendez, ça. Qu'est-ce que tu dis, Mao? Non, parce que tu disais, oui, Difou est trop modeste, il est parfait, il est génial, oui, bah tu vois, enfin. Trop modeste. Monde, ça, des fois, t'en fais pas un petit peu trop quand même, tu vois. Tu sais, Mao, t'es pas la première à me le dire. En effet, je suis trop modeste. Ouais, il en fait trop, ouais. C'est-à-dire que par moment. Non, c'est le contraire. Par moment, il faut savoir se mettre en valeur, un minimum, ouais, quand même. Exactement, la modestie. Ne pas toujours se rabaisser. Tu me l'as dit, Romano, la modestie me tuera. Ouais, t'as un trop plein de modestie. La modestie, t'étouffe. Elle m'étouffe. Ah bah au moins, ouais. Tellement modeste. Prends un peu de Ventoline, mec. Donc Mao, non, bon, en tout cas, ça te plaît, Adrien. Ouais, clairement. Tu connais des gens avec des prénoms originaux? Balancez-nous les messages là sur le 41759 et sur l'appli. Bah là, on avait eu, elle nous a envoyé un message, on a eu une fois une Bertille. Ouais. Là, ah ouais, ouais. C'est vrai, Bertie, je me rappelle de toi. Ouais, ouais, Bertie, moi. Je t'ai envoyé un message, ouais. Il y a Sensi, là, qui a un nom, qui nous dit qu'il est original. En effet, Sensi, c'est original. Ça fait un peu comme Senseo, tu sais, le... Ou Sensimilia. Oui, Sensimilia, qui est la weed. Enfin, c'est ça, Sensei, même. Sensi, c'est pas mal. Alors, Mao, les auditeurs de Skyrock sont plutôt de l'avis de Adrien. Ils trouvent ça plutôt beau à 82%, dis donc. Ah, quand même. Et moche à 18%, tu vois, c'est pas mal. Ah oui, cool. Eh ben oui, quand même, t'es contente, t'as vu. Sunshine nous dit mon fils s'appelle Mao, ça vient du prénom Mathieu. Ah, c'est bille. Ah, t'as un nom de mec, c'est cool. Ça va pour les. Voilà, bah, t'auras un nom de mec ce soir, Mao. Génial. Génial, hein, tu vois. Ça vient du prénom Mathieu, c'est breton, et en latin, ça veut dire don de Dieu. Un don de Dieu. Mais c'est beau, hein. J'adore le prénom Mao, c'est pas commun et c'est mignon. Bon, bah écoutez, tu vois. J'ai une amie, elle, qui s'appelle Fantine. Fantine, c'est comme Fanta, mais en plus petit. Ah ouais. Et Fabrini, moi je connaissais le Fanta, ouais. Ouais, moi aussi je connais Fanta. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. C'est une Renoir. Ouais. Eh ben moi aussi. Exactement. Et Fantine, c'est moche. T'aimes pas Fantine? Non. Ah, éléphantine. Bizarre, ouais. Et Fabrine. Ah ouais, ça fait éléphantine. Direct. Fabrini. Ça, c'est la québécoise. C'est peut-être un prénom québécois. Hey, tabernacle, bonjour, Fabrini. Casse-moi tout là-dedans, Fabrini. Tu sais que je connais un mec qui s'appelle Baudelaire. Hey, c'est ben Beau. Ah ouais? Ouais, sa mère, elle l'a appelé Baudelaire. Parce qu'elle aimait bien les livres de Baudelaire. Je sais pas, mais il s'appelle chaud. Baudelaire, gros. Non, c'est Charles. Attends. C'est pas chaud, c'est Charles. Ah, je vais demander à Cédric le prénom. Ah merde, je t'ai fait foirer ton temps. Ah, Cédric, ouais. C'est quoi le prénom de Charles Baudelaire? C'est Charles. Il est fort. Ah, pas mal. Oui, car Cédric est avec nous, il attend sa surprise qui arrive. Avec impatience. Dans une baignoire. La surprise, elle lui fait chier, elle se fait désirer la surprise. Arrête de faire le mec, Cédric, tu viens de m'envoyer un message, tu m'as dit appelle-moi dès que vous l'avez. Vas-y, je vais descendre là, je vais aller le voir s'il est pas en bas. Jerem Star arrive avec sa baignoire chez Cédric pour lui faire prendre un bain. Sa baignoire roulante. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Cédric, les nouvelles arrivent, reste avec nous. Juste avant, on s'occupe des prénoms là. Les prénoms, Alex, bah c'est pas original Alex. Alex, il est du 49. Salut Alex. Ouais, ça va? Ça va, et coucou. Toi Alex? Allô? Ah, ouais. Non, Alex. Et... Ouais, Alex. Ouais. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi, Alex? Ouais, bah, je voulais lui dire que ça va, son prénom, il est pas si dégueulasse que ça, tu vois, parce que bon, Alex, c'est mignon quand même. Ouais, donc t'aimes bien Mao, toi aussi? Ouais, moi j'aime bien, bah, ça va. Moi, tu vois, mon deuxième prénom, c'est Mirabeau. Mirabeau. Mirabeau, comme les pennes Mirabeau. Cédric, tu aimerais t'appeler Miramoche. Le cours. Bah pourquoi Miramoche? Bah parce que lui s'appelle Mirabeau. T'as une question à la con que tu poses aussi. Non, mais... Mirabeau. Donc ouais, c'est original Mirabeau. Moi ça me fait penser à Paris, il y a un pont pour Mirabeau. Ouais, c'est vrai aussi. Et le cours Mirabeau à Aix-en-Provence. T'as le nom d'un pont et d'un cours à Aix-en-Provence, t'imagines la chance. Ouais, c'est vrai, le cours Mirabeau. Ouais, il y a aussi les peines Mirabeau. Ouais, ça c'est une ville aussi. Ouais. Bah, du coup, j'ai aussi mon nom de famille qui est un petit peu bizarre aussi. C'est Quevilly comme la ville. Ah, petit Quevilly, grand Quevilly. Ouais. Petit Quevilly, grand Quevilly et Quevilly tout court. Eh ben, écoute, Alex, ça pourrait être pire. C'est le club qui a niqué Paris il y a pas si longtemps que ça. Là, Quevilly, c'est vrai. Tu te rappelles, Karine? Non, je me rappelle même pas, gros. Bah, rappelle-toi, dis donc. Piqûre de rappel. Je me rappelle de Sacrefou. Comment Carquefou, Sacrefou? Carquefou. Ça vend des trucs. Qui avait niqué l'OM. Ouais, ça vend des trucs. Je suis pas où. Mais si, ouais, Quevilly, putain, ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, mais c'est rien, ça. C'était avant le Qatar. Ouais, bah ouais. Donc Mirabeau, mais c'est bien parce que ça c'est ton deuxième prénom. Donc deuxième prénom, on peut l'oublier. Oui, à la limite, tu t'en fous, t'en as pas besoin. Ouais. Oui, je suis pas obligé de le déclarer. Ouais, c'est comme Marie, c'est Victorine. Donc Marie, ça c'est quoi Marie? Claude. Marie Claude Victorine, elle s'appelle. Ouais. Enfin non, c'est Victorine Claude. Ouais, on peut t'appeler Victorine Claude. Non, c'est mon deuxième prénom, ça me casse les couilles. Ah. Nous on l'appelle Victorine ce soir. Victorine sur Skyrock. Mais parce que mon grand-père, je préférais Clitorine. Clitorine sur Skyrock. Non mais tu sais, j'ai eu les prénoms de mes grands-pères. Ouais, mais ça se fait. Ouais, avant je suis l'aîné, quoi. Donc Victor. Cela dit, j'ai eu de la chance parce que mon vrai grand-père est décédé, bon, il y a bien longtemps, j'ai jamais connu. Il s'appelait Alphonse. Non, il s'appelait Fernand. Fernandine. Donc, t'imagines, je suis passé pas loin de Fernande. Oh, ouais, c'est mignon, dis donc, Marie. Du coup, j'ai eu Claude, le nouveau. Ah, bah, ma c'est grave mieux. Ouais. Moi, je m'appelle Swaline, c'est original. Swaline, yeah. Je dois être la seule en France. Mais c'est pas aux États-Unis, genre, quand tu m'as fait su, c'est ça, non? Non, c'est Swallow. Ah, ok. C'est Swallow. Excusez-moi, les gars. Swallow. C'est quand t'as l'aval, c'est ça. Ouais, quand t'as l'aval. Ouais, en tout cas, c'est un truc de pipe parce que on regarde les mêmes vidéos, quand même. C'est ça, ouais. Je vois, il y a un personnage de BD qui s'appelle Deadpool. Oui, c'est John Deadpool. C'est ça. Un détective privé intersidéral. Avec un long pif. Intergalactique avec un pif. Pas possible, très intelligent, très beau. Moulé sur celui de Deadpool. Oui, c'est ça. Oui, moulé, oui. Maverick, comme dans Top Gun, on a dit, c'est Maverick qui nous laisse un message sur SMS, prénom original. Il y a Ibou, non, Iba qui est avec nous. Bonjour Iba, c'est lui qui boue. Parce que moi, je t'ai appelé Ibou. On a perdu Cédric, peut-être qu'il a filé dans le bain de Jérém Star, on va se renseigner tout de suite. Ah, peut-être. Ah ouais, je suis en train de nager dedans. Ah ouais, l'eau est trop bonne. Ouais, c'est une piscine alors, si tu nages dedans, c'est pas une baignoire. Donc salut Iba, là il est rose. Salut. Là il est rose. 9-4. 9-4, t'as 24 ans et donc ton prénom original c'est Iba. Oui. C'est bien, t'es Renoir, non? Pas du tout. Ah ouais, parce que je connais un Renoir, moi, un mec qui s'appelle Iba. Eh bah ouais. Ouais, ça c'est le Sénégalais, mais. Ouais, un mec qui s'appelle un Sénégalais, ouais. Je pense que tu vois qui c'est. Mais... Ibra, ouais. C'est toi qui as fait la vanne. Non, parce que Iba, quand je l'ai eu au standard, elle m'a dit je vous ai eu il y a 2 ans au téléphone. Et en fait, t'avais fait une vanne pourrie, Deadpool. Donc je lui ai dit ne lui dis pas, surtout. Et c'est toi qui l'as faite, en fait, Samy. On avait la même vanne. C'est... Samy est obsédé par Ibrahimovic. Parce qu'à lui, j'en reste. Ah, c'est mon idole. Je l'adore. Merci, Skyrock. De rien, Ibra. Oh, ouais. De rien. Zlatan, Ibra, Zlatan, oui, c'est ça. Bah, c'est ça, exactement. Il y a des mecs qui s'appellent Zlatan. Ouais, c'est oui, forcément. Ouais. Mais on avait vu ça d'ailleurs, il y a des gens qui ont donné le prénom Zlatan à leur fils il n'y a pas longtemps là. Ah ouais. Ça doit revenir en même temps. Zlatan, t'imagines le petit Zlatan. Oh putain. Qui nous écoute dans sa couche, qui fait caca dedans et tout. Ouais. Et qui gueule. Voilà. Bonjour, c'est Zlatan. Oui, je sais, c'est Zlatan. Bon, bah, Iba, ça te pose pas de prénom, ça te pose pas de problème ton prénom. Moi, je trouve ça joli. Ouais, c'est mignon, Iba. J'aime bien, Iba. C'est de quelle origine, Iba? Moi, je suis tunisienne, mais mon prénom est égyptien. D'accord. Donc, tu es une pharaon d'Égypte. Une pharaon de Tunisie, ouais. Oui, une pharaon de Tunisie. C'est ça, plus exactement, oui. Ouais, exactement. On va faire comme ça. Bon, bah, très bien, Iba. On remercie Mirabeau aussi, qui est avec nous. Oh là là. Ouais, il n'y a pas de soucis. C'est Mirabeau. Mao, eh bien, on te remercie aussi. 82%. Oui, en fait, Mirabeau, c'est le masculin de Mirabelle. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu veux passer une petite dédicace? Oui, vas-y, passe une petite dédicace à Romano, peut-être. Non. Ah, c'est gentil. Mais je passe une dédicace donc déjà à vous l'équipe, vous êtes géniaux, vous êtes vraiment les big boss. C'est gentil, Mao. Et ensuite, je passe une dédicace à tout mon collège. Salut. Je pense qu'ils me reconnaîtront s'ils écoutent la radio libre, vu que je pense que c'est seulement eux qui connaissent. Bah, Mao, il ne doit pas y en avoir 36 non plus, oui, ça c'est sûr. Ah, ça, et, oui. Et dédicace au CRR, à Madeleine, à Jeanne, à Jeanne et à toute la région parisienne. Eh bien, on te remercie, on te fait un gros bisou, Mao. Bisous. 82%, c'est un beau score, hein. Ça fait partie des gros scores des sondages express. Oui, c'est vrai. J'en suis fier. Bravo, Mao. Bisous à toi. Et puis, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Bisous, Mao. Ah, cool. Salut. Et puis, pareil pour les autres. Salut. Et puis, Alex, Iba, et puis, Mirabeau, Adrien. Pareil, on vous remercie tous les trois. Et t-shirt Skyrock à la maison. Ouais, je fais une dédicace. Qui c'est qui veut faire une dédicace? C'est moi, Mirabeau. Mirabeau Alex, vas-y. Ouais, du coup, je voulais faire une petite dédicace bah, pour tout, tout Angers, le petit noir, Blanche-Neige, Gabit, mon amour aussi, mon ange, je t'aime. Et puis bon. voilà. Eh ben merci à toi. Salut Alex, salut Mirabeau, c'est Monsieur Kevy. T'as vu, on sait tout sur toi. Ciao, Monsieur Kevy. Ouais. Salut à toi, Alex. Ah, bon, tiens, il y a Madré Alva, là, une fille. Qu'est-ce qui se passe, Romano? Madré Alva, qu'est-ce qu'elle a ta gorge? Non, elle travaille dans un service public et elle s'occupe, tu sais, quand les gens, ils viennent déclarer le prénom. Et elle a eu des Rihanna, Shakira, Adixia. Adixia, c'est horrible. Bah Rihanna, c'est, moi je trouve ça ridicule quoi. Bah Adixia, c'est pas dans Les Anges, si, là, ou c'est pas ça, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est claqué un peu. Parce qu'Adixia, ça fait un peu, ça fait sadique, ouais, ça fait Adixus, addiction. Ouais, c'est vrai. Fait... Ouais, mais Rihanna, bon, tu sais, c'est pas... Adixia, ouais. Ouais, Adixia, bon, fait ça, Dixia, ça, ouais, ça fait Dixia. Ça, ouais, c'est ça, ouais. Chier, mais bon. Je m'appelle Léandre. Moi, mon fils s'appelle Maoté, ma fille Maëra, ça veut dire Marie en hébreu, c'est le message de l'inconnu. Sullivan. Moi, je m'appelle Karim, mais il y en a trop, vous en avez même un. Bah oui. Il y en a trop. Mais ça va, Karim, comme prénom. Qu'est-ce que vous aimez bien comme prénom, même dans les prénoms classiques? Karim. Moi, j'aime bien Karim, moi. Karim, ça va. Ça veut dire généreux. Marie, ça va aussi, j'aime bien. Ah, merci. J'aurais jamais pu m'appeler Karim, quoi. Samy, t'aimes pas ton prénom, t'aimes bien? Si, ça va, ça me dérange pas. Moi, c'est un peu Samy Scooby-Doo, c'est comme le dessin animé. Oui, Samy. Ouais, ça, on me l'a fait. Scooby-Doo. C'est que tous les week-ends, je pense à toi, parce que je regarde. Ah, mais c'est bien ce dessin animé, j'aime bien en plus, moi. Donc, ça me fait rire, moi. Très bien. Moi, je connais une Kenzie. Ah, bah, salut à Kenzie. Moi, je connais un mec qui s'appelle Kenzie, ouais. Kenzie? Ouais. Ouais, Kenzie, ça va. Ouais, ça va, Kenzie. Kenzie ouais. Zirac, non? Non, mais c'est Kenzie Zirac. Ah, oui. Bonjour, je m'appelle Kenzie Zirac. Bonjour, Kenzie. Vous aimez bien Kenzie Zirac? Non, pas du masque. Kenji, c'est joli, Kenji. Non, mais comme prénom, c'est pas mal. Oui, bah ouais, mal. Ouais, c'est bon, joli. Très bien. Amboise, ça craint aussi, non? Ambroise. Ambroise, non. Ouais, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Ouais. Amboise, ouais. Ça fait old school, mais bon. J'ai un petit garçon qui s'appelle Zion. Ah, Zion, comme c'est jamaïcain, c'est ouais, Bob Marley, ouais. Ça fait Bob Marley. Bon. C'est bien, Jérémy, tu dois fumer des ouinges. Lui, il va être repéré, ton fils. Dès qu'il va arriver au bahut, tous les profs, ils vont repérer. Ouais. Le papa, il fume des ouinges. Ah, bah s'il a des dreads en plus, la totale. C'est vrai, ouais. Je m'appelle Nawal. Les profs, il faudra comprendre. Ils vont l'appeler. Bonjour Zion. Zion, ouais. Elle sait que ça, c'est un problème. Je vois le message de Nawal. Bon, Nanou, elle s'appelle. Enfin, Nanou, c'est son pseudo. Et son nom, c'est Nawal. Partout où je vais, on m'appelle Naloen. Pourtant, il n'y a rien de compliqué dans mon prénom. Alors, c'est pour ça que t'as pris le pseudo Nanou. Comme ça, les gens, ils se trompent pas. Ouais, Nanou. Ouais. C'est Nanu. C'est comme si toi, par exemple, je sais pas, on t'appelait Gros Bédo. Ouais, bah Marie le fait quand elle est ivre. Bonjour, ouais, monsieur Gros Bédo. Voilà, bah voilà la preuve. Ouais, bonjour. Et voilà. Marie, c'est reparti. Marie est ivre, ça y est. Salut, c'est Gros Bédo. Ouais, bonjour Marie. Moi, je m'appelle Yacine, ça veut dire humain en arabe. Ah, je savais pas. Yacine. Ah, je savais pas non plus. Et bah voilà, tu auras appris un truc en arabe ce soir. Très bien. Mon fils, hein, moi je t'appellerai Masturbin. Oui, magnifique. Quel beau prénom. C'est mignon, ouais. Oui, je Masturbin et Clitorine si tu as une fille. Ouais, c'est mignon. Il y a Sally, j'ai une cousine, son nom c'est Malocu, c'est albanais. Ah, oh, c'est horrible. Mal au cul, sérieux? Mal au cul. Comme elle doit morfler au bahut, t'imagines? Oui, alors oui, mal au cul. Mal au cul au tableau. Allez. Non, mais là tu morfles, laisse tomber. Hein. Allez, mal au cul, viens voir. Là t'as une scolarité difficile. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Dans la vie d'ailleurs, t'as une vie difficile. C'est vrai, quand t'as un prénom pas facile, dur. Bon, Romano, fais-nous le point sur le problème du mois de ce soir, parce qu'on avait promis en début d'émission. On va parler de quoi ce soir? Vous savez que dans le problème du mois, on va faire un tour sur le net avec les gens qui ont des soucis, qui écrivent. Et Romano s'occupe de tout ça toutes les semaines, évidemment. Il y aura du SM. Ouais, avec SM comme Samy. Non, avec sadomasochisme. Ah pardon, comme sadomasochisme. Bon, avec des cordes, du god et compagnie. Il y aura moi c'est vraiment le genre de truc qui m'excite pas du tout. Ouais, pareil. Je pense que le deuxième va t'exciter grave. Je sais qu'il y en a qui sont excités par les trucs SM, tout ça, les fouets. Est-ce que vous connaissez le milky porn? Le milky porn, milky du lait, porn du porno avec du lait, c'est ça, une barre chocolatée. Tu encules des vaches. Non, c'est pas ça, c'est en fait des vidéos où les meufs elles se tirent le lait des seins. Oh, non, horrible. Eh bien, il y a oui, il y a des fans. Attends, une meuf qui se tire le lait, forcément, elle vient d'accoucher. Oui, elle a eu un bébé il y a pas longtemps. Ah, dégueu, encore pire. Ah bah sinon, elle a une montée, ouais. Ouais. Oh. Alors après d'autres quoi? Après, il y aura un mec qui a grillé quelqu'un de qui connaît sur une vidéo porno. Ah, ça c'est marrant ça. Il y aura un mec qui est accro à la branlette, mais lui c'est maladif, c'est-à-dire que même molle il se branle encore. Ah, le mec se tire sur la queue mais tout le temps. Et il y aura celui qui est arrivé deuxième la semaine dernière, la meuf qui a le mucus qui sort du cul là. Ah, ça c'est un bon jeudi soir qui nous attend. Hein. Le mucus d'anus. Quoi. Ah, mais le mucus d'anus, magnifique. Le jeudi soir. Elle soigne du cul quoi. Ce jeudi soir commence bien. Et dans la classe, je trouve. Je trouve aussi, ouais. Tiens, il y a un truc dont on parlait ce matin. Je voulais demander à l'équipe. l'équipe du soir, l'équipe de la Radio Libre, ce qu'ils en pensaient. Les rêves, tu fais des rêves érotiques, Marie ? Ouais, ça m'arrive. Ah, j'étais sûr que t'étais la bonne cliente pour les rêves érotiques. Ouais, ça m'arrive. Parce que ce matin, on a trouvé l'interprétation des rêves érotiques. Ah. Si tu fais un rêve érotique, moi je suis capable de te l'interpréter. Ouais, parce que Difool, il interprète les rêves. Ouais, j'ai fait interprétation de rêve à 7h du matin ce matin. En tout cas, il croit qu'il fait ça. Alors fais-lui plaisir, Marie, dis-lui un rêve. Ouais. Mais non, mais je suis en train de réfléchir, le dernier que j'ai fait. Ce matin, on a fait un sondage, le sondage du morning, hein, sur les rêves érotiques les plus fréquents chez les Français. Donc on a eu le petit sondage, et après on a essayé d'interpréter vos rêves. Alors on a eu tellement de messages qu'on a pu qu'en faire 3. Mais si vous avez fait des rêves érotiques, je peux vous dire. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça signifie? Vous nous envoyez ça au 41759 et sur l'appli Skyrock si vous en. Marie, tu trouves? Il me semble que le dernier c'était sous la douche, ouais. C'était mon mec qui me chopait sous la douche. Il me semble que c'est le dernier. Ouais, c'est soft, Marie, ton rêve encore. Ouais, mais bon, tu sais, moi ça va, j'ai une vie sexuelle épanouie donc. Oula. J'ai pas trop de fantasmes bizarres pendant la nuit. Ouais. Tu m'étonnes. Est-ce que le cadeau de Cédric est arrivé au fait? Ah. Non. Toujours pas là. Ah, on m'a dit dans 5 minutes, ton cadeau, Cédric, est pour toi. J'attends. Alors, j'explique à tous ceux qui viennent d'arriver, on a décidé d'offrir un bain à Cédric ce soir, déjà pour ses voisins, pour les gens qui viennent le voir, parce qu'il est possible qu'on vienne le voir, nous, alors on veut bien quand sûr. Même bah ouais. éviter quand même les problèmes que j'ai eu la dernière fois. Je me rappelle que j'ai vomi la dernière fois. Je préfère que tu veuilles que mon cadeau vienne chez moi, en fait. Le cadeau va arriver, Cédric, ne t'inquiète pas. Jérém Star, donc, ce soir, veut venir prendre un bain avec toi, chez toi, parce qu'il sait que tu as un problème de clavicule. Donc il se déplace, tu n'iras pas chez lui. Non mais t'inquiète, il vient à domicile. Ouais. Parce qu'on lui a dit, ouais, avec sa clavicule, il peut pas trop se déplacer, machin. Il nous a dit, avec plaisir, je vais chez lui avec une baignoire. Avec grand plaisir, ouais. C'est premier étage, hein, premier étage. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, il le sait, ouais. Tu l'as dit. Bah, ouais, t'inquiète. C'est pour de vrai, viens. Bah oui, viens. Mais t'inquiète pas, on reçoit le bien. T'inquiète, t'as pas vu de camionnette? Non, j'ai pas vu. J'ai parce qu'il a, en fait, il a amené une camionnette avec une baignoire dedans. À l'intérieur, on l'a mis derrière, tiens. Au cas où toi, tu tiennes pas avec lui dans la baignoire, la tienne. Mais sinon, on peut le faire dans ta baignoire aussi, hein. Ah non, ça va aller. Non, mais elle est grande, en plus. Commence à la faire couler, peut-être. Fais couler ouais, bah, bien sûr, ouais. Prépare. Donc, Jérém Star, dans un instant, sort ton canard vibrant et il amène le sien. Ton canard. petit cadeau pour toi, Cédric. Ne bouge pas. Ouais, c'est gentil, ouais. Reste là, parce qu'on est sympa, nous, hein, dans la Radio Libre. Bon, le problème du mois, Cédric et son cadeau, plus. Tiens, on va tenter le double appel, là. On va se mettre c'est en bien route. Ça. Oui, le double appel arrive. Vous aussi, vous êtes là. Et puis, les interprétations de vos rêves. Dites-moi, quel est le dernier rêve érotique que vous avez fait? Coucher qu'une prof. Allez, bam, c'est parti. Ah ouais. Coucher avec une prof, interprétation, s'il vous plaît, monsieur. J'ai la signification, je vous l'interprète dans un instant. Je l'ai la signification de coucher avec une prof. Est-ce qu'on peut t'appeler monsieur le rêvologue? Ah, ça, c'est le rêvologue. Oui, en effet, je suis Difool, votre rêvologue ce soir sur Skyrock. Ah, mieux. Vous avez. Faites-tu plaisir. Vous avez rêvé, vous avez fait des rêves érotiques. Racontez-nous vos rêves érotiques. Je salue Malvin qui s'est retrouvé tout mouillé au réveil. Mais je me rappelle pas de tout. C'était juste avec ma cousine. Ah merde. Est-ce que j'ai le baiser avec quelqu'un de la famille? Je vais regarder dans mon truc des rêves érotiques là. Je vous dis tout dans un instant. Oui, dans son grimoire. Et on fera un point sur les matchs internationaux aussi, les matchs de foot, puisque il y a notamment beau match. Ouais, beau match Italie-Espagne. Ouais. Ce soir, match qualificatif en plus hein, pour le mondial, pour la Coupe du monde. Et demain, match qualificatif pour les Français qu'on suivra en direct d'ailleurs. Ce sera France-Bulgarie. À ne pas louper demain soir. D'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de foot, j'ai pas oublié FIFA 17 qu'on va vous filer. Waouh, mais il y a un paquet de trucs ce soir. Hein. La folie. Du jou l'a gagné tout à l'heure. Joule l'a gagné avant minuit, les concerts Skyrock. Et puis du son à écouter, on se fait Ken Jones tout de suite. On écoutera du MHD, tu l'avais demandé hier, on va le passer aujourd'hui. Ah, ouais. À Kalenta, il y aura du DJ Snake avec Justin Bieber et puis plein d'autres choses aussi. Donc tout de suite Ken Jones et Don't Mind dans la plus grande radio libre de France. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Après Maître Gims et Soprano, c'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Joule. Joule en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Joule en concert avec Skyrock. Écoute Skyrock toute la journée. Et envoie roulette par SMS au 72020 pour gagner Joule en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je suis pas le brigandé. 200 places de concert Joule sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock, premier sur le rap de Joule. 65 centimes plus coût du SMS. So est un étudiant brillant. Son frère. Un caïd de Marseille. Moi je ramène mes sous, toi tu ramènes ton diplôme. Quand son frère se fait descendre, So est prêt à tout pour le venger et découvrir la vérité. Maintenant qu'on a commencé, on peut plus reculer. Chouf, un film de Karim Dridi. C'est nous ici, tu as compris? Chouf, ouvrez les yeux, en ce moment au cinéma. Chouf. Avec Skyrock, Kanye West. Your love is fading.

minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et ouais, en direct jusqu'à minuit. Bienvenue à vous si vous venez d'arriver. Vous tombez bien. Il y a encore deux heures de radio libre devant nous avec le programme du mois de ce jeudi soir. Avec les doubles appels. Tiens, il y a Poto du 95 qui dit c'est quand le double appel? On va tenter là le coup dans un instant, là. La surprise de Cédric qui va arriver. Putain, je vous cache pas qu'on a du mal à le joindre. Il est tellement surbooké, l'autre, là. C'est quand même un truc de dingue. Jerem Star arrive avec sa baignoire. Vous avez vu dans quel état ça l'a mis? Là, Cédric est parti chercher à manger dehors. Ouais. Voilà, donc. Très excité, hein. Oui, très, très excité. Je pense qu'il allait faire le plat. Voilà. Ah, t'es allé dehors pour chercher à manger ou alors. J'attends. Ou alors, tu cherches une saucisse à manger? T'as entendu parler du cadeau qu'on allait t'offrir, Cédric? Mets-le à l'antenne, Marie. Non, la saucisse, c'est pour tout à l'heure. Je vais attendre le cadeau. Allô? Ah, Cédric. Oh, j'ai pris deux pizzas et des chandelles pour manger avec mon cadeau. Oh, c'est mignon. C'est prévu que je mange. En tête à tête. Bon, alors, est-ce que ça te fait plaisir de rencontrer cette star qui rencontre plein d'autres stars, Jerem Star et sa baignoire? Trop, tu imagines pas. Ah, mais il y a un paquet de stars qui sont passés dedans. Des stars, pas mais du monde, hein. Ouais, il y a du monde. Je pense que tous les mecs de la télé-réalité. Elle sait qu'il y a eu Barack Obama, hein. Ouais. Ah, mais je te dis, ça va se payer tout ça, gros. Ça va se payer. Non, c'est gratuit, Cédric. Non, hein, t'inquiète, c'est cadeau, t'inquiète. Hein. c'est pour nous. C'est pour nous. Royal Obar. L'équipe s'occupe de tout. Hein. Est-ce que vous aimeriez aller dans le bain de Jerem Star? Tiens, dites-nous sur 41759. Faire interviewer, devenir une star, vous aussi. Parce que quand tu rentres dans le bain de Jerem Star, c'est que t'es au summum, quoi. T'es au summum de la ringardise. T'es au top du top, t'es au bord du précipice. Non, mais de toute façon, il reçoit que les mecs de télé-réalité. Hein, ah, c'est sa spécialité. Hein. Alors, moi, je suis pas de télé-réalité. Donc c'est la vermine. Hein, on m'a dit qu'il est. Ah là, on l'appelle. Il est juste devant chez toi, Cédric. Il arrive. Apparemment, il trouve pas l'étage. Il est devant chez premier toi. Premier étage. Ah, ok. Ascenseur. On va lui dire, attends, on l'appelle. Je sais pas qui va répondre. Bah, il y a intérêt. Allô? Allô, Jerem Star. Salut les vermines. Salut Jerem, ouais, comment vas-tu? Comment allez-vous? Salut, ouais. Salut. Ah bah tu vois, Cédric te dit déjà bonjour, je te laisse avec Cédric, il est jaloux que je te parle, oh, Jerem. Alors, Jerem, t'avais une propre. Jerem ou Jerem Star, hein, oui, je sais pas comment on va t'appeler. Jerem Star, s'il te plaît. Merci. Ah, ma vermine. En entier. Du calme. Ma vermine. Dis donc, donc tu avais une proposition à faire à Cédric. Mm-hmm. Donc, Cédric est en face de toi, tu peux lui parler. Non, mais déjà, je cherche l'étage. C'est le premier ou le deuxième? Tu montes à l'ascenseur en face à gauche. Non, c'est le cinquième étage, mon pote. Premier étage et à gauche. Voilà. Bon, bah j'arrive. Hein. Bon, Cédric, t'es content? Dis-lui bonjour, Cédric. Ah, mais ça va. Non, mais viens pas, gros, pour de vrai. Hein. Cédric. Hey, je te préviens, moi. J'ai des canards vibrants pour toi. Wow. Ouais, c'est ça. Ouais. On va préparer la mousse. Là, on fait la mousse. Oh. Est-ce que la baignoire est prête? Et la baignoire est prête, évidemment. J'ai déjà fait pipi dedans une fois. Hein. Méfie-toi, Jérôme. Cédric, lui, il fait caca dans la baignoire. Hein. Bah, très bien. Est-ce que t'as amené un petit truc pour jouer avec la luche de Cédric? Bah, justement, là, j'ai devant moi, j'ai 4, 1, 5, 7 canards vibrants. Tu les rentreras tout de suite. Pour moi, ça, ouais. Oh, ouais. Et j'ai des jouets avec lui, hein, j'ai un fouet. Ah, tu vois. Ah, tu vas te faire fouetter, biatch. Salope. Et Cédric après moi. Cédric, on va faire mon gimmick, mon préféré. Vas-y. Plus. C'est plus ça son gimmick, le plus. Vas-y Cédric, fais pas. Vas-y Cédric, plus. À toi. Cédric. Ouais, bouge pas. Je te lance. Là, d'accord. Ah, il va te lancer, ouais. Là, ça va aller, mon pote. Oh là, okay. Plouf. Non, mais je suis désolé, je peux pas rentrer dans ton truc, moi. Poule pondeuse. Alors, arrête, tu m'excites. Alors, t'es content, Cédric? Moi, je suis content que tu rentres à Romano dans ton bain, gros. Moi, je rentre pas là-dedans. Ah non, mais moi, j'ai rien à voir avec cette histoire. Moi, j'ai organisé ça pour toi. Tu vois, il y a Samy qui est chaud, apparemment. Ah, je peux. Ouais, si. En plus, tu l'as trouvé mignonnet. Et Samy, il est très mignonnet. Ouais, reste tranquille, toi. On va ressembler un peu. Plouf pondeuse. Oh là, plouf. Voilà, pull pondeuse. Donc, hashtag Cédric dans la baignoire de Jerem Star. Ouais. C'est le hashtag de la soirée, hashtag Radio Libre, hashtag Skyrock. Non mais sérieux. Oui. Non mais Cédric, pas ce soir, mais est-ce que tu serais d'accord pour je sais pas, quand tu iras mieux, faire une petite interview? Mais vas-y, si, pour parler de ta clavicule et Cédric, tout. Quand tu veux, je te reçois. Hein. Tout, laisse tomber, c'est un malade. Toi. Quand tu veux, je te reçois. Non mais Cédric, ouais. Vas-y, sérieux. Merci mon pote, tranquille. Quand tu veux. Allez. Non mais Jerem, tu pisseras pas dans le bain pour Cédric. Non, je ferai caca comme lui. Wow. Magnifique. Super. Non, toujours un petit peu pipi, c'est pour réchauffer le bain, parce qu'après une heure, le bain refroidit. C'est vrai, c'est vrai. Et il faut réchauffer, et avec Cédric, ce sera parfait. Très bien, très bien. Ah, bah, certainement. Salope. Moi, je suis ta salope. Alors, est-ce que c'est Jerem Star a couché avec des stars après être allé dans son bain? Tu sais ça, Jerem, toi qui, toi-même Jerem Star. Non, j'ai pas couché avec des jeux. Cédric, ce serait peut-être la première. Eh bien, ce serait bien une première. Ouais. Reste tranquille, toi. Non, moi je préfère Samy quand même. Tu quoi, je vais tomber sur son adresse, gros, t'inquiète. Avec plaisir. On va venir ensemble, j'ai eu la qu'une douche. J'ai le bigorneau tout émoustillé. Voilà, et le bigorneau tout émoustillé. T'as eu peur, Cédric? Putain, j'y ai cru en plus. Ah, il y a cru. Le coup, c'est Romain des réseaux sociaux, le faux Jerem Star. Eh oui. Eh Romain, je vais traverser. Par contre, on cherche le vrai. On est sur le vrai. Hein. Non, mais on est sur le vrai. Ouais. Non, mais on a ses coordonnées, on a le contact, on attend juste. Mais non, c'était Romain. C'est vrai. L'autre, il a couru, quoi. Il a eu peur, c'est vrai qu'il s'est enfermé chez lui et tout. Salope. Tu le fais bien. Bravo, Romain, félicitations. Tu fais très bien, Jerem Star. Voilà. Ah bah tiens. Ah bah, il est là. Voilà, il vient d'arriver. Salope. Ah ouais, c'est salope. Vrai. Oh, Allah, t'as eu peur, Cédric? Franchement, je crois que c'était lui pour de vrai, gros. Non mais tu sais que par contre, on est vraiment sur les lumières chez moi et tout. Hein. On est vraiment sur. Il s'est planqué, le Belge. Il est planqué, Cédric. Bon, mais par contre, on va pas te faire une fausse joie. Mais on est sur le coup. Hein. Non, non, mais t'inquiète, le vrai. T'inquiète, ça arrive, gros. De toute façon, Cédric, là, il n'est que 22h04. Hein. Le jour du foot, tu vas le payer s'il vient chez WAM. Pourquoi moi? C'est un cadeau collectif de l'équipe. Sur la tête de WAM, il va y avoir des galères, je vous le dis. Donc, mais on va faire le truc dans le bain, Cédric. Hein. Non, mais fais-le, sérieux. Non, mais tu sais, on n'est pas très télé-réalité sur Sky, tout ça, on est un peu en retard là-dessus quand même. Hein. Et donc, je pense que toi, tu serais très bien en tant que spécialiste de la télé-réalité, des stars de la télé-réalité. En plus, ouais, franchement, avec ton corps, tu serais magnifique dans le bain. Ouais. Même si tu mets une tenue de plongée, gros, vas-y quand même. Les tétons dépassantes de la mousse. Superbe. Ça serait trop sexy, là. Ah ouais, grave. Bon, désolé de t'avoir fait peur, Cédric, ça va, ça t'a pas déclenché une chiasse, tout va bien. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Bon, c'est rassurant. Voilà une belle nouvelle. Dans un instant, je vais faire l'interprétation de vos rêves. Le rêve de Cédric, c'est faire c'est l'amour bon dans le bain de Jerem Star. Ah ouais. Quand même chez toi, Cédric. Et il y a Romain qui va remplacer Jerem Star. Non, ça va aller. Non, mais je viens avec un bain et tout. Non, mais il a une baignoire. Non, non, il a une baignoire chez lui. Ah bah c'est bon alors. C'est nickel, il a une baignoire de ouf. C'est vrai que j'arrive. J'ai déménagé là. Après l'émission, minuit, je suis avec toi. Je savais pas que t'étais scato, toi, dis donc. Et en plus, c'est bien. C'est que juste à côté de la baignoire, à machine à laver, tu peux te faire déglinguer dessus, Cédric. Ouais, c'est wow. Magnifique. Bon. T'as des drôles de délire, Romano. Bon, Cédric, le cadeau, on te le garde en stock quand même. Hein. Vas-y. Faites-le, ça va être trop drôle, génial. Merci pour les messages que vous nous laissez là depuis tout à l'heure. Il y en a qui ont cru que c'était le vrai là tout à l'heure. Là. Ah, il y en a qui ont encore connu que c'était pas lui quand même. Il y en a qui ont connu. Ah, mais il y en a qui étaient à fond dedans quand même. Ouais, c'était mort de rire. Allez, Cédric, dans la baignoire. Et hop là, plouf. Bon, bah écoute, on vous tient au courant. Cédric, on te tient au courant évidemment. Vas-y. Et puis, bah si on a besoin de toi, on te fait signe. Il n'y a pas de problème du mois sur le caca aujourd'hui ici, je crois. Bah si, il y a du mucus d'anus. Reste bien à l'écoute. On aura besoin de. Ah, Cédric, de tes témoignages. Ah, j'ai tellement chié, gros, pendant une semaine que. Ouais, j'ai du mucus aussi. Oh, je suis muqué. Non, mais là, tu vas bouffer quoi, là? Mucus. Tu vas encore nous bouffer un truc à varier, tu vois? Non. Qu'est-ce que tu vas bouffer, ouais? Mexicain. Ah bah super, mais complètement con, mexicain, c'est épicé. Non mais c'est épicé, mexicain et un couscous. Ouais, couscous avec du riz en fait, à la place de la semoule, tu sais. Il a passé une semaine parce qu'il était malade, parce qu'il a bouffé de la merde, et là il te mélange un couscous avec du mexicain. Voilà. Et tout ça posé sur une pizza. Un couscous qu'il a acheté chez monsieur Pepito, une pizza qu'il a acheté, je sais pas, moi c'est monsieur Chang. C'est monsieur Chang le chinois. C'est l'enfer ton truc. Bon bah écoute, bon appétit Cédric. Et puis à tout à l'heure. Il y a but des gouttes. But de l'Espagne. Il y a combien Espagne Italie d'ailleurs? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. On me dit but de Vitolo pour l'Espagne. C'est Brahms qui suit le match pour nous là ce soir. À Vitolo. Espagne Italie. Italie Espagne même plus précisément, un match qualificatif. On fera un petit point sur les matchs internationaux. 1-0 pour l'Espagne. Avant de suivre, merci pour le message. Avant de suivre. Oh, 1-0 pour l'Espagne en Italie. 61 minutes de jeu. Ouais, c'est ça. Dommage. On va faire. Et demain donc France Bulgarie à suivre en direct sur Skyrock. Évidemment, dans un instant, interprétation de vos rêves. Ah, ça y est, il recommence. Oui, parce que je suis rêvologue ce soir. Oui, c'est ça, voilà. Appelez-moi Difool, le rêvologue. On t'entend pas, Marie, tu sais, tu parles, c'est ah bien, oui, mais. C'est vrai, j'avais éteint pour parler à Cédric. Ah ouais, c'est vrai, je suis con. J'étais avec Cédric, en fait. Bah tiens, Marie, t'es dans pas mal de rêves d'auditeurs. Hein. Difool, le beau gosse, 18 ans. J'ai toujours rêvé que je déglinguais la Marie en lingerie sexy. Ouais, bah rêve. Je te dirai peut-être ce que ça signifie dans un instant. Cette nuit, j'ai rêvé qu'une MILF m'espionnait et qu'elle me disait qu'elle voulait baiser avec moi. C'est Nice Russe, 18 ans, qui nous envoie le message. Dernier rêve érotique, c'était avec la Marie. pareil pour Hugo Bordeaux. Encore. Salut Hugo Bordeaux. Moi, je rêve du crâne chauve de Romano et du grand nez de Difool. Ah, oh, magnifique. Ouais, merci, c'est très Seb. Érotique. Ouais. Je n'ai aucune interprétation pour. Ouais, c'est pourri ton truc. Faire l'amour avec Romano. Pourri ton rêve. Je chercherais peut-être pour le truc de Romano. J'irais que je faisais l'amour avec une star. Dis-nous quelle est la star avec laquelle tu faisais l'amour là. C'est au 41759 sur l'appli Skyrock. Moi, c'est Chaud Bouillant qui dit je rêve régulièrement que je baise la meilleure amie de ma femme. Et c'est une baise assez hard. Chaud Bouillant, 31 ans. Les pieds de carriole, je rêve que je lèche des pieds. J'ai rêvé que je couchais avec la mère de mon mec, c'est. De ma meuf, c'est Léandre, un gars à 15 ans qui nous envoie ça. Salut à toi. Bon, interprétation des rêves dans un instant, mais tout de suite, je l'avais promis. Ah bah tiens, pour les rêves, il y a Kevin aussi qui va arriver. T'es là, Kevin, déjà ? Oui, je suis là. Salut, Kevin ! Tu fais des rêves érotiques ? Pas vraiment érotique, mais c'est. Ouais, c'est un peu chaud, ouais. Mais pas érotique. On m'a dit que tu baisais quelqu'un dans un train, toi, c'est ça, non ? Non. Bah, il y a de la sensualité, mais ça part pas jusqu'à baiser non plus. Hein. Tu vas nous expliquer, Kevin, je t'interpréterai ton rêve dans un instant. Mais je fais juste pomper la bite. Ouais. C'est sensuel. Il y a toi, Toine Show, qui a déjà rêvé, qui baisait Lady Gaga en rêve. Ah, c'est un cauchemar, ça. Et curieusement, franchement. Bah, c'est dégueulasse. Non, mais il nous dit, curieusement, franchement, c'était pas mal. Comme quoi, vous voyez. C'est un rêve, t'as tu voyais que tu peut-être veux. Pas sa gueule étant levrette. Oui, c'est possible. Bon, vous êtes prêts pour. On va faire l'interprétation de ton rêve et des autres dans un instant, Kevin. Tu bouges pas. On va parler de plein de trucs. Il y en a plein qui ont rêvé qu'ils couchaient avec des profs. C'est dingue, ça, quand même. Ouais, t'as vu le nombre de messages qu'on a eu là-dessus. C'est un truc de fou. Hein. Bon, il y aura vos places aussi à gagner pour Jules. Et puis, votre FIFA 17 qu'on va vous offrir. Mais tout de suite, le double appel. Écoutez deux secondes. Je vous jure qu'on n'appelle pas. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Là, c'est comment ça me gaver, hein. Bah, c'est vous qui me gavez, c'est vous qui m'appelez. Le double appel de Difool sur Skyrock. Oh, il y a des chevaux là. Ah bah ça c'est étonnant quand même, dis donc. Il se passe des choses dans le double appel. Il y a des chevaux, mais c'est quand même hallucinant. Hallucinant. Le double appel, c'est simple, on prend deux numéros, des familles, on les met en contact et on voit ce que ça donne. J'espère que le contact sera bon. J'espère qu'elles vont s'aimer. J'espère qu'elles vont se parler. C'est le but. T'appelles qui, Samy, là, pour démarrer ce soir ? Isabelle. Et Honoré. Et je salue Patrick qui peut intervenir à n'importe quel moment. Il est toujours en forme. Ce double appel, j'espère qu'il est toujours en forme. Ah bah lui. En général, c'est vrai. Patrick, absolument. Ça va. Ouais. Surtout si elle commence à bien te frotter et puis à bien te sucer et tout. Ouais. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non ? Tout dépend des familles, si elles sont sexy, tout ça, Patrick. Bah moi, je suis à Wolfe, là, comme d'habitude. Allô ? Isabelle Martin. Allô ? Bonjour. Vous êtes sur. Ah, Isabelle Martin, désolé. Bon, et on était sur le. Bon, désolé. Vas-y, un autre. C'est reparti pour un tour. On va dans la marre. Alors, on va dans la Marne, c'est quoi, 51 ? Ouais. Champagne. C'est ça. J'adore, vive le champagne. Voilà. Oui, allô ? Ah. Oui ? Allô ? Allô ? Il va pas éjaculer tout de suite. Qui c'est qui va pas éjaculer tout de suite ? Ça commence fort. Hein ? Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. C'est quoi cette connerie ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Eh ben ouais, ben non, ben y a un souci, hein. Ah bah ouais, ben non. Oui, c'est mon mari, il me dit c'est une dame, ben je dis oui. Oui. Et nous, ça, le téléphone, ça fait deux fois qu'il sonne. J'ai des gosses. Et ben en fait, y a un autre monsieur aussi sur la ligne. Ah bon ? Et oui, et le souci, c'est que là, mon mari, le monsieur racontait un peu des trucs un peu pornographiques, quoi. Ah bon ? Ben ouais. Alors je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Je sais pas, mais non, j'ai pas appelé. Et nous, ça se met en appel privé aussi. Ouais, ben moi, là, vous venez de m'appeler, oui. Ça fait deux fois et c'est en appel privé. Ouais, et ben à mon avis, il y a quelqu'un qui, je sais pas, je sais pas si on peut pirater, enfin je ne sais pas. Ouais, sérieux, ouais. Et oui, voilà. Ah. Et donc, il y avait un monsieur au bout du fil. Donc, mon mari, au bout d'un moment, a raccroché. Mais voilà, il s'amusait à raconter. Ah, c'est bon, là. Et vous entendez pas, là Vous n'entendez rien d'autre derrière ? Si, si. Oui, ben, nous aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et qui, du coup ? Des calottes complètement. Oui, il y a encore l'autre derrière qui dit encore des trucs. Vous êtes à un abonnement chez qui ? Chez Bouygues Télécom. Ah, ben non, même nous, on est chez Free, en fait. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui. Et donc, mon mari, moi, ça a appelé, il a répondu, et en fait, il est tombé apparemment sur le gars, et il me dit, je crois que, je sais pas, il dit, ça fait bizarre, il dit, il doit y avoir plusieurs personnes sur la ligne, tout ça. Donc après, le monsieur s'est mis à raconter des trucs. Et donc là, je suis tombée sur vous. D'accord. C'est comme si vous aviez fait mon numéro et moi le vôtre. Enfin, je comprends pas. Bah, je me suis fracturé la clavicule. Ouais, voilà, c'est, ça recommence. Ouais, non, mais il faut appeler la gendarmerie et puis c'est tout, hein. Voilà. Ben bah, ouais, parce que. Et sans indiscrétion, vous êtes de où? Enfin, de la Marne. De où, sans préciser, mais. De la Marne. Ah, ben bah ouais, ben bah, nous aussi. Bah, moi, je suis Patrick, hein. Mais qu'est-ce que c'est, ce truc? C'est bizarre, quoi. Et nous aussi, on est de la Marne. Vous êtes de quelle ville? Attention, tu. Bah. Vous aussi? Comment? Oui. Bah. Non mais il y a c'est quoi ce délire? Vous êtes de quel quartier? Bah oui, mais c'est un peu compliqué à le dire. Bah sur, oui. C'est ouais, je comprends. Tu nous écoutes quoi. Bah oui, c'est ça, je comprends bien. Comment on pourrait faire? On va se donner rendez-vous devant la gendarmerie. Voilà. Et ben ouais, écoutez, ouais. Voilà. Quelle heure il est? Alors attendez, parce que... Eh ben, d'ici... Je vois pas que... J'ai eu un... 10h30, vous pouvez être devant la gendarmerie? À quelle heure? Vers 10h30. la dame, elle demande à 10h30, est-ce qu'on peut être devant la gendarmerie? Patrick. Ah non, Patrick moi, aussi, t'as qu'à venir. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Comment on peut faire? Réfléchir longtemps, voilà. Galère un peu, là. Eh ben sinon, est-ce que tout de suite c'est possible ou pas? Non, pas tout de suite. Est-ce que vous connaissez les pompiers des fois? Ah bah oui. Oh. Alors oui, elle en connaît. Hein. Ah. Donc, est-ce que mon mari est pompier? Ah, d'accord. Donc, il y a de grandes chances à mon avis qu'on se connaisse. Voilà. Oui, c'est fort. Et à mon avis, ou alors il y en a un qui fait une boulette, ou je comprends pas alors. Voilà. Ouais. Bon, ben bah, écoutez, je vais vous dire 10h30 devant la gendarmerie. Ouais, d'accord. Je vais me débrouyer. Ouais, je vais me débrouiller. Ok. Bon, donc bah, d'ici un bien. Quart d'heure devant la gendarmerie alors. Ok, très bien. Voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. Ah. Absolument. Absolument. C'était une enquête. Devant la gendarmerie. Ouais, ils vont avoir l'air malignes, les deux. C'est non, mais c'est super parce qu'on se fait des amis. Et Patrick est invité aussi. Hein. Ouais, mais Patrick, il vient aussi. Hein. Ah, alors, Patrick. C'est excellent, là. Excellent. Bravo, Patrick. Dans un quart d'heure devant la gendarmerie, Patrick. Ah, c'est bon, là. Ah, c'est bon, là. J'ai cru qu'elles allaient mettre au point un système de code pour dire où elles habitent, mais sans le dire vraiment. Alors, comment on peut faire l'enquête? Qu'est-ce qu'il va leur faire, Patrick? Oui. Qu'est-ce qu'il va leur faire? Bah, devine. Imagine bien, va. Je sais pas du tout, Patrick, ce que tu peux leur faire. Tu vois, dans la chatte, là. Ouais, très bien. Là, j'ai eu ma copine qui m'a fait une bonne petite pipe dans la voiture. Ah, bah, voilà, écoute, là, tu as deux nouvelles copines. C'est sympa. Je sais pas combien de temps ça va durer, votre histoire, mais ça peut être sympa. Ça va durer 20 minutes. 20 minutes? Ah, ouais, quand même. Ça vaut le coup. J'espère que t'es prêt. Hein, ton zizi, il est prêt? Il est en érection ou pas? Le mien, non. Mais bon, toi, j'espère que ça va. Ouais, moi, je suis décaloté complètement. Ah, toi t'es sexy, Patrick. Décaloté complètement. Ah, complètement. Non, mais on va pas décaloter maintenant là. Ah, il veut Cédric, tu veux décaloter? Ah non. Non, mais là il est en train de bouffer son couscous. Ah oui. Ah ouais, il bouffe son couscous mexicain. Couscous mexicain. Ouais. Monté sur une pizza. Non, il n'éjacule pas tout de suite. Pour l'instant, il bouffe, Cédric, là. Eh ben, c'est super parce que vous voyez quand même, le double appel, c'est bien utile. Ça sert à la rencontre des gens. Ouais, ben là, c'est ça. Ça va être une belle rencontre à 10h30. Ça sert à de faire de nouvelles rencontres dans un quart d'heure à 10h30. Dommage qu'on soit pas sur place. C'est vrai, dommage. C'est triste, là. Si vous êtes dans la Marne, on veut bien vous y envoyer, mais bon, on va quand même garder l'anonymat des familles, hein, quand même. Hein. Ouais. Très bien. Bon, ben, écoutez, le double appel, c'était super. Les numéros que vous nous avez laissés, les autres, ceux qu'on n'a pas appelés ce soir, eh bien, rassurez-vous, ils ne sont pas perdus. On les garde, Samia, à son agenda du double appel. Qui fait 3 tonnes. Un stock de numéros. Avec tous les numéros que vous nous avez laissés. Si vous avez donc un numéro à nous laisser, je sais pas, vous avez des voisins, des voisines rigolos, sympas ou pas rigolos du tout, ou cons comme tout, n'hésitez pas. Quelqu'un de la famille, vous n'hésitez pas non plus. Des on potes, prend hein. Tout. Ouais, on prend des potes aussi. Si vous avez des potes qui se vénèrent rapide, n'hésitez pas pour les calmer. Rien de tel qu'un double appel. Vous avez vu comme ça s'est bien passé. Hein, il nous détend, ce Patrick. Ouais. Il est super. Ah ouais, ça. On se prend bien comme il faut, là. Oui, on se prendra bien comme il faut quand tu veux. On fera le problème du mois, d'ailleurs. Ah ouais, tiens, tu vas pouvoir te branler un peu. D'ici quelques instants, là. Les interprétations de rêve. Putain, le nombre de messages qu'on a eu, vous faites plein de rêves érotiques. C'est dingue, moi, je fais pas de rêves érotiques. Non. Jamais j'ai fait de rêves érotiques. Ah bon? Bah ouais, Marie, c'est triste. Mais t'es éteint? Je suis pas éteint, je baise comme tout le monde. Enfin, mieux que tout le monde, en général, d'après ça. Bien sûr, oui. Ah, mais moi, même quand je fais l'amour, je fais des rêves de temps en temps. Putain, moi, je me souviens jamais de mes rêves. Bah voilà, comme Romano. Marie, elle pense qu'au cul, c'est une obsédée sexuelle. Non, mais moi, je dors plus longtemps que vous, donc j'ai plus l'occasion de rêver. Ah, bah ça, c'est clair, tu dors plus longtemps que nous. Ça, c'est bah oui. Je dors 21h sur 24. Non, les 3 autres heures, c'est pour venir ici. Non, quand même pas, non. Alors, vous avez fait des rêves. Tiens, on va mater les messages que vous nous avez laissés. Moi, j'ai fait un rêve, j'étais en train de niquer, je faisais du bruit dans mon lit et ma mère m'a entendu, la honte. Et dans mon rêve, j'ai disparu pendant 15 jours. C'est Karim qui nous laisse un SMS sur le 41-759. On a avec nous Kevin, qui est là en direct du 08. Anthony, qui est à Valenciennes. Salut Anthony. Salut. Salut Kevin. Salut Anthony. T'es bien là Kevin, hein, on t'a pas perdu. Oui, je suis là. Très bien. Ouais. Vous savez que je suis rêvologue. Ouais, c'est ça. En tout cas, il s'y croit. Hein. C'est ça, ouais. Je suis rêvologue. Dites-lui oui, ça lui fera plaisir. J'interprète tous les rêves. Message de la gothique. Je rêve que je fais souvent l'amour avec un de mes ex chauves. Difool, toi qui es rêvologue, peux-tu me dire ce que cela signifie? Vais-je ressortir avec lui? Bah, continue je de rêver, connasse. Laisse-moi finir le message. je sais qu'il ne m'a pas oublié. Si, je t'ai oublié. On m'a dit qu'il parlait de moi tous les soirs. Connasse. Et le matin aussi, il parle de toi. Ce matin, il a parlé de toi encore. Tu parlais d'elle? Ouais, t'as parlé d'elle ce matin. Je me rappelle. Bah, pas moi. Eh bah, écoute, tu en... de toute façon, t'en parles tout le temps. C'est devenu un toc, Romain. Mais je l'emmerde. Eh bien, la gothique, ça veut dire que tu l'aimes encore et qu'il t'aime encore et qu'il y a possibilité que vous ressortiez ensemble bientôt. Ah, mais va te pendre. Et que vous refassiez l'amour. Il y a même possibilité qu'il te bouffe la chatte et le trou du cul. Non, bah, t'as raison. Ah, putain, je dégueule. Ah, t'as dit que t'adorais bouffer des trous du cul. Ah, ouais, mais pas le sien. Non, pas des trous du cul, celui de Carriole. Je bouffe pas du trou du cul à l'appel, quoi. Mais par exemple, le trou du cul de la gothique. Ah, non, non. Ah, Pourquoi? À l'époque, elle t'aurait demandé, t'aurais kiffé. Bah, ouais. Ouais, je pense, j'aurais bouffé le trou de balle, sans doute. Ah, tu vois. Donc, voilà. Mais plus aujourd'hui. L'interprétation de ton rêve, la gothique, je l'ai faite. Et j'attends donc bientôt des. Ouais, t'as raison, bah, tu vas attendre un moment. On vous tiendra. Ah, mais de toute façon, je la crois, je l'insulte, donc c'est direct. Bon, alors, Kevin, toi, ton rêve, c'était dans un train, explique-nous. Bah, en fait, ça arrive souvent. Je dirais pas toutes les nuits, mais on va dire au moins une fois par semaine. Mmh. Je me retrouve dans un train et ça peut même être un train de marchandises ou un train de voyageurs. Mais t'es cheminot, non? Tu travailles là-dedans? Bah non, c'est ça le pire. Je suis routier, donc je devrais plus faire des rêves dans des camions, mais non, je fais des rêves dans des trains. Mmh. Donc est-ce que je devrais pas être cheminot plutôt? J'en sais rien. Peut-être. Et en fait, voilà, ouais, je me retrouve souvent avec des filles. Enfin, une fille en l'occurrence. Ah, pas plusieurs, c'est pas des partouzes. Ben, ça arrive des fois qu'il y en ait plusieurs, mais c'est pas, ça va pas jusqu'au sexe, comme je disais tout à l'heure. Je suis dégoûté de pas faire de rêve érotique parce que c'est encore mieux que YouPorn, parce que t'es dedans, quoi. Ouais, bon. Après, moi je me réveille pas avec, comment dire. T'es pas tout mouillé? La gaule ou. Ouais, voilà. Mais, moi je fais pas de rêve érotique, pourtant je me réveille avec la gaule. Peut-être que t'en fais, tu t'en souviens pas, hein. Mais moi j'ai déjà fait un, mais la meuf avait pas de tête. Ouais, mais souvent. Et comment elle faisait pour te sucer? Bah, elle devait pas me sucer, mais tu sais, tu. Mais elle avait pas, y avait pas. J'ai pas réussi à identifier qui c'était. Ouais, c'est quoi. Ça, mais elle souvent. Elle était arrive. Guillotinée. Bah, ouais. Non, elle a une tête, mais tu vois pas le visage. Ouais, en fait, tu sais pas qui c'est, en fait. Ou alors tu sais qui c'est, mais tu vois pas le visage non plus. De 10 heures pour lui rouler des pelles. Bah, ouais, sans tête, ouais. Bah, ouais. Tu roules une pelle à sa chatte. Alors, pour le rêve dans le train avec une inconnue, alors, je vais te dire ça immédiatement. Coucher, alors, le rêvologue. Coucher, je me concentre, hein, je suis concentré. Concentre-toi, vas-y, réfléchis bien. Train, j'ai rien. Faire l'amour avec une inconnue. Et voilà. Il va être planté. Non, c'est faire l'amour en public. Le train, c'est public. Ouais. Ce rêve peut survenir après qu'un membre de votre famille ou l'un de vos amis ait critiqué votre partenaire. T'es un peu le mentaliste, quoi. Je suis mentaliste, c'est ça. Rêvologue et mentaliste. Voilà ce que signifie ton rêve, Kevin. Ne quitte pas, on va écouter le rêve d'Anthony maintenant. Allô, Anthony. Ça, salut, l'équipe. Oui, parle-moi de ton rêve. Ben voilà, alors en fait, c'est un rêve qui m'a apparu il y a à peu près un an. Oui. En fait, voilà, j'étais chez des amis, on faisait soirée et... Attends, je sens que ça vient. Est-ce que tu peux me donner les 12 premiers numéros de ta carte bleue, s'il te plaît? Ça va m'aider à que ça vienne un petit peu plus vite. Évidemment. Bien sûr. Oui. Donc, je faisais une soirée donc chez des amis, il y avait une fille qui était là. Mais ça, c'était dans ton rêve? Ouais. Dans mon rêve, c'est que pendant la soirée, il y avait la fille. Mmh. Et donc il sert un passant, en fait, il y a juste des jeux de regard, mais sans plus, quoi. Ça n'a pas été plus loin. Ouais. Et quand je suis rentré chez moi, en fait, le soir même quand je me suis endormi, en fait, il y a une scène carrément l'inverse qui s'est passé de la soirée. En fait, je me voyais avec la fille dans une voiture. Ah, faire l'amour dans une voiture. Mais tu la kennes? Ouais, non, en fait, te dire, c'est que moi j'étais dans la voiture et je faisais rien, en fait. Elle tuait et tout. Alors, tu étais dans une voiture, tu faisais rien, elle faisait tout, mais elle te faisait tout, elle te faisait la totale, elle te suçait, tu la baisais, tout le. Ouais, voilà, en fait, c'est le délire, c'est que moi, j'étais allongé sur la banquette arrière. T'étais soumis, quoi. Ouais, elle te baisait, quoi. Ouais. Ouais, voilà, j'avais la tête sur le plafond et elle me. Bon, alors, attention, ouais. Le mentaliste révologue à deux balles à se concentrer. Alors, je me concentre. Ah, mais tu galères en amour ces temps-ci, Anthony, hein. Un peu, hein. Bon, à peu près, ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, ton rêve signifie que tu galères en amour et que tu galères en amour. Oh, l'autre. En route. Ouais, merci, le révologue. T'as un gros galérien. Bah ouais. Voilà. C'est super. Non, mais t'as vu, je me suis pas trompé, hein. Bah, tu l'as demandé avant. Très belle interprétation de rêve. Très, très belle. Mais genre, quand Anthony, quand tu dis que tu galères, mais genre, ça fait combien de temps que t'as pas baisé? Ah, baiser, si, on va dire que j'ai des plans de cul un peu à droite à gauche, mais relaxation stable, on va dire à peu près un an et demi. Ouais, donc c'est de la merde de ton votre pronostic. Mais non, mais c'est galère, c'est de la merde. Mais c'était il y a un an, son rêve. Bah, vous ne seriez pas un escroc. Non, pas du tout, pas du tout. Année tout court, un escroc. Ah. Moi, j'ai déjà craché en dormant, nous dit Belly 69. Et ah, moi, ça m'est arrivé, ça. Putain, moi, ça m'est jamais arrivé. Je me suis même uriné dessus. Ça, moi aussi, ouais. Putain, mais je me suis arrêté avant la fin. Ah, t'as fait un demi-pipi. Ah, j'avais fait quand même une bonne tâche hein, dans le lit. Ah, hein. Trois quarts pipi alors. Mais t'as vu comment c'est mortel quand tu dors et tu sais que tu mortel. Pisses. C'est pas génial dans ton rêve. Ah, bah, c'est moins génial quand tu te réveilles et que t'es plein de pisse quoi. Ouais, non, après tu sens que ça devient chaud sur bah, toi. Moi j'avais dormi hein, quoi. Bon, Karim, il est heureux. Hein, non, je suis heureux. Oui, je suis pas heureux, non. Il est heureux d'être heureux, Karim, ce soir. Moi, je suis scato. J'adore. Quelqu'un veut me chier dessus? Je suis scatholique. Oh, non, bah arrête tes conneries. Et je suis scatholique. Alléluia. Ça me dégoûte. Oh. Bon, donc voilà pour ton interprétation de rêve, Anthony. Bah là, je pense que. Mais attends, mais il y a peut-être satisfait, là, Anthony. Ah bah ouais. Et après, je prendrai vos messages, les messages que vous envoyez. Heureusement que c'est gratuit. Et puis. Ah ouais, c'est une véritable escroquerie. Je vais faire payer. Il y a toi, Toine de Toulouse aussi qui arrive. Salut toi, Toine. Ouais. Salut les copains. Salut. Non, alors on dit pas salut copains. Les copains, on fait. Salut les filles. Salut les filles. Ou alors. Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Au choix. Voilà, c'est au choix. Hey. Alors, ton rêve, c'est quoi, toi? Ah, tu l'as lu tout à l'heure à l'antenne. J'ai fait l'amour à Lady Gaga, moi. Ah, alors faire l'amour avec une célébrité, c'est revenu souvent. Alors attention. Il y en a qui ont baisé Rihanna dans leur rêve, hein, dans leur rêve. Il y a des filles aussi qui nous ont laissé des messages, là, tout à l'heure. On avait la fan de Lil Wayne, qui rêvait qu'elle faisait l'amour à Lil Wayne et qui lui léchait tous ses tatouages. Ah ouais, carrément. Alors, si vous avez couché avec une célébrité. Attention, l'interprétation. Pas, ouais, le truc de merde du mentaliste à deux balles. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est voilà. La musique. Coucher avec une célébrité, c'est simple. Vous cherchez à diriger les projecteurs sur vous. En fait, tu as envie d'être plus dans la lumière, toi, Toine. Est-ce que c'est vrai? T'as envie d'être une star? J'en étais sûr. Écoute, oui, je pense, tu vois. Là, je passe sur Sky, là, ça y est, je me sens plus. Ah bah voilà, voilà ton rêve. C'est bien ça. Non, mais... ton rêve est exaucé. T'écoutes Lady Gaga? Parce que pour rêver à elle, faut quand même. Ah, c'est toi qui as baisé Lady Gaga, non. Ouais. Non, pas spécialement, mais. Ah ouais, on sait pas pourquoi elle, quoi. Ouais, bah. Ouais, t'as dû voir une vidéo. T'aurais dans dû choisir mieux, quoi. Attends, moi je baise avec Lady Gaga, c'est un cauchemar le machin, là. Mais toi, t'es bien. Non, franchement, c'était bien, hein, c'était bien. Elle s'est pointée. Moi, je tiens, Lady Gaga dans ma piole, elle a fait son truc, elle est repartie. Et tu lui as fait quelque chose. Je me suis réveillé, j'avais les boules, hein, parce que franchement, c'était. Tu bandais? Bah, éjac nocturne, en fait. Ah, t'as éjaculé sur Lady Gaga. Ouais. Eh ouais, les auditeurs de Skyrock éjaculent sur Lady Gaga. Il y avait sa robe en viande. Moi, Lady Gaga, j'y pisserais dessus. Très, très beau message que je remercie. Merci à toi, l'inconnu du 06. Salut, l'inconnu du 06. Mais est-ce que dans la réalité, tu la baiserais? Ah, bah, je la baiserais pas, moi. Ah, mais non plus. Ouais, au naturel, sans maquillage, elle est pas mal, hein. Ah, non, elle est horrible. Non, au contraire. Enfin, bah, après, chacun ses goûts. Tiens, il y a Zilda, elle coucherait avec Justin Bieber. Elle a rêvé qu'elle a couché avec Justin Bieber, plus précisément. Bon bah écoute, voilà le rêve, tu as envie d'être dans la lumière. J'en ferai peut-être que quelques autres interprétations, n'hésitez pas pour vos messages, vous laisser tout ça. Ah bah vivement à votre disposition. Vous arrivez avec votre carte bleue et je m'occupe de tout. N'en abusez pas quand même. Ah, non. Ouais. Bon, merci à toi Totoine. Merci beaucoup. Merci Totoine, merci Anthony de Valenciennes, merci Kevin. Salut. Et puis pour tous vos messages, dans un instant je vais mater tout ça, on fera un petit bilan des rêves érotiques que vous faites le plus. Les places de Jules tout à l'heure, dans une heure et demie, on vous offrira les places de concert pour Jules, plus votre FIFA 17 qu'on va vous offrir dans un instant. FIFA 17, c'est pour vous. Je vous pose une petite question et on en reparle ensemble juste après MHD que vous entendez derrière moi là. C'est ça, c'est son MHD. Hein. J'ai reconnu Akelenta, MHD, c'est sur Skyrock. Ils ont tous gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. Bah, Skyrock.

Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi, c'est à d'ultimer à quel endroit. Ce soir c'est ton jour, la classe va démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer, ce moment restera gravé dans ma tête. De super qu'on pourra se partager. Sur Skyrock, on écoutait MHD. Diffoul, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Et on écoutera DJ Snake tout à l'heure avant 11h. On se passera du Alonso tout à l'heure. Il était l'invité dans Planet Rap, l'invité de Elams. Elams, ouais. L'invité de Planet Rap qui a invité lui-même Alonso. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Exactement. Ouais, l'album d'Elams, il sort demain à découvrir. C'est marseillais. À découvrir dans Planet Rap si vous n'avez pas encore écouté. 20h, 21h demain soir. Donc Alonso était là. Et bien nous, on va le retrouver avant minuit. Alonso avec Binta. On écoutera Pitbull et Florida aussi. Parce que j'aime bien ce morceau. Et puis qu'on est de bonne humeur. On va se faire plaisir. Allez, bah, c'est clair. Vous tous en direct. PNL, c'est déjà passé, hein, je le dis pour Salope qui vient de nous laisser un message. Bonjour Salope, tu es la bienvenue sur Skyrock, on te fait un gros bisou. Et égalisation d'Italie. Et yes, oui, il y a quelques instants, ah ouais, sur penalty. Bravo, ouais, les Italiens. De Rossi. C'est De Rossi qui a marqué. Ouais. Bravo. Italia contre l'Espagne. Hola, quel âge. Uno a uno. Et demain soir, on compte sur vous pour suivre le match des Bleus en direct. Ce sera entre 21h et minuit dans la radio libre, évidemment. Allez, les notes à la mi-temps pour l'équipe de France, on comptera sur vous aussi. Vous nous laisserez les notes que vous laissez aux Bleus. On fera comme les profs. Hein. Ouais, parce que pourquoi? Pourquoi on n'aurait pas le droit de donner? Pourquoi, hein, pourquoi pas nous? Donc on donnera des notes à l'équipe de France. On espère que ça se passera bien. Match qualificatif pour le Mondial de Russie, ouais, de dans deux ans. Pour se qualifier, il faut gagner un maximum de matchs. Et on dit allez les Bleus. Allez les Bleus. Tiens, j'ai une question sur les Bleus, justement. Que je peux vous poser maintenant. On va jouer pour gagner FIFA 17. Vous voulez qu'on joue tout de suite? Après, tu nous fais le point de mémoire au Allez, c'est parti, mon kiki. Et je finirai avec 2-3 rêves que vous nous avez, avez laissés. Si, si, si. C'est le relou. Ouais, le mec se fait. En fait, non, mais puis il n'y a rien qui tient le coup. Il y a n'importe quoi. Bah, je suis désolé, Romano, j'ai eu plein de messages, des millions de messages. Hashtag Diffoul, hashtag Radio Libre, hashtag Skyrock qui disait que j'étais super. Ouais, c'est ça. Et le mien de rêve, tu n'as rien dit. Pour la douche. Prendre une douche. Bah, ouais, ça te lave. Tu veux me faire attraper sous la douche. C'est parce que t'es sale. Tu es sale, Marie, et tu as envie de te faire attraper super sous la douche. Super. Merci du foule. Tu es sale, tu t'auto-asphyxies avec ton odeur pendant que tu dors. Non, mais je suis désolé, on a eu Kevin, Anthony, Antoine. Ils sont très contents d'ailleurs. C'est quand même pas flagrant, quoi. Non. D'ailleurs, il y a des protestations standards. Parce qu'il y a remboursé. Sa gueule. Alors, non, mais il y a un rêve qui revient souvent. Là, il y a Tari qui nous disait qu'il avait baisé une de ses profs, mais en rêve, une prof de maths, en rêve. Il y en a qui ont baisé des filles, qui ont baisé avec leur prof de sport. Les filles, c'est les profs de sport qui vous expliquent. Ah, ouais. Ah non, putain, vous auriez eu les miens. Non, Priscilla, ah ouais, elle adore son prof d'histoire géo. Ah ouais, tiens. J'ai rêvé que je faisais l'amour avec mon prof d'histoire géo dans une salle de cours. Wow. Le mentaliste à deux balles, t'as quoi à dire là-dessus? Eh bien, je peux vous dire, si vous avez rêvé que vous couchiez avec votre boss ou avec votre prof, ça veut dire que vous souhaitez vous sentir proche de votre prof et de votre boss, pas que vous vous sentez éloigné de ses idées ou de sa manière de gérer les cours ou de gérer l'entreprise. Mais c'est de la merde. Ah. Pourquoi tu dis c'est de la merde? Non, mais c'est de la merde. Mais elle est super, mon interprétation de rêve. Bon, faites plaisir à Diffoul. Envoyez de vos trucs. J'ai rêvé. Ouais. Vous savez pourquoi il est aigri, Romano? C'est parce que j'ai interprété le rêve avec la gothique tout à l'heure. Non, non, pas du tout. Si, je suis. Non, bah, j'ai connu une interprétation de rêve. Bon, vas-y, c'est pas la plus gay. C'est quand tu rêves que tu perds tes dents. Hein. Que tu perds tes dents, c'est ça, des gens qui décèdent autour de toi. Voilà. Super, bah écoute, je vais garder toutes mes dents, moi, dis donc, hein. Et tiens, un rêve. Heureusement que je les ai perdus éveillés parce que moi je n'aurais plus de famille. Ah merde. T'as perdu 13 dents, Romano, ouais. Vince. Non, mais puis donne-moi là parce que je ça peut traîner, mais il y a toujours mes deux dents pourries là. Donc tu vas en, t'en auras 15 fausses. Bah déjà il faut que je les enlève, donc j'aurai un trou déjà. Ça va être... tu vas être berçu. Comme Jaco, il a un fripouille dans le film vieux là. Les visiteurs, voilà les visiteurs. Et après, je vais m'en faire remettre, ouais. Mm-hmm. Mais je suis en train de me tâter sur la façon de me les la faire couleur. Remettre. Ah non, pardon. Tiens, I'm in love with Romano, 14 ans. Je suis très satisfaite de ton interprétation d'E-Fool. Je lis le message tel qu'il a été écrit. Ouais. Tu le vois pas le message, Romano ? Non. Ah bah écoute, regarde là. Nana 29, moi j'ai rêvé que je couchais dans la rue avec un mec, mais je ne sais pas qui c'est, ah, car j'ai jamais vu son visage. Alors, monsieur le mentaliste. Pardon. Monsieur le mentaliste. Oui. Bah votre analyse. Elle couche avec un inconnu, mais elle voit pas le visage. Eh bien, ça veut dire. Que t'es en manque de cul. Tu sais pas qui c'est. Attendez, il a besoin de quelques secondes de pour inventer un truc. Ça veut dire que tu es frustré sexuellement et que tu n'as pas trouvé la bonne personne pour faire l'amour avec toi. Rien du tout, il est complètement paumé. Ça, c'est pas marqué dans son bouquin de merde. Voilà. Il faut les venir avec son grimoire. Il y a un sorcier. Quoi. C'est le père Fouras. Oui. Voilà, donc pour les. On vous souhaite de beaux rêves, de faire de beaux rêves cette nuit. Restez avec nous, faites pas des rêves tout de suite. Hein. On a plein de choses jusqu'à minuit. On va faire dans un instant. Tu veux le faire tout de suite, le problème du mois, Romano ? Mais moi, c'est comme vous voulez. Allez, fais-nous le problème du mois. Je suis à vous. Juste avant la question footballistique de ce soir. Une des questions footballistiques pour gagner FIFA 17. C'est fini entre l'Espagne et l'Italie. Un partout pour le gros match de ce soir. C'est ça. Demain, ils ont bien rattrapé le coup, les Italiens. Ouais, demain, de la chance. Ils ont un cul, les Ritals. À 10 minutes de la fin, ils ont marqué. Ouais, et sur pénalty en plus. Bon, demain, un match à suivre, France-Bulgarie. D'ailleurs, demain, les places à gagner, les toutes dernières, ce sera dans le morning à 8h05. On jouera, je vous poserai une question foot. Ah, ce matin, la question foot, c'était sur Griezmann. Bah, je peux limite reposer la même pour voir si vous étiez à l'écoute à 8h05 ce matin. Ah. Ah ouais, tiens, allez, on va faire ça, tiens. Pour la première question sur Grizzy. Comment la femme d'Antoine Griezmann, Erika, elle s'appelle, surnomme-t-elle Antoine Griezmann dans leur petite intimité quand ils sont tous les deux ? Non, si c'est pas chou. C'est mignon tout plein. Le petit surnom d'amour. Le petit surnom d'amour d'Antoine Griezmann. C'est ridicule. Au 41, c'est un peu. Au 41-759 et sur l'appli Skyrock, vous nous laissez vos réponses, vous laissez bien vos numéros de téléphone. Bah en fait, le top officiel maintenant, top officiel. Top officiel. Et à l'indice, en fait, il n'y a pas de rapport avec lui, c'est chelou d'ailleurs. Ah ouais, donc c'est pas genre mon grisou, un truc comme ça. Alors il y a peut-être un rapport, on a émis des suppositions. Oui, ce matin. C'est vrai. On verra dans un instant, on vous en reparle. Mais de base, tu te dis, c'est quoi le rapport, quoi. Le petit surnom d'Antoine Griezmann dans l'intimité, on en parlait ce matin dans le morning à 8h05, à 8h aussi. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez très très vite. Lui, il l'appelle la patronne. Ah ouais. La patronne. C'est elle qui doit tout gérer, à mon avis. Ça, c'est très sensuel. Ouais. Très, très. Ouais, t'imagines au pieu. Ouais, patronne. Je te lèche, patronne. Oui, c'est un coup spécial. Bon, vos réponses très vite. Dans un instant, on vous offre FIFA 17. Mais tout de suite sur Skyrock, place à la classe. Place au problème du mois et au problème sexuel des Français. C'est l'heure, Romano, l'heure de nous parler de ce que t'as vu sur le net cette semaine. Ouais. Parce que tu lis le net pour nous, plein de forums. C'est la folie. Plein de sites. Je forumise, mais toute la semaine, quoi. Des sites de fous aussi. Hein. Ah ouais. Bon, alors on va commencer par le palais de la soumission. Tiens. Ah, le palais de la soumission. Très bien. Il y aura quoi ? Il y aura du porno dépendance. Oui. Ça, c'est un forum ça, également. Ça, c'est ses sources. Hein. Il y aura également Guesspeak. Guesspeak, très bien. .com. C'est la première fois que tu fais Guesspeak. Ouais, mais ça, c'est un site américain. Guesspeak, c'est gay. Ouais. Et c'est speak. Et c'est gay, ça speak, d'accord. C'est les gays drogués. Voilà. C'est ça. Et ensuite, il y a du Doctissimo. Oui. Et le forum Purevoyance, rubrique sexualité. Bon, est-ce que tu peux commencer par celui que j'ai bien aimé tout à l'heure, là, le problème du mois que j'ai bien aimé, le troisième dont tu nous avais parlé en speed, là. Ah, grillé sur porno vidéo. Très bien. Alors, voici donc le problème du mois numéro 1. Écoutez bien, parce que parmi les 5 problèmes du mois, on aura le temps d'en faire un. Et bah c'est vous qui choisirez. Donc il faut choisir. Mais pour choisir, il faut d'abord écouter tout ce qu'a à nous dire Romano. Laissons-lui la parole, il parle bien. J'ai rêvé de Romano avec des cheveux, le choc. Non, mais j'en ai eu, ça, je suis pas né chaud. Oh là là, quelle horreur. J'ai rêvé que Romano suçait Cédric. Ah, mais ça veut dire qu'il va avoir une relation sexuelle bientôt. Ouais, t'as raison. Mon poing dans la gueule, j'y vais. La vision. Ça veut dire que tu vas sucer Cédric dans la réalité. L'interprétation est très simple. Mais je préfère qu'on me couse la langue. La bouche, pardon. Tu préfères être cousu comme ça plutôt que de sucer Cédric. Bah, vas-y, tiens, je te dis suce Cédric, tu me dis quoi? Ah, moi, Romano, je ne peux pas, je suis fidèle. Ouais, mais moi aussi, je suis fidèle. Tiens, donc, non, mais sucer Cédric. Ah, mais sucer déjà. Mais alors Cédric, connaissant son hygiène, avec sa tu préfères sucer Cédric et qu'il t'éjacule dans la bouche ou lui bouffer le cul? Ah, mais non. Ah non, mais là, t'es obligé de choisir. Alors Mano, tu préfères mourir écartelé ou mourir guillotiné? Bah guillotiné. D'accord, ok, c'est noté, je note. Ouais, c'est clair. Bah non, mais ça fait moins mal. Au moins, c'est sec, ouais. Tu sais, c'est un coup sec, écartelé, tu te sens... tu sais, tu sens tout lâche, quoi. Au moins, guillotiné, bam, c'est un coup sec, on en parle plus. Je suis d'accord avec plus, toi. Quoi. Mais là, ta question à Diffoul, c'est violent. Les deux, les deux, c'est écartelé. Ah ouais, putain. Non, les deux, c'est des failles écartelées. Ah ouais, tu dois choisir. Bah, écartelé, moi. Tu sais où le bouffer le cul. Non, sucer, mais il t'éjacule dans la bouche. Non, sucer sans éjaculer. Non, mais non. Allez, non, sans éjaculer. Tu lui bouffes le cul. Bouffer le cul, non, je pourrais pas, ça. Sucer, je pourrais pas non plus. Il a le droit à un pince-nez. Ah, Romain, tu vas à ma place? Non. Romain, il est à ma place. Non, mais genre, toi, tu prends quoi? Non, je prends aucune, ni l'un ni l'autre. Non, comme... Mito, il t'a dit si, non, quand il disait bouffer le cul. Fou, c'est si, tu suces le et il t'éjacule dans la bouche, c'est bon. Ah bon, chacun ses goûts, personnellement. Moi, c'est... Je me demande si moi, je réfléchissais, je me demande si je prendrais pas ça. Parce que franchement, bouffer le cul, ça c'est impossible. Ouais, ben voilà, donc il te reste que l'autre. Donc c'est impossible aussi. Non, mais si tu fais éjaculer. Ah non. Non, mais tu vomis, t'as le droit de vomir. Ça peut être vomir, t'as le droit de vomir. Moi, je me ravance, quoi. Ah non, t'as pas le droit de mourir, hein, Marie. Oh, t'as pas le droit, ben. T'es obligé. Non, justement, c'est. Imagine la vision. On te dit, tu meurs ou alors tu dois choisir entre les deux. Oh putain. Préfère mourir? Ouais. Ou alors on Ah non, moi je suis stabite, moi. Un passé. Ah bah voilà, tu vois. Ah non, mais je suis pas. Au bout d'un moment. Non, je suis redivre, moi. J'ai envie de profiter un petit peu encore. Au bout d'un moment, il est content, Romain. Il est chaud, lui. Au bout d'un moment, on se lâche. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu m'as posé cette question des gars? Ah, ouais, ça dégoûte. Bon, alors allons-y. Alonso. D'ailleurs, on va passer à Alonso tout à l'heure. Chez Sean. Ah. Oui. Au passage. Sean. Alors, Sean. Sean. Sean, d'accord, Sean. S-H-A-W-N, c'est Sean. C'est Sean. Sean, yeah. Sean, yeah. Yeah. Sean, yeah. 32 ans de Boston. Mm-hmm. Il est donc écrit au forum. Alors, vous... Attends, Romano, juste un petit truc. Il y a un nouvel auditeur. Est-ce que tu as une prévention à lui faire? L'inconnu, 21 ans. Tu peux mettre des pseudos, l'inconnu, si tu veux, quand tu envoies des messages. Vas-y. Je suis nouveau. Et vos sujets sont vraiment très bizarres. Tu trouves? Ah, bah là, attends, t'as... Ça me surprend. Tu es arrivé au moment où Romano me demandait si je vais vous faire le cul ou sucer ses mecs. Attends, là, t'as pas encore tout vu, là. Ça me surprend. Parce que là, t'es dans le problème du mois. Bon, alors, Sean. Il a 32 ans, il est de Boston. Il a donc écrit au forum gayspeak.com. Ah, on a 8 heures tous les soirs qui nous écrit de Boston, d'ailleurs. Rassurez-vous, je ne vous le lirai pas en anglais. Ah, parce qu'il a écrit en anglais? Bah oui, parce que gayspeak.com, c'est un site américain. Ah, c'est toi-même qui as traduit? Non, bah j'ai fait... voilà, j'ai... Bah oui, bien sûr. Bien sûr, oh, qu'il est intelligent. J'ai tout traduit moi-même. Waouh. Alors, lui, il a un problème. En fait, il a reconnu sur son mec, sur une vidéo où il est en train de se faire sodomiser sur un parking. Non. Bon, alors, le problème, c'est qu'il sait pas quoi faire parce qu'il ne retrouve pas la date de la vidéo. Donc, il se dit... est-ce que c'est avant lui ou après? Est-ce que c'est avant ou après? Il a essayé de faire des recherches, mais il a peur qu'il continue de le faire et qu'il l'ait fait pendant leur relation. Donc, il ne sait pas quoi faire. Il est actif et passif. Ça le dérange parce qu'avec lui, il est que passif. Ça le dérange d'être... Parce que dans la vidéo, il est actif et passif. Et avec lui, il est que passif. Et il est un peu jaloux. Ah, il aimerait bien se faire prendre... Jealous, John. Jealous because the dick of his man is not in this ass. Oui, voilà. Bon, en gros. Même pour nos éditeurs américains, première radio urbaine mondiale, hein, c'est rock, Romain. Welcome, Skyrock. Okay. Welcome, bro. Number one. Sean, oui, Marie. Et alors, pourquoi tu répètes Sean comme une débile? Non, parce que j'avais mal dit. Ah, d'accord, c'est bien. Sean. C'est pour ça. Donc lui, alors, c'est quoi son problème? Le problème, c'est qu'il aimerait savoir comment il peut faire pour... Pourquoi? Non, c'est ce connard, il me filme avec des filtres. C'est qui le connard? C'est Karim. Il est sur Snap? Mmh. Voilà. Et donc, il se... Skyrock FM pour notre Bon, Snap. Il se demande s'il y a un moyen d'identifier la date de la vidéo, il essaie de contacter le site, mais il lui répond pas. Il se demande s'il doit en parler à son mec, genre laisser la vidéo sur l'ordinateur. Comment faire? Il ne sait plus rester avec lui, le quitter. Il est tout perturbé. Il est tout perdu. Kikou les boys and girls. Kikou à vous tous et vous toutes, monsieur. Kikou les boys and girls. Romano, comment tu réagirais si tu voyais une vidéo de, je ne sais pas, de la gothique en train de se faire trombiner? Je dis, le mec, il a bien du courage. Voilà, moi aussi, j'irai exactement. C'est direct. C'est le problème du mois numéro 1. Alors, le numéro 2, c'est Jonathan. Non, Jonathan. Jonathan, si tu veux, comme tu veux. 24 ans, Jonathan, je vais le faire Jonathan. 24 ans. 24 ans d'où? Attends, Marie, il y a l'âge avant, s'il te plaît. 24 ans. Ah, vous avez compris. Oui, et la ville, on de Rennes. Ouais. De Rennes, mais ah, oui. C'était mais ça. Mais c'est Rennes. Il a écrit un Doctissimo. Ouais. Alors, lui, il souffre, pardon. Oui, toi aussi, hein. un peu. C'est dur, il souffre d'addiction à la masturbation et au porno. C'est un grand branleur et un grand porno. Alors, lui, par exemple, il peut se branler 3 heures à la suite. Ouais. C'est-à-dire que sitôt que, tu sais, le... Tu sais que c'est déjà branlé 3 heures. Alors, pas loin, hein, ça, t'as mal au poignet. Hein. Mais genre une demi-heure, t'as jamais fait 3 quarts d'heure, moi ça marche. Ouais, une demi-heure, 3 quarts d'heure peut-être. Ouais, ça fait monter, mais... ça fait monter la sauce. Ouais, mais t'es bon. Moins sensible. Hein non, non mais non, parce que au bout d'une demi-heure, Marie, ça, je peux ah ouais, au bout d'une demi-heure, ouais, c'est clair. Ouais. Non mais tu te branles, mais c'est-à-dire que quand le jus il monte, tu ralentis un peu. C'est ça, Romano. Tu t'amuses avec ta queue pendant une demi-heure. C'est ça, voilà. Moi j'ai une question. Vous mettez jamais de gel à base d'eau, tu sais, pour vous branler? Jamais. Romano va te répondre trop cher, et je suis d'accord avec lui. Non mais ça va, j'ai pas de la corne dans les mains. Les mains sont douces. Mais c'est beaucoup plus agréable. Hein. Ah ouais, moi, j'ai pas besoin de ça, mes mains sont douces. Ah, mais ça va, moi, j'aime bien m'agripper la bite. Tu mets du gel, toi? Bah, ça dépend, des fois. Ah, tu vois, Romain, on est d'accord. Ouais. Bien sûr que c'est plus agréable. Ouais, bah, on est d'accord. Bah, je suis bien content de faire ça. C'est moins irritant. Je suis bien content de faire ça. Non, mais c'est vrai. C'est parfait. Donc, addiction à la branlette et au porno pour ouais, non, mais attends, parce que bon, il se branle 3 heures à la suite. Et lui, par exemple, quand il est en train d'uriner, il se masturbe pendant qu'il urine. Mais il doit foutre du pipi partout. Oui, un peu. Ce matin, on a fait 1 500 € dans des toilettes. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, il y a. C'est Yacine qui a gagné. C'est qui faisait caca? Non, c'est Yacine. Sofiane. Ah, Sofiane, ouais. À Dijon. Qui a gagné ce matin. Yacine, ouais. C'était l'autre jour. Elle a bien fait de partir avec son téléphone aux toilettes, lui. Faut qu'il vous suive partout. Ouais, c'est clair. Répondez Skyrock dès qu'on vous appelle. Skyrock. Ouais. Et inscrivez-vous au 720, vous envoyez 1 500 pour vous aider. Et alors, il a une particularité, c'est que il n'éjacule quasiment jamais. Bah, si pas sa vie à se branler, à quoi ça sert? Non, mais si, il se branle, mais en fait, il arrête au moment où ça commence à monter, il arrête. Mais il est con-con, lui. Et après, il continue il se remasturbe, et il s'arrête. Il est con-con, ce garçon. Ben, il sait plus comment faire, parce que bon, sa vie sexuelle, elle se résume à ça, pour le moment. C'est un peu triste. Il se branle. Oui, mais il finit pas. Ouais, mais lui, il aime bien. Mais bon, chacun sa mère. Oui, bah, en même temps, il est problème du mois. Hein. Oui, aussi. Autrement, il n'aurait pas été là, ouais, c'est vrai. C'est clair. Deuxième problème du mois, Jonathan. Mais moi, tu sais, ça m'est déjà arrivé des fois. T'arrives pas à éjaculer? Non. J'ai tellement essayé de traîner. Je bande. Mm-hmm. Tu sais, et puis, carriole, des fois, elle me dit non, tu vois. Fais chier, quoi. En balle d'atome. Ouais. Et tu sais, je lui dis, moi, il faut que tu me purges, j'ai trop mal au cou. Purge, car ouais, ça doit faire plaisir, ça. C'est sympa pour elle. Ah, bah, l'autre fois, je me suis branlé à côté d'elle. Hein. Et elle disait quoi? Elle me disait dégage. Ouais, ça pue, allez. Ah, ouais, ça pue, non, j'étais propre quand même. Et le chien? Le chien, lui, il venait sentir. Je mets oh non, ça pue. Non. Donc, ça, c'est le problème numéro 2, Jonathan. Le numéro 3. Exactement. Oui, c'est ça. Attends, je suis perdu là dans le bordel. Ah non, non, ouais, numéro 3. C'est Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ah. Il est du 34. Bourdin. Non, c'est Jean-Jacques tout court. Goldman. Non, Jean-Jacques. Okay. Jean-Jacques tout court. Eh, t'en as pas marre de me casser les couilles avec tes foutres snap, quoi. Je fais un bête d'effet avec un chien, regarde. Voilà, super. Allez, vas-y. Attends. Fais ton effet. Vas-y, hop, Romano. Là, fais comme s'il était normal. C'est ma foi. Bah, super. Il est content. Il est con. Hey, go. Jean-Jacques. Bon, alors, lui, il pratique le BDSM. Bondage sadomasochisme. Ah. Donc, il ligote sa femme, les jambes et les bras, et il lui met un vibromasseur dans le vagin. Ah ouais. Ta Claude, elle ne peut pas bouger, il lui enfonce un vibromasseur dedans. Elle est contente. Mais alors, il a un problème, c'est que le vibromasseur, il ne sait pas comment il se débrouille, il ne tient pas dans sa femme. C'est-à-dire. À chaque fois, elle expulse. C'est comme un truc qui tire, vous savez, les balles de tennis, quand vous jouez tout seul et que vous vous entraînez. Ah vous ouais, les machines là, qui t'envoient les balles. Ouais. Et elle, c'est pareil avec son cul. Ouais, ouais. Elle expulse. Donc, il est très ennuyé. Ah bah, je comprends qu'il soit très ennuyé. Alors, il cherche un moyen de le fixer en elle. Du scotch. Ah ouais, de la colle. De la colle, du Chatterton. Chatterton, des clous. Ouais, des clous. Une vis. En plaisante, bien sûr. Ah ouais, l'horreur. Encore des problèmes. Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est Jean-Jacques Gourdin, on nous dit. Pas mal. C'est qui qui envoyait ça? Phoenix. Ouais. Merci à toi, Phoenix. Ouais, parce qu'en fait, lui, il veut pas qu'elle soit assise. Il veut qu'elle soit allongée. Parce que bon, assise, forcément, là, il reste dedans. Ah bah oui. Mais et d'ailleurs, il comprend pas parce qu'il l'a fait avec d'autres femmes. Elle s'expulsait pas, mais elle expulse à chaque fois. Ça rentre et ça sort. Vous sentez avec Jean-Jacques, le mec, il vous ligote et il vous enfonce un vibro. Non, mais dessus. Elle est contente, elle. Hein. Bah, j'espère. Mais le problème, c'est que même elle est mécontente que ça ressorte, quoi. Tu vois, ça doit appuyer, c'est trop serré, ça. Bah ouais, faut peut-être prendre Marie, toi, quand ça rentre. Ah ouais, le père dedans, alors. non. Bah, merde, évidemment. Attends, je lui en sors par la bouche. Non, sinon, il a qu'à la mettre la tête à l'envers. Comme ça reste. Ah, ça, c'est pas con. Pas con. Pas ouais, con. Mais lui, tout ce qu'il préfère, c'est qu'elle soit allongée. Donc, bon, il fait chier aussi, bah, père Jean-Jacques. Donc, c'est Jean-Jacques, problème du mois numéro 3, BDSM, le vibro. le vibro. Ouais, c'est ça. Le vibro qui ressort tout ouais, seul. Voilà. Le vibro qui ressort tout seul avec le ligotage sur la table. Magnifique. On passe au premier mot numéro 4. Le numéro 4, c'est Soraya. Oui. 29 ans, de Soissons. Et elle adore le milking porn. Ah ouais, dégoûté ça. Ça je vous garantis, il est immonde celui-ci. Alors, elle en fait bon, c'est les vidéos, c'est en gros les meufs, elles ont des pompes à lait quoi, elles se tirent le lait sur les vidéos. C'est horrible. Où il y a des vidéos même, il y a des mecs tu sais qui bouffent le lait de la meuf quoi. Bon. Mais tout à l'heure, il y a un auditeur, il a envoyé un message, il est allé voir des vidéos du coup, apparemment c'est pas si gore que ça. C'est, ça reste soft parce qu'en fait elles font juste des faciales avec, tu vois. Ah non mais c'est non mais elles se font pas baiser en même temps. Ouais mais même je préfère limite la baiser moi, tu vois. Je laisse tomber la faciale, allez. Ah non mais moi ça me dégoûte. Bah, c'est comestible. Ah non mais imagine t'es en train de la baiser, elle gicle des nichons. Ouais, elle fait des faciales quoi. Oh merde, change de faciale. Dans l'œil, merci. Ah moi j'y mets un bout de scotch. Hein. Je mets les doigts dessus. Le scotch est très utile. C'est un poids de. Non mais tu sais je mets les doigts comme quand il y a une fuite chez toi. Tu mets les doigts sur le trou. Marie, t'as déjà goûté ton lait? Oh. Non mais j'ai pas eu de lait moi. J'ai pas. J'ai eu du lait. T'es une femme. Non mais j'ai pas allaité. Mais alors. Bah, j'ai pas allaité. Mais t'en as jamais sorti? Mais t'as déjà eu un gamin? Ouais, si j'avais eu, ouais, j'avais eu un truc, mais non, c'était pas vraiment du lait, quoi. C'était du sperme. Oh. Ah non, mais. C'est bizarre, j'avais tellement avalé de sperme dans toute ma vie qui ressortait par mes seins. Non, non, mais moi, tu sais, en fait, quand t'allaites pas, en fait, on te donne un petit médicament pour stopper le lait. Ce qui est pas plus mal, ouais. Mais en revanche, j'ai une copine, ouais, qui avait allaité et son mec avait goûté. Et une fois à dîner, il nous a raconté, il paraît que c'est ignoble. Ouais. Ouais. Il paraît que c'est ignoble à boire. Ouais, mais t'as vu la couleur déjà? Non, j'ai pas goûté. On dirait pas du lait en fait. Ouais, c'est bizarre. Eh, mais on dirait du sperme, sans déconner. C'est jaune. Ouais, c'est très bizarre. C'est blanc. Si, si, c'est un peu jaunâtre. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est dégueu quoi. Ouais, bon, à la suite, bah, après, c'est dégueu, mais c'est la vie. Bah oui, c'est la vie. Bah attends, oui, mais attends, j'ai pas fini celui-là. Ah, c'est pas fini? Bah non, mais elle regarde des vidéos, c'est pas ça le problème du mois, hein. Ah, je c'est qu'en fait, elle veut. Bon, elle n'a pas eu d'enfant, mais elle aimerait réussir à avoir du lait pour éventuellement faire ça avec son mec. Très bien. Et elle aimerait trouver une solution. Bon, elle a acheté. Des médocs, hein. Elle a acheté une tireuse à lait. Elle s'est fait mal parce que bon, elle a forcé. Elle voulait absolument que ça sorte. Ça n'est jamais sorti. Mais c'est normal. Elle aimerait trouver une solution pour arriver à produire du lait sans avoir fait d'enfant et faire un jeu sexuel avec son mec. Ah bah moi, je préférerais. Je serais son mec. Je préfère autant qu'il n'arrive pas. Il y a un médicament parce que tu le prends quand. C'est un truc que les hommes ils prennent quand ils sont fatigués et chez les femmes en fait c'est un truc qui déclenche le lait tu vois parce que mon médecin m'avait déjà expliqué ça. Donc parce qu'il en a donné à Samy. Non mais justement c'est marrant parce que pour les hommes c'est rien à voir l'effet mais en fait comme ça joue sur les hormones pour les femmes ça leur fait sortir. Ah j'ai rempli des briques de lait. Oh, venez me téter les seins. Ouais, tétrabrique de chez tétrapac. Tête-moi les seins. Tu prends ça quand tu as la mononucléose même si tu veux savoir. Ah d'accord. Ouais, pour la fatigue et tout. Et putain il faudrait que je demande à mon pote parce que j'ai un pote qui l'a eu la mononucléose. Mon pote gros porc je vais lui envoyer un message tiens. Très bien. Demande à ton ex aussi qui avait la mononucléose au bado. Ah putain, si elle prenait les cachets, par contre, ça lui a fait sortir le lait du coup. Et le numéro 5. Alors, c'est Laura de la Creuse. Elle a écrit au forum Pure Voyance sur rubrique sexualité. Oui. Bon, alors, elle jouit du cul. Elle jouit par le cul d'ailleurs. Ouais. Pénétration anale. Mais alors, ce qui lui semble bizarre, c'est qu'elle a un espèce de mucus, un espèce de liquide épais qui lui sort du cul. Quel est son prénom déjà? C'est Laura. Laura et son mucus. Qui lui sort du cul. Très bien. Alors, avec les doigts, c'est sale, Laura. Avec les doigts, il y a du mucus. Avec les godes, il y a du mucus. Avec la bite de son bête, dont mec, il y a du mucus. Mais c'est pas du caca, hein. C'est du mucus. C'est c'est du mucus quoi. Tu sais ce que c'est du mucus, Karim? C'est comme je sais pas comment t'expliquer, de la salive qui sort du fion un peu, non? Oui. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme la gougoute. En fait, elle mouille du cul. Ouais, c'est ça, elle mouille du cul. Et bon, ça lui pose des problèmes. Elle, ça la met très très mal à l'aise. Elle se demande si c'est normal ou s'il y a moyen de stopper le mucus. Bah, arrête de te faire reculer, ma chérie. Bah non, mais elle aime ça. C'est vrai. Marie, t'as jamais eu de mucus? Ah non, j'ai jamais eu ce truc-là, non. Vous en voulez? Non, mais t'as jamais. Je muc. Si, quand tu transpires. L'anus. Bah, quand tu transpires, quand tu cours. Ah, j'adore. Ouais. Quand tu cours. Mais sointer de l'anus, non. J'ai ma fesse qui glisse contre ma fesse droite, contre ma fesse gauche. Ah, tout le monde. C'est génial. Oui, c'est super. Ah, c'est... voilà donc pour les 5 problèmes du mois. À vous de choisir. À vous de choisir. choisir le temps d'écouter Let Me Love You. Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber. Donc les 5 problèmes du mois, il y a Sean. Sean qui a reconnu son mec sur une vidéo. D'ailleurs, si vous avez reconnu des gens que vous connaissez sur des vidéos, n'hésitez pas à nous dire. C'est problème du mois numéro 1. Le problème du mois numéro 2, Jonathan. Addiction à la branlette plus porno. Pas mal lui aussi. Le 3, c'est Jean-Jacques Gourdin ou alors Jean-Jacques Godman. Je ne sais pas. Le BDSM avec le vibro qui sort tout seul de sa femme. Et ça, ça le dérange. Il veut le fixer, lui. Ça le dérange. Et le 4, c'est Soraya, le minking porn. Ouais, et le 5, ça. Laura et son mucus. À vous de choisir. Le mucus de cul. 5-9. C'est le mucus. Lequel vous prenez? Vous moi, je vais prendre le mucus. Tu prends le mucus, Romano. Le 5 pour Romano. Tu prends lequel, Marie? Putain, je sais pas. 41-759, appli, vous laissez vos messages. Samy, tu prends moi, je prends le Milky Way, là. Le Milky Porn. Ah, ouais, ou alors l'autre avec son god qui ressort de la chatte tout seul. Donc, c'est le 4, le Milky Porn. Le 3 pour la Marie? Ouais, peut-être le 3, ouais. Le 3, Jean-Jacques et le BDSM. Ouais, avec c'est ça. Le truc qui moi, j'hésite entre le lait et le mucus. Moi, je prends. Prends les deux, ça fait un cocktail. Ça fait c'est vrai, on n'a pas pensé. Le Milky Mucus. Moi, je prends le super branleur à la branlette, là. Le super branleur avec les pornos. Ah, ouais, ok, lui qui se branle continuellement, là, ouais. Ou alors l'autre avec son mec sur une vidéo. Le 1 ou le 2 pour moi, à vous de voter, c'est vous qui faites la différence. Je prends le lait pour Blue. Oh, Blue, arrête. Le 4 pour le poteau. Le 4, c'est encore le milking porn. Le 5 pour la Dessy. Le 1. Et puis, vos messages, les comptes, on les fait dans un instant, juste après DJ Snake et Justin Bieber. Et la réponse à notre grand jeu foot avec FIFA 17 à gagner. Le petit surnom de Grizzly, on y revient. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Je suis dans ma paranoïa. Après Maître Gims, Maître Gims, et Soprano, c'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. Jul, c'est Jul en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Et écoute Skyrock toute la journée. Ouais, et envoie roulette par SMS au 72020 pour gagner Jul en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je suis pas le brigandé. 200 places de concert Jul sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock, premier sur le rap de Jul. 65 centimes plus coût du SMS. Eh oh, eh oh, tu m'entends de l'autre côté du poste? Fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Kanye West. Your love is fading, baby, I feel it. Son nouveau single, Fade. Hold up, hold up. Pour, I feel it. I love the, I wanna, I'm trying to feel. Kanye West, album et single disponible uniquement en digital. D-Fool, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Problème du mois, et quel est le problème du mois qu'on va faire ce soir? Réponse dans un instant sur Skyrock. Pour passer dans l'émission, c'est facile, 01 53 40 30 20, le 41 759 et l'appli Skyrock, allez-y. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Oh, no. cool. C'est comme si moi on me disait que j'ai un nez difforme. Non mais t'as le nez complètement déglingué. Romano. Non mais j'ai des remontées jaunes. C'est dans la bouche. Non. Cédric. Bon, Cédric, c'est quoi, d'abord? Non, quelqu'un de désopulent, c'est quelqu'un de déconcertant, par exemple. Marie. Oh, le vrai, allez, hop. Samy. C'est un Parisien, lui, c'est pour ça. Ouais, Samy, excuse-moi, Samy. T'inquiète, mon pote. Et Karim. Cédric, tu sais nager? Ouais. Bah, normal pour un ton. Ça, c'est pas mal, ça. Deepfool Radio Libre, 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Ouais, Alonso a écouté. Deepfool, Florida a écouté aussi avant minuit. C'est sur Skyrock et on finira avec Booba. Tiens, on se mettra Booba en fin d'émission, le nouveau Booba. Décaire. Ah, non, bah, je dis Romano. Alors, je disais Décaire, mais non, c'est Décaire. Décaire. Black et Décaire. Ouais. Nouveau Booba. Tiens, en parlant de Booba, vous avez vu en Floride la tempête, là? Ouais, Machu. Ah, bah, ouais. Il est en Haïti, il y a eu 130 morts en Haïti, je crois. Ah ouais, ouais. Terrible, terrible cette tempête. Ah ouais, c'est Mathieu. On n'a pas ça en Mathieu, France, ouais. Hein, des tempêtes. Ah bah heureusement, quelle merde. Si, il y a parfois des petites tempêtes. Ouais, petites mais bon. Mais ça n'a rien à voir avec quoi que, Yasmine. Alors en France, ouais, il y avait quand même eu des villages, c'était quand l'année dernière, non? Ouais. Là où il y avait des espèces de tornades. Ouais, il y a eu les grosses tempêtes, mais c'était pas ce genre des. Oui, oui, après, c'est pas. Bon. Elle est à Miami, la tempête, l'ouragan Mathieu. Et moi, j'ai un pote à moi qui vit à Miami, tu vois, hier, il m'envoie un texto, et c'est marrant parce que là-bas, chaque année, il y a un ouragan. Et quand il y a un ouragan, la tradition, c'est tout le monde s'enferme et les gens ils font des soirées dans les villages, tu vois. Ça s'appelle les Hurricane Party. Et donc hier mon pote il m'a dit ouais, aux infos ils montrent tout le monde qui va faire les, tu sais, les réserves de packs d'eau et tout. Ouais. Mais en fait c'est pas ça. Tous les gens, comme il y a un ouragan qui arrive, ils vont faire le pack, ouais, la tease, tu vois. Et ils sont tous pleins d'alcool dans les maisons et ils font des teufs. En attendant que ça passe. Ouais, voilà, en attendant que ça passe. Les Hurricane Party. C'est les Hurricane Party, apparemment, c'est les meilleures soirées de l'année, quoi. Tu vois. Bon, non, mais c'est assez impressionnant avant les ouragans, parce que moi je l'ai vécu en Martinique et t'as plus rien. Tu sais, t'entends les crapauds, t'entends plein de trucs, plein d'animaux. Et, ouais, et d'un coup. Se planque, en fait. Et ils t'entendent plus rien, c'est très très impressionnant. Les animaux ils se taisent, ouais. Bah oui, ouais. Ils savent. Ils savent, ils sentent le truc arriver, ouais. C'est super impressionnant. Ça, tout c'est comme les vaches. Les vaches. Les vaches? Qu'est-ce qu'elles ont, les vaches? Non, mais tu sais que les vaches, elles se déplacent. Je sais plus ce que c'est exactement. Quoi, quand il y a l'orage qui arrive. Ouais, quand il y a l'orage, mais c'est impressionnant. Hein. Il y a l'orage qui arrive, les vaches se déplacent en masse à un endroit, et tu sais qu'il va y avoir de l'orage, ouais. Et tu peux être sûr qu'il va y avoir de l'orage, mais dans les 5-10 minutes. Sente le truc. Eh bien, merci Romano, ça sent que t'es né à la campagne. Ouais, non, mais parle de Miami. Quand il était petit, non, mais non, parce que Marie, elle parlait des animaux, tu vois, elle s'est planquée, et c'est vrai que ça, les vaches, c'est un truc, c'est impressionnant. Elles sentent arriver l'orage. Il y a Nage du 06 qui dit, il y a un an, il y a eu des inondations à Cannes, ouais, sur toute la côte d'Azur même. Aussi, ouais. C'est chaud de dire qu'un an après ça arrive qu'ailleurs. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir avec les ouragans des États-Unis. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand tu l'as vécu et que t'as tout perdu, même les petites tornades qu'il y a eu en France, bon, tu ne dis pas ouais aux États-Unis. Non, c'est peut-être dans les résultats, c'est la même chose. Mais Deepfool, il parlait par rapport aux morts et aux ah oui, ouragans, non, mais c'est clair. Non, puis là, il y a le vent, il y a la, c'est une tempête. Ah, bah, ah oui, oui. C'est un ouragan. T'as des vents à 200 km/h. C'est ça. C'est un ouragan. Ça arrache des maisons. Quoi. Ça arrache des maisons. Tes maisons qui s'envolent. Il y a beaucoup aux États-Unis, dans le centre des États-Unis. Ouais, centre et là sur la côte est, dans les Caraïbes. Ça, ouais, c'est une les Caraïbes, évidemment. Ouais. Et là, c'est la saison. Là, ouais. Bon, bah écoutez, si vous nous écoutez loin, ou si vous avez des amis en Haïti, notamment, on y pense. Et puis, donc ça arrive à Miami, là, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bon, on écoutera Booba quand même. Je sais pas s'il est à Miami, Booba, actuellement. Vous êtes planqué chez lui. Il est en France. Bon courage, Booba. Allez, le son de Booba sur Skyrock. Et écoutez. Peut-être un Hurricane Party. Peut-être une Hurricane Party, c'est possible. Donc, du Booba, on finira l'émission avec. Et puis, la réponse à notre jeu foot. J'ai lancé un jeu foot il y a une demi-heure pour FIFA 17. Kevin, il est avec nous en direct du 78. Salut, Kevin. Bonjour Deepfool, salut toute l'équipe. Salut Kevin. Ouais Kevin. T'as 16 ans, ouais, t'es dans le 7-8 et tu as la bonne réponse. La question footballistique que je vous ai posée tout à l'heure était, la même que ce matin en fait. C'était pour voir si vous étiez, il y a du monde qui écoutait ce matin, si vous étiez bien à l'écoute, si vous avez bien retenu. Comment la femme d'Antoine Griezmann, autrement dit Erika, surnomme notre Grizzy? Alors il y a plein qui ont dit Grizzy. Eh non. Bah, non. Ouais, non. Mais pareil ce matin le truc était le plus revenu et je crois que c'est pareil. Grizzou. Ouais c'est Grizzou, mais pas du tout. Non. La bonne réponse est Mon petit gros. Ah, ce que je disais tout à l'heure, ça, à la base, ça n'a aucun rapport avec lui. Parce qu'il est pas petit et gros. On a fait une supposition ce matin dans le morning. On pense que c'est son zizi. Qui est petit et gros. Voilà. Ah, merde. Et c'est pour ça qu'elle l'appelle mon petit gros. Je pense que c'est quoi. Je pense que Griezmann, il est un peu boudiné. Tu sais, pas gros, mais c'est boudiné. Ouais, tu sais, je crois un peu. Il a un peu une petite brioche. Il a l'air quand même. Ouais, ou alors, si c'est pas qu'elle était plus jeune, s'ils se connaissent depuis quand il était plus super jeune, longtemps. Si vous savez d'où ça vient, ou Grizzy, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous envoyer un message ou à nous appeler, tu nous diras. Il doit avoir un petit pli, un petit bourrelet. Ou c'est un truc à la con, tu vois. J'ai vu Torsu, mais j'ai pas regardé s'il était boudiné ou pas. Je pense pas, c'est vrai, il faut pas que les footballeurs. Ouais, mais il y en a toujours, quoi. Pas tous, hein. Ouais. Non mais c'est vrai que t'as pas tort Samy parce que Griezmann c'est vrai qu'il m'a l'air d'être un peu boudiné, ouais. Un petit gros. Pas balèze. Vous avez une photo de Griezmann torse nu, envoyez-nous, on va regarder si ça vient de là. S'il a un bourrelet ou pas. Bon bah Kevin, tu viens de gagner ton FIFA 17 qu'on va t'envoyer. Bravo Kevin. Bravo Kevin. T'es content? Ah, elle est contente. Mais là, même si j'ai pas la PS4 Xbox, j'ai la PS1 et la 2. Ah, comment tu vas faire? Non, vas... ça va. Bah, tu veux un IO à la place? Non, ça va, je prends le jeu. Tu prends le jeu? Va leur vendre, salopard. Hein. Ah. Il va leur filer à des potes demain, il va faire du deal dans, ouais, dans la cour du monde. Il va le louer, tu sais. Ouais. Bah, non, je suis content déjà de gagner. Eh ben, c'est bien, bravo à toi, c'est Kevin. Cool. FIFA 17 merci. À choper tous les soirs dans la radio libre entre 21h. Ouais, il est pas vraiment gros, hein, je suis en train. Non, ouais, moi j'ai trouvé une photo maigre. Sur la plage. Ouais, bah, c'est gros, ouais, c'est difficile. Non, il est pas gros, non. Non, pas du tout. Non, il est barré. Moi, je pense que c'est peut-être un à la con. Moi, c'est ma meuf, elle m'appelle Glougloute. Glougloute. C'est vrai. Il y a aucun rapport, tu vois. Glougloute. Et moi, Cariole, c'est Zizine. Zizine. Parce qu'elle a un gros clitoris. Non, pas du tout. Un gros zizine. Elle a un clitoris comme un zizi. Gros zizine. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre, ça vient d'où ce truc. Bah ouais. Les petits surnoms à la con. Si vous avez un petit surnom mignon avec vos chéris, d'ailleurs, dites-nous, c'est marrant, ça fait toujours rigoler les petits surnoms. Moi, il m'appelle grosse pute. Oh, c'est bizarre. C'est vraiment affectueux. Ou alors espèce de salope. J'adore. Je préfère grosse pute. Moi, c'est classique, moi. C'est quoi, toi, Marie? On s'appelle mon amour. Moi, c'est amore, c'est pareil, tu vois. Ouais, bah voilà. Ouais. Ah, Marie, c'est vrai qu'elle aime bien les phrases comme mon bébé d'amour. Non, mais j'appelle amour. Ouais, mon amour. Amour. Ah, Griezmann, on devrait l'appeler gros cul. Pourquoi tu dis ça? Ah ouais. Il a dit d'ailleurs qu'il avait un cul rebondi parce qu'il avait un cul de portugais, Griezmann. Parce qu'il a de la famille qui était portugaise. Ah, ça vient peut-être de là, alors. Ouais. Alors, petit gros. Bah, j'écoutais, peut-être je sais qu'il pas. A un gros cul. C'est son petit surnom. En tout cas, un petit surnom qui te rapporte un beau cadeau. FIFA 17. C'est parti, Kevin. On t'envoie ça à la maison. Dans 7-8. Encore merci, Diffoul. De rien, Kevin. J'aurais juste deux petites questions avant. Vas-y, pose. Ouais. Alors, bah, en fait, bah, déjà, en premier, c'était pour dire, Cédric, il s'est rétabli, on est content. T'as vu, il nous a donné des bonnes nouvelles tout à l'heure. Le premier truc qu'on lui a demandé, je vous rappelle qu'il a quand même une clavicule cassée depuis un mois. Quatre côtes cassées depuis un mois. On lui demande comment ça va. Il nous fait, wallah, je suis content, je suis un peu moins mou. Ouais, c'est vrai. Ouais. Wallah, j'ai presque plus de diarrhée. Voilà, je suis plus mieux. Donc voilà, donc sa clavicule, il s'en fout, c'est son trou du cul qui l'intéresse. Ouais. Donc oui, Cédric va bien. Alors, mieux en tout cas. Mieux. Ouais. Et après, le deuxième truc, c'était pour savoir si en fait, mais il y a toujours des iPhones à gagner dans le morning. Bien sûr. Demain matin à 7h20 et à 8h20, il y aura DJ Roro d'ailleurs. Demain, on va tester nos connaissances musicales, ouais, avec le grand DJ Roro. DJ international. Bah, grand, 1m54, mais grand DJ. Hein. Ouais. Donc demain, ouais, il y a toujours l'iPhone 7 là. Toujours. D'accord. Et la PS4 aussi. Si t'as pas de PS4, à 6h20, demain on offre la PS4 Slim. Ouais. D'accord, je vais tenter. Bah oui, vas-y, pas de soucis. Fera l'invité mystère demain à 6h20. Tiens, je vous le dis d'avance. Petite exclue pour vous, les auditeurs de la Radio Libre. Demain matin, 6h20, invité mystère à découvrir. Ah. Et en plus, ça aura peut-être un rapport avec ce qu'on est en train de dire actuellement, mais vous verrez bien. Possible. C'est possible. Mm-hmm. Tout est possible. Et oui, demain. Bravo en tout cas, Kevin. Alors, merci, Diffoul. Bonne nuit. Salut, Kevin. Bonne nuit. Et peut-être à demain matin, alors. Et à demain matin, ouais. Peut-être, hein, j'ai tenté. Bah, vas-y, essaye, hein. Salut, Kevin. Ciao. Salut. Ciao. Il y a Zach qui est au téléphone avec nous, qu'on va prendre tout de suite. Et juste après, je vous donne les résultats du problème du mois. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez voté? Bah, j'espère. On est en train de compter. On va voir quel problème du mois vous avez choisi en ce jeudi soir. Et derrière, on s'en occupe. Hein. Oui. Alors, Zach, il est où? Zach à Lyon et t'as 21 ans. Salut, Zach. Salut, ça va? Ça va bien, salut, Zach. Lyonnais. Ouais, Zach. Et toi? Ça va, l'équipe? Bien. Yep. Ça va bien. Alors, nickel. Comment que ça se passe à Lyon? Ça se passe. Non, comment que c'est à Metz, Nancy. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas pareil, ah, putain, attendez, vous dites qu'il fait un peu froid, vous avez raison. Moi, ce matin, quand je suis venu à l'appart, ça caillait. Ah, mais grave. Je suis sorti en sweatshirt, tranquille, pépère, cool, le délire beau gosse. Et, et manteau. Une fois que je suis sorti, heureusement, il y a une capuche sur mon sweat. J'ai mis la capuche, j'ai dit putain. Et t'as couru? Demain, je viens en doudoune demain matin. Ça y est, c'est parti. C'est l'hiver. Ah ouais, mais là, et puis ça va baisser, là. Encore. Par exemple, en Bourgogne, chez mes parents, ça a gelé ce matin. Ce matin, au Puy-en-Velay, il faisait moins 1 degré en Haute-Loire, il faisait 0 ou 1 degré à Clermont-Ferrand. Non, mais souvent, en plus, il fait plus froid parce que les températures qu'il donne, c'est sous abri. Donc, souvent, en plein air, tu vas dans des coins de campagne, laisse tomber. Ça caille. Ah ouais, moi, je crois que mes parents, il y avait moins 3, moins 4, déjà. Et voilà, c'est ça, la Bourgogne. La Bourgogne dans le Morvan. C'est ça, la Morvelle. Le Morvan Dieu. Le Morvan Dieu, ça gèle. On se gèle. Alors Zach, dis-nous pourquoi tu nous appelles toi en direct de Lyon donc. Moi en fait j'avais comme projet d'être prof. Ah tu veux être prof toi? De quoi? Ouais, prof d'éco. Ah ouais, comme Valérie D'Amido. Ah ça y est, il est content. Personne n'a compris ma blague. Ouais, si Valérie D'Amido d'éco. Prof d'économie. Hey. C'est ça, d'économie. Ouais, bah oui. Ah bah Romano, ça devrait te plaire, ça. T'as fait économie d'ailleurs à l'école. Ouais, j'ai fait économie sociale. Ouais. Ah, tu as eu ton bac? J'ai niveau bac. Et ouais, donc tu veux faire prof d'éco. Pourquoi pas? T'as 21 ans, c'est... depuis tout petit, tu veux faire prof? Ouais, non, en fait. Parle bien dans ton téléphone, Zach. Ouais. Au début, j'aimais pas être prof. Enfin, j'aimais pas les profs. Ouais. Voilà quoi. Non, mais tu peux ne pas aimer les profs et avoir envie de devenir prof. Hein. Non, bah c'est ça, ouais. Et tu veux faire prof de quoi? Économie. Éco, on a dit. Toi, tu deviens de plus en plus comme Cédric. Hein. Gros, il y a 5 secondes. Non, mais c'est tu l'as dépassé dans sa bêtise. Sa place, c'est pire que Cédric, c'est ouf quand même. Ah, comment tu t'es donc complètement con. Sans déconner. Ah. En plus, tu rappelles la blague que j'ai faite, tout ça hein? Éco, Valérie Damido. Ah ouais, putain, ouais. Autant ouais. Pour moi, les gars. Il y a 10 secondes. C'est pas grave, c'est bon. c'est bien pour ceux qui viennent de se brancher juste à l'instant. Vous avez les blagues il y a 2 minutes grâce à Karine. Ah ouais, ouais. Ceux qui ont des problèmes de mémoire aussi. C'est bien. Donc, prof d'éco, pourquoi pas. Et alors, c'est quoi le problème, Zach? Faut faire des études. Combien il faut faire d'études pour faire prof d'éco? Ben là, faut passer le master. Là, je suis en licence, 3ème année. Ouais. 4-5 ans. Et master, c'est 2 ans, c'est ça? Non, 4 maintenant, master, non? 5? Non, c'est 2 ans. C'est 2 ans, master. Donc 3 plus 2, 5. Voilà, c'est ça. 2 ans. Ce que j'ai dit, 5. Ah oui, voilà. Bravo, Marie, elle a fait le calcul, c'est bien. Bac plus 4. 5. Bac plus 5. Putain, j'ai bien compté. 5, je t'ai dit. Ouais, bon, c'est 5 ans. Mais encore, c'est pas les plus longues. Hein, c'est, Bon, vous ne faites pas chier vos maths, là, on est en prof d'éco, là, maintenant. Bon. 4 euros. Et du coup, t'as changé d'avis? Non, et du coup, je voudrais juste avoir des avis, en fait, pour, je sais pas si, moi, je vais te dire un truc. Le seul truc qui m'intéresse, parce que bon, prof, c'est mal payé. Ah, le seul truc qui intéresse Romano, il allait dire, le seul truc qui m'intéresse, c'est l'argent. Bah, tu travailles, autant être bien payé, hein. Ouais. Après, on a les vacances et tout, c'est pour ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, le seul truc qui pourrait me faire prof, c'est les vacances. Parce que c'est clair que les vacances, c'est cool. 3 mois et demi par an. Ah ouais. Ça, c'est pas mal, hein, quand même. Ça, c'est le pied, ouais. Ça. Mais de toute façon, t'es déjà prof, Romano, toi. Ouais, mais moi, je suis dans une école privée, donc c'est un peu, je suis payé plus cher, toi. Ah, excuse-nous, ouais. Non, mais c'est vrai. Romano est prof de radio, je le rappelle. De diction, précisément. De diction, ouais. Et de diction. Surtout. Mais ils rigolent, les élèves, non? Non, mais je suis pas prof de diction. Ah bon? Je suis pas prof de. Ah non. Mais sous de ta gueule, des fois ils écoutent l'émission et ils disent le lendemain. Non, mais ils m'en parlent, oui, tu vois. Bah forcément, oui. Bah ils veulent faire ça, donc ils s'intéressent un minimum à la radio. Quoique, il y en a pas du tout d'ailleurs. Il y en a qui t'applaudissent quand t'arrives. Non, mais non, ouais, c'est genre, par exemple, ah, bravo, sûr. Oh, tes conseils pas chers ce matin. Ouais, d'honneur, non, mais il y en a qui m'en parlent. Quand tu gagnes le clash, bravo. Ouais, ça, ils m'en parlent. Si on me parle de Pamela aussi. Et quand tu te chies dessus, ils t'en parlent ou pas? Ah ouais. Non, à la terre courte, c'est pas pour... Dans le cours, on est sérieux, tu vois. Est-ce que t'as déjà appris des carnets à ceux qui les correspondent? Non. Ouais. Non, mais ça va, c'est pas des. Ils sont déjà grands quand même, hein. Tu vois, c'est des mecs. Ils sont grands et foutent le bordel. Et... Non, mais ça, ouais, mais ils sont payés, donc tu vois, c'est pas comme au lycée, genre, où il y a des mecs qui foutent le bordel. Non, mais là, qui s'en battent la race, mais ils viennent carrément pas. Et moi, je voulais te demander, est-ce qu'il y en a, ils ont des têtes de cons? Tu sais, tu les aimes, hop. Ça m'est arrivé certaines années, ouais. Non, mais je me souviens même plus de leur nom, tu vois. Mais ah putain, ça fait plaisir. Non, mais moi je leur dis. Non, mais c'est prochain que tu vas te tromper. Toi, t'es une tête de con, je te le dis tout de suite, je me souviendrai plus de ton nom, t'inquiète. Non, mais c'est même pas ça, c'est que j'ai un problème, je me souviens pas des prénoms. Je leur dis dès le début, je fais, ouais, ne le prenez pas mal, mais je fais, même à la fin de l'année, je ne connaîtrai toujours pas votre prénom, quoi. Mais ils le prennent pas mal, hein. Ouais, ok. C'est bien, machin. Viens là, toi. Et ouais, bidule, c'est super. Toi, je t'appellerai machin. Toi, tu seras bidule. Et toi, la connasse. Toi, t'es là-bas au fond. Et toi, l'enculé, le mec. Ah ouais, toi, là, enculé, toi. Non, mais il y en a, j'arrive à m'en souvenir. Mais tu vois, c'est rare. Donc, je leur dis, je les préviens. Je leur dis, ouais, le prenez pas mal, je m'en souviendrai pas. Et pourquoi tu te poses la question? C'est, t'as déjà fait 3 années, il te reste plus que 2 ans à faire. Pourquoi tu te poses la question de savoir s'il faut être prof ou pas? Bah, en fait, c'est surtout que je suis un petit peu, sous les nerfs, on va dire ça comme ça. Bah c'est bien, comme ça tu vas les mater. Énerveux. T'es fou, il va tabasser les élèves. Oh, ta gueule, déjà que ah, franchement, je dis moi, pour être prof dans le cursus scolaire, enfin normal, là, comme tu veux être, je pense qu'il faut vraiment que ce soit une vocation, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais faut être un peu vénère aussi, gros. Non, mais tu sais, t'as pas vraiment d'évolution de salaire possible de ouf. C'est fou. J'ai prêt à faire ça pendant 35 ans, par exemple, tu vois. Sauf que ouais, si bah, au moins, t'as un travail, tu sais que tu l'as à vie. Non, mais ouais, moi, je suis un peu de la vie de Samy. Tu sais, il y a des métiers, c'est comme infirmière, tu sais, c'est des vocations. Ouais, infirmière, tu peux faire grave d'oseille, tu vois. Tandis que prof, tu sais que ça va être bloqué un jour ou l'autre. Ouais, mais c'est des vocations. C'est un truc que t'as en toi, quoi. Après, tu peux donner des cours du soir, améliorer tes fins de mois, tout ça. Oui, tu peux faire des petits extras, mais... Tu vois, tu vas jamais, ta carrière va pas exploser. Tu vas pas devenir d'un coup directeur. Ouais, tu peux devenir directeur d'un lycée, prendre de l'oseille. Non, mais, ça va. Ouais, encore un directeur. Encore, voilà. Moi, je vois, j'ai mon beau-frère, il est prof de fac. Ouais, mais ça, c'est différent. Ouais, mais. Ah, fake me. Non, mais il a pas, par rapport, rapporté au nombre d'études, d'années d'études qu'il a fait et tout ça, et les concours, si pour être prof de fac, faut, tu passes des concours. Fake me. Faut arriver, tu sais, faut arriver dans les premiers, parce que sinon, en fait, tu n'as pas de place de prof. Ouais, tu sais, par rapport au nombre d'études. Ouais, mais c'est pas un salaire de ouf, hein. Je crois qu'il doit gagner 2500 ou 3000 euros par mois. De toute façon, tout ça, Zach, tu sais? Oui. Donc. Ouais, ça, faut être passionné, c'est clair. Il y a des évolutions de salaire de ouf, Samy, sache-le, message de Stevie Chassard. Par exemple. Ah ouais, pas dans le public. Si tu vas dans le privé, ça gagne entre 5000 et 15000 euros par mois. 5000, les profs, ils sont juste à 2000, les profs. Non, 15000, ouais, t'as des mecs qui viennent dans les facs, qui font des interventions en fac, ouais, ils prennent 15000, mais c'est des stars, tu vois, ce que je veux dire. Non, c'est, ce que nous dit Stevie. Et ça, c'est vrai, mais bon, c'est, faut que t'aies envie de faire ça. En fait, si t'es prof, français et que tu vas dans un lycée français à l'étranger, ah oui, là, ouais, le salaire il est majoré, il t'augmente, c'est, mais c'est normal parce que t'as l'éloignement, tout ça, t'as ouais, des prix d'éloignement, côté, mais après, est-ce que toi t'as envie d'aller enseigner à l'étranger, il faut être pris aussi, c'est pareil. Oui, aussi pareil, ouais. Bon, deux trois questions pour toi, Zach. Comment tu réagirais si par exemple, je sais pas, la classe, pendant que tu leur parles, ils t'écoutent pas, ils foutent le bordel, tu as dit que t'étais nerveux, tu ferais quoi? Au début, je commence à crier. Tu cries direct. Comment? Ah, j'insulte. Oh, après, non, peut-être pas, mais si, il y a moyen. Ouais. Si c'est vraiment violent, il y a moyen. Non, mais t'as raison, il faut se faire respecter. Non, mais il faut dire dès le départ, au premier cours, tu dis, vous me faites pas chier, parce que sinon ça va mal se passer. Quoi, je sais pas, non, tu passes direct pour une tête de con. Ouais. Ouais, je sais pas. Hein. Moi, j'ai discuté avec des profs. Non, mais de toute façon, moi, je pense que quand t'es prof et que t'as toute la classe, t'as beau avoir n'importe quelle autorité, et si t'as toute la classe qui se met à foutre le bordel, au bout d'un moment, tu ne peux plus. Non, mais il y a des profs qui ont plus d'autorité que d'autres. Moi, je sais que si j'étais prof, j'aurais une autorité naturelle, comme ça. Ah non, cool. Mais moi je pense que tu dis full, toi non, tu te ferais dépasser mais en 2-2. Pourquoi? Non, c'est sûr. Il a rien avec son drink. Ah mais non, mais t'es trop gentil, mais toi c'est évident, tu sais, en 10 minutes la classe, mais Ouais, parce que toi tu prends sur toi et au bout d'un moment Non, mais c'est même pas ça, mais c'est que de nature. Détrempe-toi, Romano. Non, mais de nature t'es trop gentil. Non, donc détrempe-toi, j'arriverai avec une batte de baseball. Ouais, bien sûr. Après, tu sais, ça dépend où t'es prof. Moi, je vois mon beau-frère qui est prof à la fac. Tu sais, là, fuck me. Oui, c'est ça. Marie, c'est tu sais, c'est des amphis de 300 personnes. Enfile-moi, oui. Ah, oui. Tu sais, quand ils commencent à foutre le bordel, tu sais, genre en début d'année. Allez, foutre, fuck me, enfile-moi. Tu sais, genre, ça va de mieux en mieux. Mais genre, il y en a, ils prennent les chaises, tu sais, genre, ils font du toboggan dans les escaliers. Ah ouais, cool, quand même. Eh ben, ils les laissent faire. Ouais, ils s'en balayent. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Non, mais là, comme il disait, de toute façon, tu ne peux rien faire. Bah, ils sont 300, gros. Tu sais, tu les laisses faire. Tu fais ton cours, gros. Et puis quand ils en ont marre, bah, ils s'arrêtent, et puis ils reprennent le cours. Ah, c'est ça. Et des fois, ils s'arrêtent pas. Je vais vous poser une petite question. On va préparer Pitbull et Florida, et puis on va. Allez. Une petite question pour toi, Zach. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Zach, déjà? Vous nous dites, enfin, prof, bien comme boulot, pas bien, ça vous brancherait ou ça vous brancherait pas. Mais surtout, si vous avez dans la famille quelqu'un qui est prof, dites-nous comment ça se passe. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'elle est heureuse ou il est heureux? C'est votre mère ou votre père? Moi, j'ai ma mère qui était prof. Ouais, et elle a kiffé. Ouais, parce que c'est bah, tant mieux, hein. Et puis, elle a la retraite depuis un petit moment, parce que de la retraite, c'était à 57 ans. Enfin bon, entre 55 et 60 ans, t'es à la retraite. Donc, déjà, t'as 3 mois et demi de vacances par an. Ouais, c'est normal. Non, 3 mois et demi, j'ai calculé. Déjà pas mal, deux mois d'été, 15 ouais, jours à Noël, 15 jours à Pâques, 15 jours à février, 15 jours à la Toussaint. Non, mais tu rentres un petit peu avant pour préparer des trucs. Ouais, il rentre un jour avant. Un jour seulement. Non, une semaine, les rentrées. Un jour. Putain, ma sœur en primaire, c'est une semaine avant les rentrées. Après, ça dépend peut-être des écoles. Ouais, les programmes. Bon, prof, il y a tous ces avantages. Bon, après, il faut corriger les copies du soir, oui, c'est pas que les. Alors, vous avez des profs dans votre entourage, peut-être vos profs, si vous en avez déjà discuté. Est-ce qu'ils ont l'air heureux? Est-ce que ça leur plaît leur boulot? Est-ce qu'ils trouvent qu'ils gagnent assez? Est-ce qu'ils s'éclatent? Est-ce que pour eux c'est une vocation? Est-ce qu'ils kiffent? Est-ce que c'est des gros cons? Enfin, vous nous dites absolument tout. Tu vois, j'avais mon prof d'éco, justement, d'économie. Valérie Damido. Ouais, voilà, exactement. Il a fait la dernière année l'année où j'ai passé le bac, où j'ai échoué lamentablement. Oui. L'année d'après. Tu as fait honte à ta famille. L'année d'après, lui, il est devenu prof dans un lycée français en Grèce. Le mec, il était trop heureux, quoi. On a vu, il y a des de l'oseille. J'ai eu des potes qui avaient des nouvelles, mais et puis lui il kiffait, tu vois, c'était un bon. Non, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait les élèves avec des filles, ma mère à l'école. Enfin, ou un mec de temps à autre, mais bon, il y avait, je sais pas, une classe de 25. Elle était quoi, filière couture ou un truc comme ça? Elle avait couture et organisation du travail. Donc, il y avait plein d'élèves qui venaient. Je me rappelle, elle venait, c'était rigolo. Il y avait plein de meufs à la maison, c'était cool. Ah, bah, l'autre, évidemment. Ah ouais? Pour les repas, tout ça. Ah ouais, c'est sûr. Bon, alors, dites-nous ce que vous en pensez. On vient avec toi, Zach, tu bouges pas? J'ai les résultats du problème du mois à vous donner. Vous avez voté. Alors, pour lequel vous avez voté? Ah. Ils sont où, mes résultats? Alors. Attends, je les ai perdus. Bordel. Ah ouais, je les ai vus arriver, mais. Moi aussi, je les ai vus arriver. J'ai posé quelque part et je sais pas où. Marie les a vus arriver. Là, t'es bien avancé, Nifoul. Ouais. Ils sont arrivés. Putain, je sais pas si j'en ai foutu. Ah, ils sont là. Voici donc les résultats du problème du mois avant d'écouter Pitbull et Florida. Dale, dale. Le problème du mois de ce soir. Alors. Voici ma liste. Ah, vous avez bien voté, ça fait plaisir. Merci pour tous les votes. Alors, ma liste, elle est là. Vous avez voté, oh là, seulement à 8%. Ah bah écoutez, 8% pour Jonathan. Non, je crois que c'était la tireuse de lait. Non, l'addiction, non, la lumière, la tireuse de lait. L'addiction à la branlette arrive 5e avec 8% des voix. Bon. Après, on a 14% des voix. Ah, je suis un peu déçu, les deux que j'ai choisis, ils n'ont pas marché. Sean, l'américain, qui a reconnu son mec sur une vidéo porno, 14%, il arrive 4e. Après, on a 17% pour l'autre et son milking porn. Ah, la tireuse à lait. Ouais, Soraya. C'était Soraya, ouais. Soraya, numéro 3, Marie. Numéro 2. Non, mais laisse faire du soul, Marie. Oui, oui, parce que je comprends pas les chiffres, tu sais, ça c'est. Jean-Jacques Gourdin. Jean-Jacques Gourdin, oui. Jean-Jacques Gourdin, 19% des voix. Oui. Ah, ça veut dire qu'il reste beaucoup, beaucoup de lui, pourcents. C'était le. L'addiction. Le bondage. L'addiction au BDSM. Ouais, c'est ça. Il ligote sa femme avec, et lui met le god, mais il sort, il est très énervé. Et 42% pour. Ouais, ça fait beaucoup, hein. 42% pour celui que vous avez choisi. Nous allons parler du mucus. Le mucus. Le mucus de Laura. Le mucus de cul. La lecture du problème du mois en live dans un instant sur Skyrock, sur le Facebook Live Skyrock FM. Et sur le Periscope Skyrock FM aussi. Juste après. Ça va être la folie. Pitbull et Florida que je vous avais promis. Florida, Pitbull. On pense à ceux qui sont en Floride là d'ailleurs. Hein, ouais. On parlait tout à l'heure. Bon courage. Florida, Pitbull. C'est parti. C'est Green Light. Pendant l'Euro, ils nous ont fait kiffer. Ils nous ont fait pleurer aussi. Et c'est fini. C'est fini. Portugal, champion d'Europe. Ils sont de retour. Vendredi soir au Stade de France. Match qualificatif pour la Coupe du Monde. France-Bulgarie. Bulgarie gagne tes places demain matin à 8h05 dans le Morning Daddy Fool sur Skyrock. De l'argent facile à gagner, une maison isolée et un occupant inoffensif. Il est aveugle. Mais dans les ténèbres, l'aveugle est roi. Maintenant, vous voyez ce que je vois. Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Don't Breathe, la maison des ténèbres, numéro 1 au box-office américain, actuellement au cinéma, avec Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Concert. Écoute, hoche, la tête s'y accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part. Sniper revient sur scène. Sur scène, ils ont choisi Skyrock. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. Sniper en concert avec Skyrock, 22 novembre, Zénith de Paris. Brûle, Babylone, brûle. Toutes les infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. L'année n'est pas finie. Non, moment au 71777. Des conseils, des idées pour bien aborder l'avenir. Envoyez moment, M-O-M-E-N-T, au 71777 et nos astrologues sauront vous guider vers la sérénité. Le meilleur des futurs, des réponses à vos questions. Moment au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Et c'est parti pour la radio libre avec le problème du mois qui arrive juste après Pitbull et Florida. Bah ouais, puis on se mettra à Alonso tout à l'heure. Allez, tranquille. Oui. Ici, tu peux tout dire et tu peux tout faire. What the fuck? 21h, minuit, la radio libre de Default sur Skyrock. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Florida and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. And you know what that means, that we can do anything, anything that you dream. I wanna make it ooh, ah, hear you scream. And I practice practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. I let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. She ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Serena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, smile out. Rally strike, send me 500, bye-bye. Wild out, shout out. Be high in the honeycomb, holla. Have a good time. Right now, right now. What you waiting for? You only got one life. Right. And we gon' live it up. So give me the green light. Let's go. Cause I'm ready. Take a shot, red light, green light. Give me everything you got. Sur Skyrock, c'était Green Lights et je salue Matt qui nous a laissé un message qui nous dit qu'il est en Floride. Matt, si on peut t'avoir au téléphone, c'est bien, laisse ton numéro de téléphone. Donc tu nous écoutes Florida. En Floride. Florida, on ira écouter Booba là tout à l'heure, avant minuit ou juste avant, ouais, en fin d'émission, on a dit quoi le passé. Ouais, du coup, on a Alonso à mettre aussi. Et du Alonso avant, et voilà. D-Fool, Radio Libre, what the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Tu m'as dit que tu avais une question intéressante à poser, Romano, une question super sur le foot. Ouais. Tu m'étonnes de plus en plus, tu es de plus en plus calé au niveau football. Hein, ça, vraiment, c'est bien. C'est un peu grâce à nous. Hein. C'est quoi ta question ? Ah oui, voilà, j'ai ma question. Alors, une question, ça sera dans quelques secondes. Préparez-vous, c'est une question pour gagner FIFA 17. J'avais promis qu'on en offrira un autre. Ouais. On va tenir nos promesses. FIFA 17, c'est moi gagner. Qui vous l'offre, le deuxième. Bah. Ah, tu le payes ? Non, bah non, sur le compte de Skyrock. Skyrock a bon dos et un bon compte, hein, surtout. Bah ouais. C'est gentil, Skyrock. Il s'inscrit combien de fois au 7-20-20 aujourd'hui ? Tu sais qu'il le fait pour de vrai ? Ouais, non, mais je m'inscris. Parce qu'il sait pas qu'il peut pas jouer. Bah, c'est pas. C'est marqué où ? Bah, dans ton contrat. T'as pas le droit de prendre des cadeaux des joueurs. Je crois pas que c'est marqué dans t'as mon contrat. T'as pas le droit de voler. Tu vas regarder, vous allez voir. Cette nuit, il va appeler ses avocats pour étudier le contrat pour voir si. Non, non, mais je sais le lire, hein, je vais voir. Il passe la journée à envoyer des messages au 7-20-20 avec son téléphone de fonction. Ouais, ouais, ouais. Payé par Skyrock. T'imagines si tu gagnes en plus. Donc 7-20-20, vous envoyez 1500 ouais. Hein, si vous voulez gagner 1500 euros demain matin, vous envoyez 1500 maintenant. Jour et nuit, vous pouvez l'envoyer. Ouais, ouais, ça fonctionne. Et demain matin, on vous appelle et vous gagnez 1500 euros. Où que vous soyez, c'est tombé dans des toilettes à Dijon. Ouais. Bravo ouais, les Dijonnais, bravo la Bourgogne. Chez les deux colocs là, on a eu deux colocs. Qui faisait caca. Qui écoutait, oui, qui faisait caca. Ouais. C'était Sofiane et Thomas. Ouais. Ouais, Sofiane et Thomas, vous salue les gars, bravo pour les 1500 euros. Salut les Dijonnais, ouais, cool, vive ouais. La Bourgogne. Faut répondre Skyrock. Les Bourguignons. Ouais. On va revenir au prof là, il y a Dante du 21 ans, du Finistère, qui nous dit j'ai mon frère dans l'éducation nationale pour les infos croustillantes, appelez-moi. Parfait. Arthur Fu, 17 ans, j'ai eu un prof en 4e qui n'était pas respecté dans mon collège. J'ai appris que l'année dernière, c'était suicidé. C'est horrible ces histoires. C'est pour ça qu'il faut pas traquer les gens. C'est l'horreur. Quand je sois des profs. C'est clair. clair. Ouais. Après, il y a des profs, t'as vraiment envie de les dégager parce que c'est des têtes de cons. Non, mais tiens, mais c'est pas eux qui se suicident, c'est pas les têtes de cons. Tiens, moi, j'avais un surveillant qu'on avait foutu à bout et qui était parti. Oui. Et après, il était devenu prof. Bah, il a fait 2 mois et puis il est parti aussi. Mais parti. Non, mais pas parti. Parti. Ah, d'accord. Parti en dépression. Ouais, le mec, il ne supportait pas. En fait, nous, on lui avait fait la misère, tu vois. Mais il y a plein de profs déprimés. Et après, derrière ça, il est parti faire prof. Non, mais en fait, tu sais, nous, nos surveillants, c'était des mecs qui étaient en études de. D'enseignement, enfin. Voilà, c'est ça, voilà. Pour en études d'enseignement. Ouais, en études pour devenir prof. Ouais. Ah, prof de prof. Et il faisait surveillant. Et lui, déjà surveillant, il a pas tenu le choc, tu vois. Tellement il faisait la misère, les mecs. J'avais des mecs dans le du bahut qui allaient la nuit, genre lui retourner le lit. Ah. Les mecs dans le même, ils se faisaient victimiser. Mais personne, bon, il ne vivait pas si mal que ça. Non. Ça l'est. La preuve, ça a duré 2 mois après. Bon, non, il s'est barré. Je crois que chez nous, il avait dû faire 6-7 mois. On avait su qu'un an après, il était devenu prof. Il avait été mis dans un collège, c'est vrai, un peu difficile. Et il a fait 2 mois, il a pas supporté. C'est ça. Après, il a arrêté sa carrière. Ouais. Zach, il veut devenir prof, futur prof, sera peut-être un de vos profs un jour, Zach. Mais Zach, tu veux faire prof quoi, collège, y a pas économie. Lycée ou fac? Moi, je préfère le lycée. Ah, fac me. Lycée, BTS. Fac me, le trou du cul. Ouais. Oh, bah, c'est pas mal, ouais, le lycée. Lycée, écoute, si c'est une vocation, si t'aimes ça, si t'aimes le contact, si t'aimes transmettre des trucs, c'est bien d'être prof. Ah, fais la fac, c'est mieux payé, tu vas moins souvent. Après, je sais pas si on aura Chacha Malo, elle a 18 ans, elle nous envoie un message, on va peut-être essayer de t'appeler Chacha Malo. Mon père a fait un burn-out. Burn-out, c'est quand on a ras-le-bol de bosser. Ouais. Parce qu'il enseignait à des bacs pro, il a failli taper un élève parce que l'élève lui avait lancé une gomme. Ouais, ton père était limite à ce moment-là. Il en pouvait plus. Hein. Il en pouvait plus. Et tu parlais de salaire, Romano, en disant que prof, c'était pas bien payé. C'est vrai que c'est moins de 2000 balles, prof. Non, mais c'est par rapport à ce qu'ils font, moi, je trouve que c'est mal payé. Pour 5 ans d'études, c'est pas beaucoup, hein. Non, mais c'est vrai, c'est ça qu'il faut calculer. Bah ouais, t'as 5 ans d'études, tu touches un SMIC amélioré. Mais je crois que c'est moins de 2000 balles, ouais. Quand 2000 balles, c'est une moyenne. Quand tu débutes, je crois que c'est 1005, 1007. Ouais, hein. C'est ça, c'est un SMIC amélioré. Bon, c'est un salaire, oui, mais c'est vrai comparé à 5 ans d'études. Ouais, c'est ça, tu t'es tapé quand même 5 ans d'études. Bon, t'en es à 3, va au bout. Moi, j'irai au bout à ta place, Zach. Après, tu fais ce que tu veux. Regarde, perso, ma mère est médecin spécialiste. C'est Coco34 qui nous dit ça. Elle a la vie des gens entre les mains. Elle a fait 12 ans d'études et elle gagne 2000 euros par mois. Ah ouais, ouais. Comme un prof. Ah ouais, c'est ça. Après, le boulot, il y a l'argent. C'est important d'en avoir plein. Le plus possible. Mais après, surtout important de faire un boulot que tu kiffes, quoi. Ah non, mais c'est ah oui, non, mais c'est vrai, ça c'est clair. Si tu kiffes vraiment ça. Sûrement, tu vas y aller quand même un paquet de temps dans ta vie. Et toi, t'es pas faible, hein. Tu nous as dit que t'étais un peu vénère, t'as du caractère. Ouais, mais je pense que je vais les tenir, mais je pense qu'ils vont avoir peur de moi. Bon, dans un instant, on va te présenter Jonathan, et puis on aura les autres réactions sur le 41-759. Ah, c'est sûr que prof, c'est une vocation, on doit pas faire ça pour l'argent, nous dit Soso, 24 ans. Salut à toi, Soso. Non, c'est clair, si t'as envie de faire du fric, faut pas devenir prof. Et Edmond qui envoie un message qui me fait rigoler, mais c'est pas drôle. J'ai travaillé à la Mutuelle de l'Éducation nationale et ils sont nombreux les profs à prendre des antidépresseurs. Ah oh, putain. Non, mais c'est vrai, hein. Si vous avez un prof tout mou le matin. C'est bon, on fait le problème du mois juste avant, Romano. Allez, c'est parti. Oui, le mucucus. Le mucucus du problème du mois pour ce jeudi soir. Là, on quitte un peu l'éducation nationale. Bah, c'est de l'éducation, le problème du mois. Bah, c'est plus de l'éducation anale. L'éducation anale pour Laura et son mucus. Laura de la Creuse. Laura de la Creuse. Elle est mucusée. Elle est mucusée du cus. Vous me filmez? Alors oui. On filme, en live sur Facebook Live. Et moi, je vais te snapper, man. Et sur Snap. Snapchat. Donc, vous allez, c'est Skyrock FM, le Snap de Skyrock. Ouais, et... ouais, mais de toute façon, tout est Skyrock FM. Tout. Snap, Instagram, Twitter, Facebook. Ouais. Difool.skyrock.com aussi. Ok. Vous pouvez y aller. Alors, le problème du mois. Eh bien, c'est parti, mon kiki. Lis-nous tout. Ouais. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Laura. Bonjour, Laura. Kikou, les boys and girls. Voilà, bah, elle doit être contente. Il y a quand même Mathieu de Lorbeau. Ah, bah ouais, attends. Salut les filles. Oui, il y a Cédric aussi. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Laura. Je suis de la Creuse. J'ai 25 ans et je me pose une question un peu bizarre. Vous est-il déjà arrivé de jouir lors d'une pénétration anale? Et ce, sans aucune autre forme de stimulation. Donc elle parle de pénétration anale à elle-même. Hein. Ouais, c'est ça. Mmh. Car c'est ce qui m'arrive régulièrement. C'est quand on se fait enculer, c'est pas qu'on encule. Oui, j'adore sodomiser. Et j'ai comme un orgasme anal. Elle adore se faire sodomiser. Oui, j'adore me faire... merde. Mais libyen aussi. Ouais, mais bon, putain. Mais t'oublies des mots. Prends ton propre libyen. C'est les mecs, quand ils font des discours, il n'y a pas un connard qui vient les interrompre. Ouais, déjà que j'ai du mal. Mais t'as été trompé. J'adore sodomiser, t'as dit. Non, j'adore me faire sodomiser. Ah, voilà. Et j'ai du mal à l'expliquer. Mais mal au cul, non? Mais je jouis de l'anus. Mais par contre, il y a un petit désagrément qui me pose quelques problèmes. Et là est le problème du mois. Je pratique le sexe anal avec mon copain depuis environ un an et demi, à raison d'une ou deux fois par semaine. C'est raisonnable. Je suis devenu totalement accro. Mais depuis quelques mois, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Quand je suis très excité à l'idée de me faire sodomiser, ou même pendant qu'il me sodomise, j'ai comme... T'as pas un chocolat chaud, Marie? Non, je n'ai pas ça, non. J'ai comme un mucus qui sort de mon anus. Oh. Mais c'est une poète, c'est joli. Un mucus qui sort de mon anus. Un genre de liquide visqueux. Oh. Mais pas forcément marron. Oh, contrairement à ce... C'est quoi, c'est jaune, vert? Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oh. Il est parfois un petit peu marron. Ah, quand même, quand même. Oh. Mais la plupart du temps, il est plutôt transparent et plutôt visqueux. Est-ce de la mouille de cul? De la mouille de cul. Je note de la mouille de cul. Tain, c'est dégueulasse. À mon avis, c'est ça. Mais vous savez, j'ai déjà vu des films de cul avec des meufs qui sont sodomisées et il y a du mucus. Alors, je sais pas si c'est le mec cool qui a joui un peu ou je sais pas, mais ça ressort, c'est un truc blanc. Il y a du mucus. Ça, bah, moi, peut-être, c'est pareil que Laura. Oh, putain. Il y a une demi-heure, Romano me demandait si je préférais sucer Cédric ou lui lécher le cul. Là, maintenant, on... Ah tiens, Karim, je t'ai pas demandé, parce que le mec, tout à l'heure, est parti chez une demi-heure. Oui. Est-ce que, alors, t'as le choix, t'es obligé. On te dit, tu vas mourir, mais t'as le choix pour ne pas mourir, soit de sucer Cédric et t'éjacule de la bouche, ou de lui bouffer le cul. Tu choisis quoi? Après, on te dira ce que l'équipe genre a fait. Genre maintenant, aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on est dans la classe ce aujourd'hui, soir. Je préfère le sucer et qu'il me crache dans la bouche. C'est pourquoi? Parce que là, il est malade du cul. Ouais, mais frère, si, mais il est tout le temps malade. Si, t'es pas malade. Il est jamais malade. Ouais, en même temps, il est toujours malade. Il est toujours malade du cul. Putain, c'est dur, hein, les gars. Bah, c'est comme Diffoul. Non, en fait. Mais tu sais quoi, je préfère lui lécher le cul, je crois. Ah ouais, bah, tu vois, nous, on prend la buccale, nous. C'est pas comme moi, ouais. Ah ouais, nous, avec Diffoul, on prend la buccale et Samy aussi, d'ailleurs. Non, finalement, je change d'avis, je suis d'accord avec Karim, moi. Ah ouais? Ah non. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, bon. Parce qu'en fait, si tu le lèches le cul, ça va être beaucoup plus rapide. Non, mais tu vas. Non, bah non, ça doit durer le même temps. Non, mais je rappelle, Cédric est précoce, donc tu le sais, c'est mon avis, en deux secondes, c'est passé. Ouais, mais ça passe aussi dans ta gorge, quoi. Ah bah, en deux secondes. Eh bah, oui. On présente les précoces. Moi, perso, ne m'a pas demandé, mais je prends les deux. Bien joué, Marie. Peu, Marie. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux nous proposer, Cédric? Yaourt à la fraise. Non, pas de yaourt. Non, laisse tomber. Ouais. On est déjà dans le mucus de cul. Là, bon, alors finissons avec le problème du mois. Oui. Est-ce de la mouille de cul? Ah. Je me demandais si j'étais normal. J'ai bien aperçu ça 2-3 fois dans des vidéos porno. Ah, elle aussi. Mais je n'ai jamais osé réellement en parler à mes copines ou même à des amis gays. Ah, t'imagines? Oh, les copines, salut les filles. Salut. Est-ce les que t'as filles. Salut les filles. Fais du mucus de cul. Ou alors avec des potes et des filles qui coulent les boys and girls. Fais du mucus. Mucus de cul ou pas? Qui coulent les boys and girls. En tout cas, c'est génial. Ah bah ça oui. C'est génial. Génial. C'est génial d'aimer autant la sodomie et de prendre autant de plaisir. Ah ouais, complètement amoché. J'ai remarqué que dernièrement, même avec un god, désormais, je produis du mucus. Ah. Et également, la dernière fois avec mes doigts, quand je les ai ressortis devant l'anus. Oh, dégueulasse! Une truie. Il y avait du mucus. C'est une truie, je te dis, Romano, avec son mucus. C'est une truie. Non, mais en même temps, bon, c'est visqueux et transparent. Ah, mais c'est ça, ouais. Je ne sais plus quoi faire. Y a-t-il une solution pour stopper ce mucus? Le bouchon qu'on a filé à Cédric tout à l'heure. Car mon mec, ça le dégoûte un peu. Ah bah tiens oui. Ah ouais. Et je dois bien qu'avouer que moi, ça me met un peu mal à l'aise. Je ne sais plus trop. C'est bizarre. Je ne sais plus trop quoi faire avec ce mucus. Aidez-moi, merci. Très bien. Eh bien, nous avons quelqu'un qui réagit déjà à ton problème du mois, Romano. Tu veux lancer un appel à ceux qui nous écoutent, à celles qui nous écoutent. Par exemple, si accrochez-vous, à mon avis, la question va être bien. Non, mais par exemple, si vous êtes un mec et que vous avez déjà sodomisé, dites-nous si vous avez remarqué la présence de ce mucus. Là, heureusement. Garçon ou fille, hein, que vous ayez sodomisé un garçon ou une fille, vous pouvez nous dire. Tous les trucs du cul sont acceptés. Ouais, ou même si vous vous caressez vous-même l'anus, est-ce que vous avez déjà produit. Toi, Romano qui te caresse l'anus. Ah non, j'ai pas. Ah, mais ça me dégoûterait d'avoir un truc. Bizarre, mais j'aurais l'impression d'avoir un truc, tu sais, une maladie, quoi. Ah, moi aussi, un espèce de. Tu sais, du pu qui sort du cul. Mais je crois qu'il y a Jules du 02 qui a du mucus, je vais Très bien, Jules. Je crois que je vais vomir. Attends, mais c'est trop. Justement, Romano, je t'achève maintenant. Il est là, il arrive avec son mucus. Allô Cédric. Ah, je suis là. Il est là. Mais tu fais du mucus? Bah évidemment. Non, mucus marron. Non. Mais si tu fais du mucus. Bah il pisse du cul déjà. Bah, qui brûle, mais j'ai fait pas de mucus. J'ai le cul qui brûle. Mais t'as déjà expliqué que t'avais des traces de pneus dans tes slips. Ah, mais c'est pas la même chose. Ah bah c'est peut-être le mucus qui sort comme ça, ça fait des traces. Ah, me dégoûte. Non, par contre, moi j'ai déjà fait genre un genre de mucus, mais pendant une gastro. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, tellement tu chies, t'as plus rien à chier, t'es, t'as comme de l'eau qui sort du cul, quoi. Attends, comme il est content, Cédric, il est là d'être derrière son téléphone. Ah, il est content, ça lui cheat. Non, mais ça vous est jamais arrivé. Non, mais celle-là, sur le coup, c'est médical. Ça vous est jamais arrivé. Non. Non, mais je sais pas si c'est du mucus, mais en tout cas, c'est comme de la flotte, tu sais. En fait, t'as plus, au bout d'un moment, t'as plus rien. Bah, il a forcément ça, Cédric, alors. Non, mais Marie, tu l'as jamais eu quand t'avais une gastro carabinée. Non, non, mais mucus, franchement, je vois non, pas. Non, mais pas du mucus, mais de l'eau qui sort du cul, tellement t'as de chier, t'as plus rien à chier. Non, quoi. Non. Non, Marie, non. T'as toujours de la matière non, qui sort. Non, quoi. Non, non. Je suis toujours pleine. Tu sais, Marie, au bout de 3 heures de chiasse, je suis pleine. J'ai encore des bouts. Ouais, non, ouais. Non, j'en ai pas le souvenir. Bon, on aura la réponse du problème du mois dans un instant. La réponse de, c'est qui répond à ça d'ailleurs? C'est un internaute, c'est Emric02. Emric02. Eh ben, on s'accroche et on aura la réponse avant minuit. Il est quoi, les minuit moins un quart? Avant minuit, réponse du problème du mois et vos réactions. Vous laissez vos messages, allez-y. Romain, des réseaux sociaux, tu fais du mucus, toi? Tu fais du mucus. Je suis sûr qu'il muque. Tu muques? Regarde, il sourit comme un porc. Non, tu muques pas. Toi, tu muques. Non, je ne muque pas, non. Tu muques pas. Mais t'es déjà tombé sur un cul mucuseux? Non. Mucusant? Non, mais c'était mon sperme, donc ça m'a convaincu. Ah oui, là, mais ça, c'est. Tu sais qu'à un moment donné, il faut qu'il ressorte, quoi, ouais. Ah, Cédric, elle vient de pousser un cri de jouissance. Ah, t'as kiffé, Cédric. J'arrive après, on va regarder si t'as du mucus. Ah ouais, ça va aller. Si. Ça va aller, peut-être je prends des risques. Mon pote, je te préviens, moi. Bon, t'as plutôt au premier étage. Je te préviens, Romain, je te vois en bas de chez moi, j'appelle la police. Hein. Attends, il y a un pervers qui rôde en bas de chez moi. Ouais, espèce de mytho, bah, tu le laisses monter. Voilà, premier étage, tout, ouais. Le digicode, c'est ça. Je t'attends. Bon, et l'affaire avec Jérém Star, on est toujours sur le coup, Cédric. Ouais, pas, t'inquiète. Ouais, ça avance. Ouais, on veut faire de Cédric une star. Il n'y a pas de star dans l'émission, ça casse les couilles. Donc, personne n'est allé dans le bain de Jérém Star, c'est quand même un truc de ouf. Donc Cédric, tu iras dans le bain de Jérém Star. Ouais, si je suis pas dispo, Samy, il ira à ma place, t'inquiète. Non, non, mais tous les deux, pas, si vous voulez. Laisse la place, t'inquiète, gros. Bon, oh, tranquille. La réponse du problème du mois, vos réactions sur le problème du mois dans un instant. Ouais. Et les profs. Alors, tu serais prof de quoi, Cédric, si t'étais prof, toi? Moi? Oui. Je sais pas, prof. De conduite, non? Auto-école, quoi. Ouais. Auto-école. Voilà, ou de self-control. Prof de cuisine. Prof de cuisine, magnifique, prof de cuisine. Tu les élèves. Tu les tues, les élèves. Ah ouais. T'imagines les odeurs dans la cuisine. Bah, dans la voiture, il les tue aussi, hein. Pas tous. Scène. Oh là là, je me suis garé avec ma mobilette. Ou de look, tu sais. Alors, on va revenir au prof, là, parce qu'on a qui au téléphone avec nous? Il y a Thibaut. Ah ouais, qui avait son père qui était prof, on va le prendre. Salut Thibaut. Salut. Salut à toi. Salut Thibaut. Est-ce que tu fais du mucus, Thibaut? Pas du tout. Tu fais pas de mucus, toi, Thibaut? Ah, non. Tu muques pas. Tu muques pas. Il y a Jonathan non. aussi. Alors, Jonathan, lui, il est prof. Les filles, ça va vous exciter. C'est un prof de sport qu'on a avec nous. Ah. Ouais, c'est ça. Depuis 5 ans, t'es prof de sport, Jonathan. Attends, non, ça dépend. Ouais, tu mets ça, quoi comme. Tu mets les petits shorts, là? Les petits shorts qui moulent? Non, ça, c'est à l'ancienne. Ça, non, mais fini, t'es pas un gros ringard, oui. Alors, on sait jamais. Sinon, c'est mort. Les élèves, ils t'allument. Bah, tu m'étonnes. Est-ce que t'as déjà des collègues qui se sont fait allumer par des élèves parce qu'ils avaient un look ringard? Ah, bah ouais, il y en a plein. Ah. Il y en a plein. Mais c'est quoi? C'est des vieux? Anciens. C'est des anciens. Ah, bah ouais. Mais t'en as qui ont ils ont un jogging et le jogging il leur monte et tu vois toute la forme des boules et tout, tu vois pratiquement leur bite. Ah, il y en a plus trop des comme ça, ça va, il y en a plus trop. Dommage. Marie adore. Ah non, le monde, moi j'en ai eu plein des comme ça. C'est sexy. Ah bah grave. Ah bah super sexy. Je les ai bandés pour voir leur zizi. Ah c'est génial. C'était génial. Rentrer dans la raie du cul, tu sais, derrière et tout, c'est super joli, ouais. Trop classe. C'est stylé. Ah ouais, à mort. Alors pour venir à Zach, c'est bien, dans l'émission on parle de tout, hein. Vous avez vu là, on est sur les profs, on était sur le mucucus. Oui, c'est ça. C'est bien, on a du foot encore et la question que tu vas nous poser, Romano, pour le jeu. Ouais, je l'ai. Tu l'as. Bon. Bah, comme vous voulez, hein. Tu veux le faire là? Allez, vas-y. Bon, alors vas-y, question foot. T'es branché foot, toi, en tant que prof de sport, Zach? Ah, pas Zach, excuse-moi, Jonathan. Je suis spécialiste foot au départ. Très bien. Tu sais que moi, j'avais un truc dans mon bahut. C'est dingue. En sport, on faisait jamais du foot. Ah ouais? Les profs, ils voulaient ça tout le temps. Moi. Mais est-ce que tu fais, toi, du foot? Non, on en fait pas beaucoup. Ouais, parce que vu, les ouais, profs, pas ça. Ouais. Mais est-ce que vous avez un programme établi, c'est-à-dire que pendant une année, admettons, quand t'es en seconde, tu dois leur faire faire, de l'endurance. Je déteste. Ah ouais, il y a des choix. T'as un programme à respecter et tout. Et il y a jamais le foot en fait. Moi, j'en faisais pourtant. En fait, c'est pas le foot. Moi, j'en faisais beaucoup même. ça fait partie des sports collectifs, tu peux le mettre après au programme, mais en fait les profs ils veulent pas le faire. Ah, c'était hand moi surtout le sport. Ouais, hand et puis basket voulez, aussi. Ouais, et ping pong aussi ouais. Ah, non, et ping pong aussi. C'est pas sport co ça. Si tu peux pas jouer à deux. Ouais, mais en double ouais. Ouais, trop compliqué en double. Ah, mais et l'endurance quand tu fais tourner tes élèves là, tu te planques dans les buissons pour voir s'ils se tirent, s'ils se planquent. Ah, tu connais les trucs. Non mais parce que moi c'est ce que je faisais moi en endurance. Non mais t'es complètement conne stade, Marie, ouais. C'est les élèves qui se planquent, c'est pas le prof. Bah oui, mais lui. Ouais, c'est mais je demandais non, mais je demandais justement si tu sais, Marie serait prof. Je me cache. On va jouer à cache-cache les amis. Mais t'es con, c'était juste bah non, c'est toi qui es conne. Je dis est-ce que tu penses tu connais les coins où ils peuvent se planquer justement tu les griller, c'était ça ma question. Bah, après, sur l'endurance, moi, c'était autour d'un stade, moi. Donc, quand tu fais de l'endurance, tu fais sur des terrains découverts. Bah ouais, ah ouais, non, mais non, mais déjà, c'est pas l'endurance, Marie, c'est le cross, voilà. Ah non. Les courses d'orientation. Bah, d'orientation, c'est un peu plus chaud, ouais. Ah bah oui. Non mais genre le cross, ouais là tu vas en dehors du bahut, tu les fais crapahuter ouais, genre dans la merde. Ouais, c'est dans ça. La boue, ouais, tu sais, tu fais quoi ouais. Mais moi je m'étais perdu une fois en faisant ça. Ouais, non mais sérieux ouais. Parce que nous on avait autour du bahut, il y avait des prés et tu sais il y avait du brouillard et en fait nous avec un pote on s'est fait distancer quoi et on voyait plus rien mais genre à un mètre. Et on rappelait que Romano a des toutes petites jambes, il court beaucoup moins vite. Il tapait les arbres Romano parce qu'il voyait rien. Non mais on s'est retrouvé dans un pré mais je me souviens on est tombé dans de la boue mais genre la boue jusqu'au comme du mucus. Ah ouais. Du mucus jusqu'au genou. Tu sais, on est rentré mais on est pas. Tu sais, on trouvait plus le chemin et on est rentré mais genre on était dégueulasse. Comme et merde. Le prof il nous a pourri, tu sais, c'est un ancien militaire et il fait vous étiez où encore les traînes-couilles. Et si vous avez des questions à poser à un prof de sport, on a un prof de sport avec nous, Jonathan donc du 38. T'es du côté de Grenoble toi Jonathan, ouais. C'est ça ? Ouais, pas Grenoble, plus près de Lyon, je suis en Nord-Isère. Non, ouais, très bien. Donc, Vienne, dans le coin. Donc, les questions pour toi. Juste avant, ouais, on parlait foot. Ah, tiens, justement. Question football pour gagner FIFA 17, le dernier de la soirée. Alors, attention, voici la question. Oui. Rapport, tiens, justement, équipe de France. Oui. Quel joueur de l'équipe de France s'est cassé le nez dernièrement? Qu'est-ce que c'est? Difool. Qu'est-ce que c'est cette question? Bah non, mais il est pas en équipe de France. Ah, t'es pas en équipe de France, Difool? Eh bien, si, j'y suis en équipe de France. En vétéran. Je suis. Je suis conseiller de Griezmann. Ok, d'accord. Conseiller ouais, cool. Quoi? Technique? Technique. Ah, d'accord. Technique, lui apprend à faire des dribbles et tout. Ouais, j'ai appris. Cool. Bon, en tout cas, c'était pas Difool la réponse. Quel joueur de l'équipe de France s'est cassé le nez dernièrement? Allez-y. Eh bien, on attend les réponses. Et au 41-759. Tu dois jouer, moi, enfin. Ah, bien sûr ouais. Que non. Bah, tu vas pas foutre les gens en l'air, j'espère. Tu connais pas la réponse? Bah, si, il doit connaître. Non, bah, alors tu joues pas. T'as dit 10 à jouer. Tu joues pas. À part l'équipe de France, il joue. Je joue à Paris. Ouais, bah alors tu joues pas, c'est confirmé. Merci. De rien. Monsieur le professeur. Allez, top 41-759 et appelez Skyrock pour laisser vos messages. Et skyrock.fm aussi. Ouais. Le premier ou la première, y gagne. Très bien. Bon, qu'est-ce que tu voulais lui dire à Zach? Zach qui veut devenir prof, lui c'est prof d'éco. Et. C'était surtout pour revenir parce que j'ai entendu, je crois que c'était Samy qui disait ça, les 5000 euros par mois, jamais de la vie. Hein. Non, c'est pas moi, justement. Non, c'est un message que je disais. C'est un message qu'on envoie à nous. Moi, je disais que c'était impossible. Non, mais il parlait pour les expats, ceux qui vont faire prof dans les pays étrangers. Ouais mais ça, même ça c'est bien payé. Ça, c'est bien payé, mais c'est des postes que tu que t'as jamais. Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est payé, mais tu l'as pas, c'est ça. Il y en a très peu. Ouais, c'est ça. En fait, t'as un poste, des fois, t'as 3-4 postes par an qui se découvrent et c'est même pas sur ta discipline, il y en a peut-être un et voilà, après, ouais. C'est là, c'est. Puis en général, ceux qui sont là-bas, ils veulent y rester, quoi. Bah ouais. En même temps, t'es prof à Tahiti ou dans un super pays, t'as pas trop. T'es payé plus. C'est pas pareil. Tahiti et tout, la Polynésie française et tout ça, ça se fait pas pareil parce que. Ouais, c'est pas l'étranger. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont mieux payés, tu crois, à Tahiti, par exemple? Je pense pas. Bah là, j'ai deux collègues qui sont partis cette année, là. À Tahiti? Si. Ils sont payés combien de plus? Bah, tu prends entre 3000 et 4000 euros par mois. Ah ouais, mais c'est plus cher là-bas. Parce que la ville est plus chère. Ouais, donc au final, c'est pareil, quoi. Ah, stylé. Voilà. Ouais, c'est ça, après, ouais. Donc, mais tu vis à Tahiti? Ouais. Ouais, t'as des primes d'éloignement et tout. En tout cas, si tu veux gagner plus de sous, bah déjà, tu vois, t'as un bon plan, Zach, quand tu seras prof. Ouais. C'est se tirer, ouais. Et travailler à Tahiti. Bah ouais, je pense, ça va être sympa, Tahiti, mais au bout d'un moment, tu vas te faire chier, hein, moi, je pense. Bon, t'as plusieurs îles. Ouais, te promener, quoi. Mais c'est 2 ans obligatoires. Bon, deux ans, ça va être sympa. Deux ans, cool. Tahiti, c'est sympa. Si vous nous écoutez à Tahiti, on vous salue. C'est ukulélé. Ouais, coucou tout le monde. Ukulélé. Je vous dis ukulélé à vous tous. Ukulélé. Et à vous toutes. Tiens, j'ai demandé si vous aviez des questions à poser à Jonathan, prof de sport, prof de PS. Il y a une question, moi. Une très bonne question de Eukekeuk. Bonjour à, ça me rappelle un T-Bug, Romano, Eukekeuk. Ah, c'est vrai, ouais. Bonjour à toi, Eukekeuk. Et il nous dit, Eukekeuk, à quoi ça sert de faire du cheval d'arçon? Très bonne question. Je me posais la même quand j'étais au Bahut. Ça faisait chier, ce truc, là. Alors. Bonne question. Moi, j'en ai jamais fait. Ah bah tu fais bien, c'était chiant ça. Oui, mais en soi, ce moment-là, tu pars de là, c'est à quoi de jouer au foot? Bah si, c'est bien, tu marques des buts. Ouais, sport collectif pour la cohésion d'équipe. Bah c'est, tu fais des figures. C'est différent, là, tu sautes pas sur un espèce de... Je te vois bien faire des figures. Bah, Romano n'avait pas de cheval d'arçon, c'était un poney. Si, un poney d'arçon. Non, j'avais un cheval d'arçon, et ça pareil, j'ai eu un problème. C'est que un jour, je vous avais déjà raconté, ça m'a traumatisé à vie du cheval d'arçon. Oui. J'ai sauté, donc il y avait l'espèce de trampoline devant là. Ouais, le petit, ouais. Ouais, le petit là, tu sais, en bois là, avec les sortes de merde. Là, j'ai sauté, là je me suis dressé à la verticale. Ouais. Je vois, à peu près. Les mains en bas, les jambes en l'air. Waouh! Et là, dur. Je devais un soleil. Non, je devais faire une lune, je crois que ça s'appelle. Ah, t'as fait une lune. Ah, c'est pas la même chose, ça c'est le saut de cheval. Ouais, saut de cheval, ouais. Ah ouais, t'as raison. Et du coup, là, il y a eu un problème. Mais quand j'étais à la verticale, mes mains ont glissé. Ah merde! Et c'est-à-dire que je me suis éclaté dans les matelas à la verticale. J'ai cru que je pétais la nuque et la colonne vertébrale. Je te jure, j'ai hurlé, j'ai pleuré. Et est-ce que t'as encore pleuré, oui? Ah non, j'ai pleuré. Ah ben non, mais j'ai pleuré. Mais ils sont durs, les matelas, en plus. Mais t'as passé ta jeunesse à pleurer. Ah non, mais ce truc-là, ça m'avait traumatisé. Je te jure, je m'y vois encore. J'étais à la verticale, je lui dis, ouais. Maîtrise ta jeunesse, toi. Maîtrise. Bram, dérapage. Bam, à la verticale, j'avais trop mal au cou, j'ai cru que je m'étais tout niqué. Mais t'as pas vu la blessure là du français pendant les jours là sur cette discipline? C'est si horrible. Ah, c'est si horrible. Putain, mais j'ai jamais vu une jambe. La jambe, coup de sac. Ah non, mais elle est carrément dans l'autre sens, on dirait que c'est un montage. Arrête. C'est horrible. Ah, mais j'en ferai jamais, tu vois. C'est horrible la blessure. Ce cheval, quelle merde. C'est dommage parce que t'avais l'air doué, Romano. Et en plus, au jour, il y a eu le. Non, mais avant, j'y arrivais pas mal, et ce jour-là, et derrière, j'ai plus voulu le faire. Une autre question, tiens, est-ce que les profs de sport se font draguer par les élèves? Il y a Nana qui nous dit, ma sœur, elle s'est tapée mon prof de sport. Du coup, je faisais rien et j'avais 18 de moyenne. Ah, il avait peur que je raconte aux copines. Moi, je suis en collège. Hein. Ah ouais, il vaut mieux que t'aies évite. Tu peux répondre à la question. Bon, ben. Il va éviter. C'est à moi que tu veuilles finir d'en faire entrer l'accusé. Ouais, non, ça ira, merci. Non, mais même, t'as jamais une élève qui. Une élève non, qui... mais par contre, ça peut toujours servir. On fait marcher un peu le charme pour essayer de faire marcher un peu. De faire marcher un peu, quoi. Non, mais ce que tu peux faire, par contre, c'est que tu peux niquer leur daronne. Ah non. On vient de les chercher à l'école. On l'a déjà eu, hein. Non, on l'a déjà eu dans l'émission, ça. Ouais. Très bien. Mon prof de sport, on a fait du foot pendant un an. C'est marrant, ça change, hein. Antoine qui nous laisse ce message. Après, les profs de PES, ils aiment pas trop faire du foot parce que généralement, il y a trop de différences de niveau. Ah, il y en a qui jouent bien et d'autres qui jouent comme des merdes. Ouais. C'est vrai que si tu fais une équipe avec moi et Romano, par exemple, t'as deux niveaux très très différents. Ouais, mais il y en a qui jouent comme des merdes et qui aiment bien le foot, hein. Non, mais je suis sûr. Dis foot, je t'ai jamais vu jouer au foot. Bah, demande à, je sais pas, des amis qui m'ont vu jouer au foot. Non, mais je pense que t'es claqué. Non, mais déjà, je suis sûr que tu joues pas, tu regardes. Karim, je joue bien au foot. Ah, mais parfaitement bien. Il est en billet de 50 euros. Il est en billet de 50 euros. T'es plus fort. Ça fait cher le mytho. Mais si, on t'a vu faire des buts dans les couloirs. Oui, bah oui, on a vu le résultat. Ah, tiens, il y a un ballon si tu veux. Dis fou, il claque les murs. On a un ballon, ouais. Bon. Eh ben, tu vois, sur le show de cheval, je suis pas le seul à avoir eu un accident. Piccolo FCGB. Salut Piccolo. Ah ben toi c'est encore pire que moi. Sur le saut de cheval, j'ai loupé le trampoline. Ah c'est con. Je me suis ramassé le bordel dans les côtes. Oh, résultat, deux côtes fissurées. Moi j'ai déjà un pote qui s'est pris le truc dans les couilles. Ah ouais. Il y a aussi. T'en as qui voit des trucs comme ça. Il y en a qui sont castrés toi aussi en faisant du cheval d'arçon ou d'autres trucs. Ouais, moi j'en ai un qui s'est mangé le mur, pareil en trampoline, ouais, qui est allé trop loin en fait, et il s'est mangé le mur. Dans la tête? Ah non, mais ouais. Mais moi, ils ont ouvert l'arcade, quoi. Ah, oui, mais t'as du flipper. Vous aviez genre barre fixe et barre parallèle? Ah, on se tape des bons coups de flip, ouais. Barre fixe, moi c'est pareil, il y a un mec, tu sais, il est tombé, en fait il se balançait à donf, et en fait, je sais pas, les mains elles ont lâché, et le mec il a volé, et quoi. Et bam, ouais. C'est qu'il a été à côté des tapis sur le sol du gym. Moi je m'en rappelle, en sport, il y avait un mec qui venait du bled, en fait, il était dans ma classe, il savait pas nager, Mskin. Et on avait piscine, et t'as le prof qui lui demande d'aller dans l'eau, et le mec il était pas bien, il voulait pas y aller, et le prof il l'a pris, il l'a jeté dans l'eau, gros. Oh, le pauvre. Il l'a jeté, le mec il arrivait pas à nager, dans l'eau, il galérait. Après le prof il a tendu, tu sais, la petite perche. Ah, les perches, là. Il lui a tendu ça, après il l'aidait à nager, gros. Ah, nous, il nous en mettait des coups sur la gueule, notre prof, nous. C'est la perche qu'on s'arrêtait, il prenait la perche à la piscine, claque sur la gueule. Bah, avant. Bah, ça, ouais. Bon, il y a Thibaut aussi. Alors toi, Thibaut, c'est ton père qui est prof ou qui était prof? Ouais, il était, ouais. Ah, Ah, en fait, il est prof, mais il a fait un burn-out. Il attaque sa dernière année de boulot. Ouais, pourquoi? Hein? La retraite. Pourquoi? Ouais, la retraite, ouais. Ah bah, il va être à la retraite, ouais. Il a été enseignant toute sa vie dans un collège. Et on va dire, c'est bon, le salaire, ça termine, on va dire, vers les 3000. On va dire, il y a un système de grades et d'échelons. Ouais. Donc au bout de 40 ans, t'arrives à 3000 euros. C'est ça. Il a été dans le public tout le temps, en fait. Dans le public tout le temps, ouais. Il a commencé comme surveillant, quoi. Et on va dire, j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, je suis allé le voir à la pause du midi, un petit peu avant. Et en rentrant dans le bâtiment, avant qu'il soit sécurisé, j'ouvre à peine la porte et j'entends quelqu'un gueuler dans tout le bâtiment, quoi. Ouais. Et en fait, c'était lui, quoi. Je le reconnaissais pas, quoi. C'est. Il était à bout de nerfs, ton père. Ouais, voilà. En fait, il y a un costume au boulot et un costume à la maison, quoi. C'est. C'est vraiment le. Ouais, bah lui, il est obligé d'avoir plus d'autorité. Ouais, ouais, normal. Pour tenir la classe. Tiens, une petite anecdote en passant. Heureusement qu'il n'était pas comme ça à la maison. Autrement, t'aurais morflé, toi. Il y a Morgan 27, là, rapport au sport, là. Pas mal. Ah, dégueulasse. J'en ai une pire en gym. Elle est mal retombée au bar parallèle. Elle s'est cassée les deux bras. Ça a fini le message. Un an de plâtre et 6 mois de rééducation. Pas mal. Pas mal. Et il y a Saed qui dit, j'ai eu le même accident que toi, Romano. Exactement pareil. Je croyais que ma colonne vertébrale était niquée. Non, mais ça m'a marqué mort de rire. Et moi, ça m'est arrivé plus petit. C'était à la plage, dans l'eau, tu sais, les trucs à la con. Tu portes quelqu'un sur tes épaules, pareil en face. Ouais, ouais. Et genre, tu sais, tu te pousses et tu tombes. Et moi, je sais pas comment je me suis démerdé. J'ai essayé de soulever quelqu'un de trop lourd et j'ai le dos qui s'est bloqué. Tu l'as lâché, non? Je te jure, non, mais j'arrivais plus à remonter. Quoi. Sous l'eau, quoi. Tu sais, j'ai essayé de soulever, j'ai fait. Le boulet, quoi. Non, mais tu sais pourquoi au cheval? Parce que ça aide, c'est la même chose, tu t'es pas assez poudré les mains. Poudrer. Non, mais tu sais, le truc là. Magnésie, ouais. Magnésie, si t'en mets pas, tu sais, s'il y a trop de mecs qui sont passés. Ça accroche pas, ça glisse. Ils ont, ils avaient appelé main moite, vu que le truc il est en cuir, ça glisse en deux-deux. Et ça, c'est pas mal. Il y a Toine, 19 ans, qui nous dit une fille en escalade, elle s'est arrachée les deux dents devant parce qu'elle avait pris la corde dans la bouche. Ah, c'est pas mal. Nous, ce qu'on faisait à l'escalade, c'est que tu te disais, ouais, fais ta sécurité, et le mec, on le lâchait. Ouais, pareil, ouais. C'est le grand saut. Mais qui sont cons. Bon, merci pour les témoignages. En tout cas, merci Thibaut. Merci, et puis bis à papa. Et puis, merci Jonathan, merci à toi Jonathan. Fais un petit dédicace, c'est possible ou pas? Vas-y, fais péter Jonathan le prof. Bah, je vais dédicacer quand même tous mes élèves du collège de Saint-Quentin-Falavier. Salut les élèves de Saint-Quentin-Falavier dans 38. Et tous mes potes du foot de la Verpillière, là, ils sont en train de boire. Ah, la Verpillière. Et bah, tu salues tout le monde. Bienvenue sur Skyrock, les gars. Ils font l'entraînement et ils se bourrent la gueule après. C'est ça. Salut, c'est des bons sportifs. Salut la Serpillière. Des vrais sportifs jusqu'au bout. Jusqu'à la troisième mi-temps. Et Zach, bah écoute Zach, moi je pense t'as fait 3 ans d'études, il t'en reste 2. Deviens prof. Vas-y, fonce. C'est bien. C'est quoi de t'arrêter maintenant? Bah ouais, t'as envie, profite. Hein. Bah, si t'as envie de. Ouais. Non mais et puis en plus si ça te plaît pas, bah tu feras autre chose. Hein, ouais. Et pour améliorer les fins de mois, tu te fais des cours particuliers, comme on a dit tout à l'heure. C'est mon idée géniale que j'ai eue. Ouais. Ça marche bien, ça. Ça te va, Zach? Ouais, je vais faire ça. Bon, tiens-nous au courant, merci en tout cas. L'équipe. Salut, Zach, raccroche pas. Et on vous envoie le t-shirt Skyrock à tous les trois. Et j'ai la réponse pour ton jeu à la con, Romano. Là, ah, mais non, mais c'est pas un jeu à la con parce que ça vaut FIFA 17 quand même. Oui, c'est vrai. Tu as posé une question, mais une question qui concerne le nez. Et moi, ça, j'aime pas. Quel joueur de l'équipe de France s'est cassé le nez dernièrement? Eh bien, Johan est en direct de Nîmes avec nous. Johan. Johan. Johan. Et toi, tu es serbe? Non. Johan. Ah, tout pas. Non. Parce que nous, on en a un qui est serbe ici, Johan. Johan. Ouais, je sais, c'est dédicace à lui. Eh bien, Johan, bienvenue à toi. T'es Nîmois en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, Johan, la bonne réponse, qui c'est qui s'est cassé le nez? C'est Matuidi. Matuidi Charo. Ouais, Matuidi Charo. Matuidi s'est cassé le nez, ouais. Il a fait comment? Au match face à, dans le match face à Toulouse. Ah, Toulouse. C'est ça, un joueur. C'est bien fait pour sa gueule. Parce que c'est un Parisien. Bien parlé, ça. Il a pu se casser les jambes. Ouais, c'est un putain d'enculé. Il fait faire refaire le nez. Sympa, Johan. On salue Blaise. Johan, tu viens de gagner FIFA 17 quand on voit à la maison, c'est parti. Bravo. Merci l'équipe. Salut Johan et bon FIFA 17, éclate-toi bien. Merci, et demain, des places de foot à gagner dans le morning. Et encore des FIFA 17 à gagner dans le morning, dans la radio libre. Demain soir, on est en direct. Demain matin aussi, évidemment. Et puis, dans un instant, une très bonne nouvelle pour ton problème du mois. Romano, elle fait du mucus. Oh, elle est délicieux. Elle muque. Délicieux, comme tu dis. Bon appétit, bien sûr. Elle s'appelle Anissa, je crois qu'elle est là. Allô, Anissa? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je crois que tu vas nous faire rêver. Tu es nommée Miss Mucus. Son mucus, il est particulier. Miss Mucus, ouais, c'est pas... particulier. Un beau titre. Ouais. Non, tu vas nous raconter ça dans un instant. Royal. Et là, on fait tourner la roulette. C'est parti pour la roulette sur le 41-759. Donc, vous nous laissez vos messages pour le problème du mois. Et sur le 7-20-20, vous envoyez roulette. Et comme ça, vous gagnez Joule. Vous voulez aller voir Joule? Bah, vous avez bien raison. Tournée Skyrock, première tournée de Joule. Ouais, si vous voulez aller le voir, il y a 4 dates pour aller le mater. Vous allez à Paris, vous allez à Marseille, c'est complet. On a des places sur Sky. Vous allez à Nantes, vous allez à Amnéville. Ouais, c'est ça. Ouais. Amnéville. Au Galaxy Amnéville. Ouais. Au Galaxy d'Amnéville. Et vous gagnez Joule. Donc, roulette au 7-20-20 tout de suite. Et les places de concert pour Joule. En plus, c'est cool. On va se retrouver en direct sur l'antenne ensemble. Ouais. Nickel. Et Anissa et son mucus aussi. Ah oui. Wow. C'est la plus grande radio libre de France. Tous les soirs. Full radio libre. Radio libre en direct. Ah, avec Alonso là. Et du Booba aussi juste après là. Ouais. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les enfants sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paname, on lui veut la part des ongles comme ça. Sa langue dans sa bouche. J'ai bien capté ses manigances. Elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance. Un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est ça c'est minable. Elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. La nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. C'était Alonso sur Skyrock. Difool, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Et vos places pour Joule à gagner dans un instant sur Skyrock. On fait tourner la roulette. Prisca arrive juste derrière. Et là, on est en plein problème du mois. On va voir la lecture de la réponse du problème du mois. C'est un internaute. Oui, c'est Emeric02 qui répond. A priori, dans un bel état pour être sur ces forums, comme toi, Romano. Qui va lire, qui va faire la réponse. Toi, tu vas nous la lire. Bien sûr. Et nous avons Anissa, que je te présente tout de suite. Mais Anissa, oui. Je te remets entre les mains de Romano. Tu es dans le 78 et t'as 26 ans, Anissa. Voilà, c'est ça. Bienvenue sur Skyrock. Bonsoir, Anissa. Tu fais quoi de la vie, Anissa? Oh, je je travaille dans le pharmaceutique. Très bien, je vous laisse tout de suite. Bon, ouais. Alors Anissa, un truc pour faire pousser les cheveux, non? Non, oui, tiens, on en parlera après. Anissa, tu as entendu le problème du mois, donc Laura a un problème lorsqu'elle se fait sodomiser aussi bien par le sexe de son homme qu'un gode ou ses doigts. Elle a comme une matière visqueuse qui s'échappe de son anus, du mucus. Nous avons surnommé le mucucus. Moi, je mangerais bien quand même la vanille. Alors, est-ce que tu es dans le même cas? Tu produis du mucucus? Bah, en fait, c'est pas vraiment le même cas. J'ai produit du mucucus, effectivement. Mais c'était dans une autre situation, en fait. C'est parce que je prenais des médicaments. Ouais. Et c'était des médicaments pour faire maigrir, en fait. Pour pas dire la marque, ça s'appelait Ali. Ah oui, mais c'était un médicament qui faisait sensation. À ce moment-là, je l'avais commandé sur Internet. Ah, mais je vois ce que c'est. C'est le truc qui te faisait faire des crocrottes toutes huileuses. Mais de mucucus ou les crocrottes ou pas? Non, mais même sans les crocrottes. Non, c'est-à-dire que dans la journée, pendant un moment, ça m'a surpris et j'ai eu du mucucus huileux. T'as l'impression que tu te chiais dessus, j'imagine. Non, mais c'est vrai, moi j'étais avec des copines. Mais c'est même pas marron, quoi, c'est huileux. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. J'étais avec des copines, l'été, là, il y a 2 ans, qui prenaient des trucs comme ça, et en fait, elles me disaient qu'en fait, dans leur culotte, t'avais un truc gras, en fait, qui sortait tout seul. Les copines de la marée. Mais, tu les saliras, tes truies, là. Vous savez qu'elles m'ont flingué mes canapés. Bisous, les filles. Moi, ça m'est arrivé, je m'en rappelle, ça fait un petit moment, j'avais pris ça, j'étais à la fac. Oui, mais j'imagine que. En plein milieu, comme ça. Non, mais j'imagine que. La chaise a été toute fileuse, j'avais trop honte. Non, mais Alissa, j'imagine que toi, contrairement peut-être aux potes de Marie, tu ne n'en pas parlé à tous tes amis. Non, mais. Non. Non, ça, forcément, oui. Non, mais nous, on en a parlé. Je me suis fait un peu cramer avec ma pote qui était à côté, donc du coup, j'en ai parlé, mais. Oui, forcément, mais j'ai arrêté tout de suite, quoi. Après, les médicaments, j'ai arrêté tout de suite, quoi. Mais moi, je vais vous faire une révélation. Cédric est en ligne avec nous et Cédric, on a déjà pris de ça. Ah bon? J'ai failli l'acheter. Non, j'ai failli l'acheter en plus. Non, on m'avait dit ça que ça donnait l'achat tout le temps. Achète-le, Cédric. C'est des pets foireux. Non. Mythomane, une fois de plus. Ah. Cédric, t'avais pas. En plus, t'en avais parlé à l'antenne. T'es vraiment un gros mytho. T'avais pas. Si, t'avais acheté des brûleurs de graisse. C'est vrai. Ah, mais c'est pas pareil. Oui, mais ça te faisait. Non, mais ça te faisait chier huileux, tu nous l'avais dit dans l'émission. C'est le même truc. Ah, non, Cédric. Le truc, c'est que c'est traître. Tu manges un tout petit peu de gras et ça y est. Ouais, ça ressort. Cédric, il bouffe que du gras, donc. Ouais, direct. Mais c'est quoi, c'est la matière, quoi, la matière, c'est genre, c'est comme de l'huile? Oui. Ouais, c'est ça, c'est comme de l'huile, c'est comme si tu chiais de l'huile. Mais du coup, c'est que tu pisses de l'huile. Mais ça se voit à travers ton pantalon? Ah, ça fait des taches. Bah, moi, à ce moment-là, ça, ouais. Ah oui, il y a un sac, ouais, si t'as un pantalon blanc, ouais. Ouais, tu dois le voir. Mais t'avais quand même eu une grosse coulée de mucus ce jour-là à la fac. Ouais, c'était bien mucusé. Ouais, parce que ce jour-là, à midi, j'avais mangé du pain gras. Et c'est là que je me suis rendu compte. Mais Cédric, je comprends que tu l'aies fait qu'un jour, hein, parce que toi, ça devait être une horreur, le machin. Inondez son quin, son lit, Cédric. T'as dû remplir ton tanga, ouais. Cédric. Non, mais Cédric, il t'a rempli un bidon d'huile. Alors, Romano, quelle est la réponse du problème? Alors, attention. Écoute bien. Bah ouais, mais après, pour le problème de Laura, moi je pense pas que. Enfin, un mucus anal, c'est soit t'as une fissure anale, soit t'as eu un problème avec un médicament comme moi à base de paracétamol. Non, ou alors. Ou dans les pornos, ce qu'on voit généralement, je pense que c'est plutôt les mucucus du gars. Ah, t'as vu aussi dans les pornos, toi? Ouais, mais ça, j'ai déjà vu aussi. Lui, si, du coup, c'est son mucus à lui qui ressort, je pense. Tu veux dire qu'il mouille un peu de la bite et ça ressort comme ça? Ouais, voilà, c'est peut-être son lubrifiant naturel. C'est les mucucus. Ou alors, elle mouille de l'anus. Alors, Romano, qu'est-ce qu'il dit, l'internaute? Bonjour, ma chère Laura. Bonjour, internaute. Salut. Ton message m'a interpellé. Oh. Quelle excitation tu dois avoir pour produire une telle substance. La sensibilité anale dépend beaucoup de la personne. Beaucoup. Par exemple, pour moi, dans mes ex-copines, une ne jouissait par derrière qu'en lui caressant le clitoris en même temps. Oh. Une pouvait jouir par derrière sans les mains, mais seulement si elle serrait les jambes. Ouais. Une autre qui pouvait jouir par derrière, même avec les jambes écartées. D'accord, l'autre a fait des études sur toutes ces meufs. Ah ouais, c'est ça. Apparemment, quand mademoiselle serre les jambes, le petit frottement contre le clitoris sert de déclencheur. As-tu vérifié qu'il ne s'agissait pas simplement de mouille vaginale qui coulait jusqu'à ton anus? Ou alors, utilises-tu peut-être des médicaments pour le régime qui produisent parfois ce genre de substances? Ah, tu vois. Bien vu, bravo Anissa. J'étais pas loin. Bravo. Toi, apparemment, tu n'as besoin de rien pour te lubrifier. Ah. Et c'est tant mieux pour partir sur une autre planète. Non mais l'autre, il est complètement excité par le mucucus. Essaye de te toucher le clito en même temps. Et je t'assure que tu jouiras encore plus fort de l'anus. En tout cas, ne t'en fais pas. Tu peux jurer fort en paix. Tout est dans la tête. Tu connais bien ton corps. Donc tout fonctionne à merveille. Aucun souci. Tout à bientôt. Bien. Et bon mucus. Ah bah bon mucus. Bah, a priori, il va continuer à en faire, la Laura du mucus. Tiens, bah, ouais, ou alors c'est la mouille qui coule. Tu vois, Anissa, t'avais raison. Ouais, peut-être. Oui, voilà, hein. peut-être aussi un médicament. Bah, en même temps, toi, tu l'as vécu le mucucus. Tu l'as vécu le mucucus. Et bah super, Anissa. Bah merci du coup. Merci. Hein. Reviens vite, Anissa. Bah écoutez, merci à vous. Mais merci, sans mucus. Et bah c'est gentil. Comme toi, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Merci, c'est gentil. Bisous, Anissa. Et nous, en fait, on est là. Roulette, le prochain problème du mois, ce sera jeudi prochain. Si vous tombez sur des cums ou des meufs qui sont un petit peu chelous sur des réseaux, envoyez romano@skyrock.com. J'avais juste une question. Tiens, une dernière question à Anissa, là. Ouais. Le truc que t'as utilisé là, les médicaments, à part te faire du mucus, t'as réussi à maigrir ou pas du tout? Bah, à vrai dire, j'ai arrêté au bout de même pas 3 jours. Ah bah quand tu passes à la lâche dessus. Grosse arnaque, moi j'ai grosse arnaque, n'achetez pas ça quoi. Je te comprends Anissa, si tu te toutes les soirs tu rentres et que t'es obligé de vider ta culotte, c'est pas super. Tu mets une couche. Ouais non, c'est joli. Ouais bah attends, mais je l'ai gardé 3 jours, je mettais carrément des serviettes hygiéniques au bout d'un moment. Tu vois, je me suis dit au cas où, on sait jamais, tu sais. Non mais bon, t'avais raison, ça coulait à ce point-là. Ah alors faire. Bon, bah non, merci donc, Anissa. Non, n'achetez pas ça, jamais. Bon. Eh ben, gros bisous quand même à ton mucus. Elle a plus de mucus. Allez, roulette qui tourne, c'est parti, Joule. Skyrock t'offre Joule en concert dans la ville de ton choix. Et Patrick est avec nous. C'est Joule sur Skyrock et c'est Patrick de Metz avec nous en direct. Salut Patrick. Absolument, ouais. Salut. Comment ça va Patrick? Ça va bien. T'es prêt à faire tourner la roulette? Ouais, je suis prêt. Eh ben, la roulette est prête aussi, je la lance. Elle est lancée. Comment que c'est à Metz alors? Ça va, ça se passe bien. Comment ça fait froid? Ah bah oui, putain, dans l'est de la France, c'est vrai que il fait froid en hiver, il fait froid chez vous. Là-bas, c'est rude. Oui. Allez, c'est parti. C'est au nord de ta Bourgogne, Romano. Ouais. Julie passe à côté de chez toi, là, au Galaxy d'Amnéville. Oui, c'est à côté. Et bah, tu seras. 2 places pour Jules, Patrick. Ah, merci, c'est cool, c'est sympa. Eh bah, c'est fait pour. C'est cool comme le mucus. Le mucus, c'est cool. Bon, Patrick, passe. Éclate-toi bien pour le concert, passe une belle nuit. Et puis reviens quand tu veux, toi aussi. Et bravo pour tes places, Patrick. Merci, c'est cool, c'est gentil. Patrick. Ah bah tiens, il y a Patrick qui te salue d'ailleurs. Homonyme. Oui, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bravo Patrick, des places pour Jules à gagner encore demain tout au long de la journée sur Sky. Et dès demain matin dans le morning. Ouais. Okay. Bonne nuit Patrick. Merci, bonne nuit. Bisous. Et bonne nuit à vous. Salut Patrick. Demain soir, grosse soirée puisqu'il y aura du foot à suivre et on suivra le match de demain soir. France-Bulgarie en direct du Stade de France. Des places à gagner demain matin avec nous dans le morning aussi à 8h05. On vous offrira vos places pour France-Bulgarie. Sinon demain, il y a DJ Roro qui viendra vous offrir un iPhone 7. Ouais. Et tester vos connaissances musicales comme lui seul sait le faire et mixera. Ah ouais, mais comme un dieu. Pour les autres rendez-vous, attention, conseil pas cher. Réveil de star aussi et vos 1 500 € à gagner. Inscrivez-vous au 7-20-20, vous envoyez 1 500 au 7-20-20 maintenant. On peut vous appeler demain matin. Hein. Allez-y, profitez-en. Il y a eu plein de gagnants encore cette semaine. Dommage, je sens que ça va être de la folie dans le morning. Folie. Dernier morning de la semaine à pas louper. Dès 6h, la radio libre dès 21h en direct avec vous. Yep. Et Booba, écoutez tout de suite sur Skyrock avant de partir. C'est Booba qu'on se balance. Le dernier Booba. Petite pensée pour tous ceux qui sont passés par la tempête et qui nous ont laissé des messages. On a eu un mec de Miami tout à l'heure qui nous a laissé un message. Et puis, apparemment, il y a un nouvel ouragan qui est en train de se former là au large des States qui s'appellerait Nicole. Nicole. Ah, après Mathieu, c'est Nicole. Il y a Mathieu et Nicole. Et une pensée à tous ceux qui ont de la famille en Haïti aussi, hein, avec, avec l'ouragan qui est passé là-bas. Allez, direction chez Booba maintenant. Le nouveau Booba. Bah c'est parti, c'est juste après la bande-annonce du morning et puis juste après Booba, il y a Priska aussi hein. Et Urban Music non-stop toute la nuit sur la première radio urbaine mondiale Skyrock. Bonne nuit et on vous embrasse, à demain. Ciao. Salut. Ils ont tous gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1 500 € toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous tout à l'heure de 6h à 9h dans le Morning Daddy Fool sur Skyrock. Tu refais là.